Ça se passe comme ça tous les week-ends sur Fun Radio pour terminer le dimanche soir à la cool avec l'Eurodance 25, le classement des 25 titres les plus joués dans tous les pays d'Europe. On vient de se faire le numéro 1 du classement. Le titre le plus joué cette semaine en Europe, ça reste une nouvelle fois Martin Garrix avec Animals qui reprend de l'avance d'ailleurs sur le numéro 2 sur Avicii avec Wake Me Up. En numéro 3, Naughty Boys qui a gagné une place avec le La La La. 4ème plus 3 places pour David Guetta avec le Ain't a Party. Ça rentre donc dans le top 5. Et 5ème, Daft Punk avec le Get Lucky. A noté cette semaine les deux entrées. L'entrée de Dubs avec le Tsunami et l'entrée de Lana Del Rey avec le Summertime The Sadness. Belle soirée tout le monde, bon courage pour ceux qui sont en mode boulot pour demain, pour ceux qui sont en vacances, éclatez-vous bien. Et nous on va retrouver Party Fun tout à l'heure des minuit évidemment avec plein de belles choses ce soir. Dim, Chris, Nicky, Romero, et là c'est Mickaël évidemment qui va reprendre le relais maintenant. Ouais, j'avais pas poussé sur le bouton. C'est oui, bon, celui-là. Il faut pas allumer forcément. Ready, bah oui, écoute, ça arrive même au meilleur. La preuve. Voilà, tout à fait. Allez. Bon, rencard la semaine prochaine. Exactement, 18h-20h. Allez. Émission. Exactement, oui. Bon, allez, 20h sur Fun Radio, là, bah c'est parti, hein, Mickaël, No Limit. On va démarrer là maintenant jusqu'à midnight. Arrête de me faire chier. Mickaël, No Limit, 20h minuit. Sur Fun Radio. Exactement, bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ouais. Ah bah nous plutôt pas mal, on revient d'un petit week-end à Prague, tranquille, assez sympathique, on va dire ça comme ça. On vous racontera ça tout à l'heure. D'ailleurs on salue les auditeurs qu'on n'a pas croisés là-bas. En fait on a fait des photos, on les a mis sur le Facebook. Et puis ces idiots d'auditeurs, au lieu de nous dire directement sur moi même tiens salut, mais on va boire un verre. En plus Toff c'était sa tournée et tout, il aurait payé tout le monde. Bah voilà, c'est ça, c'est con. Bah non, ils se sont tagués après sur la photo en disant putain, on était juste derrière. Bah oui, les gars, pourquoi vous êtes pas venus? Eh, par contre, appelez-nous hein, si vous étiez là. Si vous étiez à Prague, oui, expliquez-nous bien cette sûr. Histoire parce qu'il s'est passé des choses bizarres. Voilà. On voyait des gens qui rigolaient autour de nous et on va en avoir le cœur net. Voilà, on savait au début, pas si c'était des bonasses juste parce qu'ils le trouvaient à leur goût ou bon, bref. Au début, moi je crois que c'est parce que en fait, Polo il était une célébrité là-bas, mais oui, il l'avait caché, mais en fait. Mais peut-être, mais en fait, pas du tout, et apparemment pas, ouais. Bon, et puis je vous raconterai aussi mon histoire que j'ai eu. Avec quatre bombes blondes dans un ascenseur. Enfin bref, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Non mais je vous l'expliquerai tout à l'heure. Oh là là. Mais enfin bref, j'étais tout seul, Polo et Toff, ils étaient partis. Je me suis retrouvé avec quatre bombes dans un ascenseur, mais un truc de psycho. Bon, je vous expliquerai. L'ascenseur s'en souvient encore. Et l'ascenseur s'en souvient, et moi aussi surtout. Bon bref, soyez les bienvenus. Donc c'est Mickaël No Limit. Alors donc moi c'est Mickaël, hein, pour ceux qui viennent de débarquer. On est ensemble jusqu'à minuit, le dimanche bien sûr, et puis de 23h à 2h le reste de la semaine. Si vous voulez passer à l'antenne, eh ben, il suffit de faire le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 et vous nous rejoindrez comme par exemple Mathilde qui est avec nous. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Comment ça va Mathilde? Oh très bien, je suis en vacances, alors très bien. Oh mais ça va, à la cool hein. C'est vrai qu'il y en a qui sont en vacances là hein. Oui. Hein, il y en a qui sont en vacances. Bah bravo, pendant que nous on travaille comme des chiens. On travaille dur là. Limite avec un coup de fouet qu'on prend là comme ça là, c'est limite scandaleux d'ailleurs Toff. Oui. Ah mais ça voilà. Va me manquer. Avance un petit peu. Ah, pour oui. Polo également. Mathilde, t'en veux aussi un petit coup de fouet? Non. Ah si, ah si. Ah non. Alors c'est allez, ça ou un coup de pelle là, tourne-toi. C'est ça ou un coup de pelle? Non, un coup de pelle. Un coup de pelle. Eh ben voilà, un coup de pelle. Très bien Mathilde. Bon, est-ce que t'as suivi un petit peu toutes les photos qu'on a mises sur le Facebook, le Twitter, l'Instagram ce week-end pendant oui. qu'on était à Prague? Oui. Ah très bien. Bon alors tu n'as pas. Ah oui c'est vrai que je n'ai pas mis d'informations en propos de mes quatre blondes que j'ai rencontrées dans un ascenseur. Bref, une histoire s'est produite. Bon, enfin bref, je vous expliquerai tout à l'heure. Bon Mathilde, t'as passé un bon week-end toi? Très bien. Très bien, il y a Mathias qui a envoyé un message tiens, sur le Twitter, hein, c'est le premier. Il est là enfin, il est beau, il est grand, il est puissant, il est unique. Mickaël. Oh oui. Ah oui. Merci beaucoup. Eh bien c'est très gentil de ta part, je vais te mettre un coup de lance-flamme, mais tu ne le mérites pas. Oui, j'ai déjà fait. Et de quoi Mathilde? Non, j'ai déjà fait mon lien. Mathilde? Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Rien, je parle à mon père. Ah oui, d'accord, ok, normal, parce que je pensais qu'à un moment, tu sais, comme t'étais à la radio, tu nous parlais à nous, mais en fait, non. Bah, embrasse le papa. Tony aussi, qui dit bonsoir, Mickaël et toute l'équipe. Ah, que c'est bon de vous entendre. Ah bah, c'est bon de vous retrouver également. Merci en tout cas d'être là tous les soirs et le dimanche également. Alors, Mathilde, reste avec nous. Il y a Sandro également qui est là. Comment s'est passé ton date? Ah, très bien. Elle avait un date ce week-end. Ah, oui. Alors? Bah très bien. Non mais très bien quoi? Bah très bien. Il y a eu cassage de pattes ou pas? Ouais. Ah bah non. Ah bah quoi? Bah, le premier soir. Même pas un petit. Moi, non mais ouais. Je sais pas s'il y aura une suite. Bah, mais un roulage de patins. Est-ce qu'il y a un échange de microbes? Mais non mais je suis pas en chien à ce point-là les gars. Non mais un roulage de patins. Un roulage de patins. Des microbes ça qui sont. Très bien qui ont... passé, moi, à mon avis, ça s'est très bien passé parce que depuis, elle veut être une girafe. Elle... oui, elle met du girafe sur son compte Facebook, ouais. Elle cherche à comprendre. J'ai perdu un jeu, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. Une colle d'ailleurs. D'accord, ah, bah très bien. Bon, bah bref, on en reparle tout à l'heure. D'ailleurs, les filles, venez nous dire aussi combien de temps vous prenez pour vous préparer avant premier rendez-vous. Tu mets combien de temps, toi, Sandro? Bah ça dépend avec qui j'ai rendez-vous. Bah là avec ton date par exemple, t'as dit combien de temps? Bah non, je connaissais le, je sais, je le connaissais le mec, donc je savais très bien. Dans ah donc tu pouvais arriver en mode pouilleuse? Non mais non pas du tout, mais je savais quel style vestimentaire mettre. D'accord. Pour pas qu'on soit, tu vois, trop différents ouais, tous les d'accord, deux. D'accord, d'accord, d'accord. Bon bah dites-nous les autres, hein, combien de temps vous mettez les filles avant un premier rendez-vous, vous mettez combien de temps à vous habiller? Pareil pour les garçons, même si à mon avis le temps sera beaucoup plus rapide. Et puis bah oui, Toff s'est senti un petit peu seul ce week-end. Ah à Prague, oui, hein. Ah mais oui, malheureusement, tous ses amis, là, n'étaient pas là. Voilà. Il m'avait abandonné. Mais oui. Vous me faites chier. Il y a personne est venu. Hein. Allez vous faire foutre. Pourtant, on avait invité, envoyé des invitations. Votre grand-mère est sus des nains. Voilà, bref, il y en avait plein d'autres et personne n'est venu. Bref, cette tristesse, c'est vraiment triste. Bon, oui, heureusement. Je me suis senti vraiment abandonné. Bah oui, Polo était là également, ouais. Hein, sur la Grand Place à Prague, hein, ouais. Avec le pipeau. Il a ramassé d'ailleurs quelques couronnes. Ouais. C'est la monnaie locale, hein. Ouais, c'est pas ça. Des vraies couronnes. Donc ça s'est plutôt bien passé, quoi. Hein. Ah c'était à la cool, il y avait de la. Bah les meufs étaient magnifiques. Ah bah elles étaient belles. Là. Et voilà, puis il y a des choses qu'on va pas raconter maintenant parce non, peut-être pas à cette heure-ci, notamment mon histoire avec ces quatre pures blondes dans cet ascenseur. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et puis on va passer aussi du son avec bien sûr Calvin Harris. Je vous cale Thinking About You, ça va démarrer dans pas longtemps ça. Il y aura un nouveau Stromae avec tous les mêmes. Rendez-vous. Ah, tous les mêmes des connards, hein, donc c'est pour parler de Toff bien entendu. Hein. Voilà, il sera là, pas de problème. Unique, ouais, tu parles, ouais. Je vous cale aussi Dubs, ça vous aussi vous l'aimez bien avant minuit. Tsunami. Le nouveau Hardwell avec Jumper. Et puis Avicii, ça aussi vous l'aimez bien. Et moi aussi avec Hey Brother. Bon, et si vous avez envie de choisir des sons aussi en particulier, n'hésitez pas à hashtag Mickaël. Vous proposez, évidemment, il n'y a aucun problème. Vous êtes les bienvenus avec toutes vos propositions. Hashtag Mickaël sur le Twitter. Il y a aussi AST Shark qui dit de retour après votre voyage. J'espère que vous avez encore plus de conneries. Et bisous à Joe qui vous écoute grâce à moi. Bah, merci à toi et bah, salut à lui ou elle. Tu seras en retard ce soir, j'ai pas mangé encore, c'est Ted. Ah bah non, on est à l'avance là. Et il y a Quentin aussi qui dit vous êtes là, vous auriez pas un truc contre la grippe. Bah contre la grippe, non, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il y a John McLean qui dit un petit replay de l'appel du beau-père. Ah oui, c'est vrai, on a eu l'appel du beau-père, on le remettra tout à l'heure. Et puis ce qu'on a eu également et qu'on vous remettra tout à l'heure aussi, c'est le canular de jeudi qu'on avait fait. C'était juste exceptionnel. Alors c'était avec Fred. Et alors écoutez, pour ceux qui n'étaient pas là, on vous le remettra. C'était exceptionnel. Hey, gros, là, tu fais quoi? Appelle les rejetats, gros. Te fais pas ouvre la porte. Il m'a touché, ce bâtard. Ouais, on était en mode braquage, il y a eu des meurtres et tout le bordel. Et puis heureusement, bah, il y a eu Toff qui jouait le rôle du voisin et qui à un moment était surpris. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Voilà, donc on vous le remettra tout à l'heure avec plaisir. Vous avez été nombreux ce week-end à nous réclamer, donc j'ai répondu à beaucoup de monde depuis Prague. Yannola qui dit tu pourrais mettre le son de Martin Garrix s'il te plaît, là, merci d'avance, ça fait pas longtemps que je t'écoute. Et je t'aime déjà trop, mais moi aussi je t'aime déjà Yannola. Il n'y a pas de problème pour Martin Garrix, je te le mettrai tout à l'heure sans problème avec j'ai oublié qui dit donc. C'est pas faux de l'avoir Jimmy. Hein. Animals, exactement. Et puis Angélique qui dit salut Mickaël, ça fait du bien d'être en vacances pendant deux semaines, bah, profitez-en bien. Et Let's Be Free qui dit coup de fouet à tous les auditeurs, on le mettra tout à l'heure, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Et puis j'ai des cadeaux aussi. Alors attendez, parce qu'il faut que je prenne ma liste, hein, tellement il y en a là. Alors cette semaine, attention, il y a des Xbox, des PS3, des Wii U avec les jeux Halo 4, Tomb Raider, Beyond Two Souls, The Last of Us, Legend of Zelda, Super Mario 3D qui ne sortirait que le 29 novembre et qu'on vous offre donc en exclusivité. Exactement. J'aurai des places aussi pour le Paris Games Week. On y sera d'ailleurs à partir du 29 octobre en direct sur Fun Radio. Le 29 octobre, on sera là dès 21h en direct sur Fun. Et puis bah avec vous aussi, hein, si vous voulez venir avec nous au Paris Games Week, pas de problème. J'aurai aussi des places, des entrées pour le parc Astérix pour Peur sur le parc, hein, pour ceux qui sont en vacances de Toussaint. On va vous filer ça par 4. Et puis bah, c'est pas l'appareil photo, c'est une caméra Canon Legria. C'est un truc minuscule qui vaut quand même 299 euros, ouais, qui tient dans la main. Sauf que vous pouvez comme c'est pas super connu encore, vous pouvez filmer de manière discrète parce que ça ressemble pas à une caméra. Et en plus il y a un écran que vous pouvez mettre dans tous les sens, vous pouvez filmer en plongée, contre plongée, sur plongée, hors plongée, enfin tout ce que vous voulez. Polo s'est éclaté pendant le week-end. À Prague il a filmé que ça. C'est un truc de fou, c'est super léger, c'est vraiment ouais, j'adore. Exactement. Bon, non, en tout cas, il y a la photo sur le Facebook. Vous pouvez la gagner aussi si vous allez sur le Facebook maintenant. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Voilà. Est-ce qu'on a Mathilde de retour? Non, elle est partie, Mathilde. On va le récupérer dans quelques minutes. Eh ben, on va prendre Fred, tiens, pour la colle qui est avec nous là maintenant. Là. Bonsoir, Fred. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et vous? Bah écoute, ma foi plutôt bien, Fred, tranquillement, tranquillement. Bon Fred, alors, on va repartir, enfin tu vas peut-être repartir avec une PlayStation 3 et les jeux, parce qu'on en met deux, Halo 4 et Tomb Raider. D'accord? Alors, pour gagner, c'est simple, il faut que tu nous fasses péter une colle. Celui ou celle qui a la bonne réponse envoie tout simplement M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Alors vas-y Fred, on t'écoute. Alors pourquoi Mickaël ouvre la porte? Mickaël, moi? Parce que moi j'ouvre pas la porte, hein, je te le dis direct. C'est dans l'absolu quoi, pourquoi Mickaël n'ouvre pas la porte? Voilà. Ouvre. Pourquoi Mickaël ouvre la porte? Voilà, pourquoi Mickaël ouvre la porte? Pourquoi Mickaël ouvre la porte? Bon, si vous avez la bonne réponse, si je pense à ce que tu penses, que nous pensons, et que c'est ça la bonne réponse, je pense que je peux te mettre un coup de pelle. Voilà, avec plaisir. Est-ce que tu mériteras un coup de pelle? Est-ce que je pense bien à ce que tu penses? Voilà. Très bien, moi je pense qu'il mérite deux coups de pelle tout de suite. Dans sa gueule de coup. Oh là là, et si vous trouvez pas la bonne réponse, c'est que vous êtes vraiment mongol. Hein. Je m'excuse, hein. Vous êtes derrière la radio que si vous n'avez pas trouvé la réponse, mais quand même. On répète, pourquoi Mickaël ouvre la porte? C'est bien ça? Voilà. Ok, très bien. Bon bah alors bonne chance, hein, si vous avez la bonne réponse. C'est une porte en bois. Je pense qu'on s'en fout. Ah d'accord. Donc vous y allez, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique pour gagner votre console PlayStation 3 avec le jeu Halo 4 et Tomb Raider. Et je vous mets aussi deux places pour la Paris Games Week. C'est bien. Ouais, c'est... Et attention, c'est et attention, vous êtes, parce que ça ouvre le 30 octobre et nous on y sera à partir du 29 octobre. Wow. Et nous y serons évidemment avec vous en exclusivité. Exactement, voilà. Donc si vous voulez gagner, allez-y, bonne chance. Fred, on te récupère tout à l'heure, ok? Ok. Et on donne la réponse avant 22h30. Donc restez bien à l'écoute de Fun. Et puis bah tous les messages évidemment, Facebook, Twitter, Instagram, vous êtes les bienvenus. Tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Et puis je vous rappelle également qu'il y a toutes les photos de Prague où on était ce week-end avec Toff, avec Polo, où on s'est bien marré, où on a Toff a payé son Burger King comme c'était prévu sur Twitter. J'ai tenu parole. Polo a payé son Morito comme c'était prévu sur Twitter. Ouais. Moi je n'ai rien payé comme c'était prévu sur Twitter. Ouais. Et puis j'ai rencontré 4 blondes de psychopathes dans un ascenseur. Je vous explique même pas ce qui s'est passé. Enfin si, je vous l'expliquerai dans quelques minutes. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Bon, et puis on va prendre Steven également qui est avec nous là. Bonsoir Steven. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Bah ça va, tranquille. Bon, tant mieux. T'as déjà été à Prague toi? Non, jamais. Par contre, je suis allé en Hollande le mois dernier. Ah oui, mais c'est pas pareil, hein. Ah non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'était très bien Prague. Bon, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Du temps que je mets à me préparer. Ah bah oui, on en avait parlé, tiens, je voulais savoir combien de temps les filles étaient à se préparer. Ou les mecs en l'occurrence là. Donc bah très bien, on fera ça dans quelques minutes. Tu restes avec nous Steven. Ça marche. Bon, et puis les autres, à ceux qui sont sur Twitter, n'hésitez pas, il y a le top Twitter ce soir aussi qui revient évidemment. Et bah le dimanche, on a souvent des surprises dans le top 5. Hein, donc si vous pensez pouvoir le faire, si vous pensez pouvoir devenir top Twitter ce soir, il suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag Mickaël. Et puis à la fin de l'émission, on donnera le classement des 5 meilleurs. Allez-y, bonne chance. On fera aussi des redifs de canulars de Toff, hein, des petites avec enquêtes, plaisir. des petits sondages que nous faisons tout au long de la semaine, bien entendu. Et puis comme promis, eh ben plus proche de nous, Calvin Harris dans quelques minutes avec Thinking About You. Il est 20h12 sur Fun Radio, on est en direct jusqu'à minuit, soyez les bienvenus, prévenez vos potes. Tous les dimanches soirs 20h minuit, ça se passe sur Fun Radio. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Hello. Mickaël. Mickaël No Limit, 20h minuit sur Fun Radio. Oui, autant pour moi. Ah, c'est Toff. Et encore ce... Ah, là. Ah mais ça arrive, top. Ça arrive même au meilleur là, ça arrive même au meilleur, j'ai fait de la merde, ça arrive même au meilleur. Bon il est 20h15 sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Si vous arrivez, il y a Mathias qui dit Mickaël, quand t'as besoin, c'est passé numéro 69 dans le top 100 du DJ Mag, il est où DJ Mimich, hein, pourquoi il est pas dans le top 100? Ah oh, je vais arriver, t'inquiète pas là, il y a Justine qui dit j'étais après l'été dernier, c'était bien cool. Ah ouais, on y a été ce week-end, c'est au top. Hein. Léa qui dit je connais un pote, il met autant qu'une meuf pour se préparer, bah on en parle ce soir et on devait voir Mathilde, on arrive plus à la joindre, je sais pas si elle a plus de portable et apparemment c'est la chouchoute en cours d'un prof et ça la gêne puisqu'elle a 16 ans, le prof est plus vieux donc elle voulait savoir si c'était bien normal voire un peu particulier quoi, voilà tout simplement, c'était ça la question. Donc si vous aussi vous êtes un peu le chouchou ou la chouchoute d'un prof ou d'une prof et que ça vous met mal à l'aise ou au contraire c'est un peu bah vous en tirez profit hein, tout simplement, bah venez nous en parler, vous appelez Sandro 01 42 48 5000, n'hésitez pas également à aller voter pour la Paris Games Week hein, sur Fun Radio pour élire votre jeu vidéo de l'année 2013. On attend évidemment vos votes afin de décerner la récompense tout simplement. Donc funradio.fr, allez voter. Calvin Harris qu'on écoute maintenant, c'est Thinking About You sur Fun 20h16. Bonsoir tout le monde. the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël No Limit. No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio. Il est 20h20. On est en direct sur Fun le dimanche soir de 20h à minuit. Et toute la semaine évidemment de 23h à 2h. Alors pour ceux qui ont l'occasion évidemment de n'être là que le dimanche soir, bah, sachez que vous ratez évidemment pas mal de choses. Évidemment, notamment les évidemment pauvres. C'était jeudi avec Toff qui était en plein mode acteur dans un canular qu'on avait fait. Allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Voilà, il a buté les deux effectivement. Mais buté les deux quoi? C'est parce qu'en fait on s'est fait passer pour un mec qui avait tué quelqu'un par accident. On a fait croire ça à un autre mec. Enfin bref, une histoire de psychopathe. Et bah finalement ça s'est bien passé hein. Ouais, c'était bon, énorme. C'était trop drôle. L'auditeur est mort. Trop drôle. Ouais, il faut, c'est vrai. Dire, le pauvre. Mais hormis ça, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Donc on vous le remettra tout à l'heure. Si vous voulez l'entendre, dites-nous. Hein, hashtag Mickaël sur le Twitter. Et puis bah, sur le Facebook également. facebook.com/Mickaël officiel. Il y a Floun de Flu qui dit au top comme chaque soir, on change pas les bonnes habitudes. Bah, merci à toi. Il y a Miss Izibo qui dit moi aussi, je veux rester coincé dans un ascenseur avec Mickaël. Ah ouais, mais là, c'était. Oh là là. Enfin, je vous expliquerai. Il y a John aussi qui dit je le veux bien pour un cadeau à ma femme. Elle veut se lancer dans la photo et ça fait 4 mois que je suis avec elle. J'espère. L'avoir, Mickaël, je te remercie. Oui, c'est le Canon Legria Mini qu'on vous offre ce soir sur le Facebook. Hein. Allez-y, facebook.com/Mickaël officiel. On fera un tirage au sort avant minuit. Et Logan qui dit le Canon Legria Mini, je le veux. Salut, c'est Wolfo de Paname. On est bloqué dans les bouchons et où on s'enjaille sur Fun Radio. Eh ben tant mieux, tu vois, finalement, les bouchons servent à quelque chose. Et Julien qui dit j'aime faire la pub pour Mickaël. J'ai déjà fait sur une bonne partie des bancs de l'école. Ah bah, fais des photos, tiens, pour qu'on puisse voir ça. C'est cool, ça. Et Ouvrir Lilou qui dit ils ont buté les deux. Exactement. Et dès que je reçois mon cadeau, je me prends en photo avec et je le poste pour prouver aux haineux qu'on offre vraiment les cadeaux sur Fun. Bah, bien sûr qu'on les offre, si vous voulez qu'on foute avec sinon. Bon, en tout cas, soyez tous les bienvenus, Mickaël No Limit. On est là jusqu'à minuit donc, avec bah, Mathilde de retour dans quelques minutes, qui est donc la chouchoute en cours de son prof. Ça la met mal à l'aise, donc elle voulait savoir si c'était pareil chez vous. Et puis on fera aussi quelques appels de Toff. Alors j'en ai plusieurs en prévision là, qu'on avait fait cette semaine. On avait appelé à Marseille. Ah oui, le Marseillais. Le Marseillais qui était un peu violent quand même. On avait aussi l'appel, donc ça c'était par rapport au string, voir si les meufs, enfin leurs meufs en fait mettaient un string ou pas. C'était dangereux. On avait aussi les gros seins. Je sais plus c'était quoi le thème de ce truc là. On cherchait à savoir si les meufs avaient des problèmes de dos ou pas. Ah oui, c'est ça. Et puis en fait, l'amour en mangeant, hein, qu'est-ce que les meufs avaient bien mangé pendant qu'elles faisaient l'amour. Donc on avait fait aussi quelques appels. Donc si vous avez envie de réécouter ceux-là ou d'autres, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël, bien sûr, vous faites la demande. Et Let's Be Free qui dit je serai absente mercredi, je vais pas avoir une bifle de Toff comme punition. Bah oui, écoute, allez, Toff, sors doublé, ton membre. Doublé d'un coup de pelle. Autant dire, oyez, oyez, que mercredi, il y aura de la place dans le Top Tweetos. Ah. Voilà, je dis ça, évidemment, c'est comme Let's Be Freaks termine souvent première du Top Tweetos, comme ça, c'est fait. Bon, Steven, qui est avec nous, là, Steven de Blois. Ouais, c'est ça. Ouais, très bien. Alors, du Loir-et-Cher, donc, 19 ans, Steven, et donc, j'avais demandé aux auditeurs et aux auditrices en particulier combien de temps elles mettaient pour se préparer quand elles avaient un rendez-vous. Et heureusement, j'avais bien précisé auditrice à la base, en disant, bon, les mecs peuvent aussi appeler, et là, les quatre qui arrivent, c'est des mecs. Ouais. Est-ce que les mecs mettraient plus de temps que les filles, au final, pour se préparer? Bah, je sais pas. Mmh. Bon, combien de temps c'est tu probable. Mets? Bah, écoute, Steven, toi, combien de temps tu mets quand t'as un nouveau rencard pour préparer avec une meuf? Entre 3 et 4 heures. Quoi? Mais tu fais quoi? Mais c'est pas dur, déjà je passe une heure sous la douche. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? D'accord, mais ça c'est parce que tu t'astiques le poireau, parce que tu fais toujours de partir. Non, c'est parce qu'à mon avis ils se lavent pas de l'année. Ah, peut-être. Hein, quand t'as un rencard, il faut tout récurer, c'est nettoyer avec la brosse à récurer, tout le bazar, non? Ah, c'est nettoyage de printemps. Ah oui, d'accord. Et quand c'est en hiver, tu fais comment? Ah, ben je me lave une fois et puis voilà. Non, je déconne. Ah oui, c'est ça. Non. Donc nettoyage des dents, évidemment, hein, aller chez le dentiste. Oui, bien sûr. Voilà, bien entendu, évidemment, au taquet, bien sûr. Et quoi d'autre pour... Non, mais comment tu fais pour mettre 4 heures à te préparer? C'est violent. Bah, déjà, ouais, voilà, une heure sous la douche. Après, franchement, je suis un peu une fille aussi, voilà. Moi, j'aime bien prendre soin de moi, tout ça. Après, on dit ce qu'on veut, mais il y a soin du visage, entre guillemets, la crème, tout ça. Je passe déjà quasiment une heure à me coiffer. Ah, c'est un truc de dingue, en fait, ça, moi. En fait, t'as dit aux meufs de venir, mais Steven, t'es une meuf, en fait. Ah oui, en termes de préparation. Parce que moi, l'avantage, tu vois, avec la coupe que j'ai, en fait, c'est que, bah, tu sais, je sors de la douche, je mets un petit peu de truc dessus, ça tient debout, c'est bon. Là, tout à l'heure, on allait bouffer avec Toff et Polo, on s'est ramassé la flotte en pleine tronche. Nickel. Ouais, c'est sympa, ça. Comme si c'était rien passé. Des dégouline sur la tronche et exactement, tout. Exactement. Avec toute l'eau, c'est juste une horreur. Il y a Ayoub No Limit qui dit moi, je prends 20 minutes pour me préparer. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Attends. Il y a Baptiste qui dit remets le canular. Oui, on le remettra tout à l'heure, là. Vous inquiétez pas. Et j'aimerais bien avoir l'avis des filles quand même aussi. Alors, il y a des auditeurs qui sont venus nous voir ce soir. Comment ça va, les gars? En forme? Ça va. Très bien. Alors, il y a qui? Il y a Damien. Lui, c'est celui qui m'a saoulé avec son mail. Hey, je suis en bas, j'arrive pas à rentrer. Donc, je dis, casse la vite, merde. Alors, il y a qui à côté? Théodore et Florian. Et Florian, très bien. Bon, bah, pas de filles, donc en l'occurrence, on ne peut pas leur demander combien de temps est-ce qu'ils mettent. Vous mettez combien de temps vous à vous préparer quand vous avez un rencard, quand vous avez un date? Une demi-minute. Une demi-minute, ouais, vite fait. Non? Non, dans le micro. 5 minutes, 45 minutes, d'accord, ok, pour Damien. Une heure pour Théodore, Florian. 30 minutes. Bon, bah d'accord, ok, très bien. Attends, on va demander. Long, les gars. Oh ouais, je suis loin. Ouais. Bah ouais, c'est ça, ouais. Bon, attends, on va demander aussi l'avis de Maxime qui est avec nous là. Bonsoir Maxime. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Salut. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va super bien, tranquille. Bon, excuse-moi Maxime, je te mets juste au placard 30 secondes parce qu'on a d'abord. Vas-y. On a d'abord Julie avec nous, 22 ans de Toulouse là. Bonsoir Julie. Bonsoir. Comment ça va Julie? Ça va et vous? Bah écoute, ma foi plutôt pas mal. 22 ans de Toulouse. Et toi, dans ce temps-là, je vois. Dois vite passer parce que je vais manger. Ah bah si tu dois vite passer, alors combien mesures-tu? Faisons les choses rapidement. Bah oui, c'est ça, bien sûr. Les trucs importants d'abord quoi. Bah oui, Julie, combien mesures-tu? Je mesure 1m74. Combien pèses-tu? 60 kilos. J'ai des tours de poitrine. Oui, ça culmine. Hein. Alors là, c'est trop. Mais non. Combien? La normale, on va dire. Mais c'est combien? Oui, parce que ça peut être différent pour beaucoup de monde, la normale. Hein. C'est proportionnel à ma taille, on va dire. Combien? 85C? Un peu plus. 90C? Voilà. Ah bah voilà, tu vois. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah oui? Bonne. Ah oui, non, effectivement. Je veux bien. Bon, alors, la Toulousaine, Julie, combien de temps tu mets, toi, pour te saper quand t'as un nouveau rencard? Oula, au moins une heure et demie, hein. Le temps de lisser les cheveux, se maquiller. Enfin, ça reste quand même plus de deux fois moins que Steven, hein. Je dis ça quand tu dis oula, au moins une heure et demie. Je rappelle que Steven qui vient de passer l'antenne, mais 4 heures, hein. Mais. Ouais, mais là, c'est abusé. Si c'est pile, c'est pire qu'une fille, là. C'est mais pas, oui. Parce que, à la limite, faut Julie. Traver, bien sûr. Non, mais à la limite, Julie, c'est compréhensible. C'est vrai que les filles, c'est plus compliqué. Les cheveux, machin, pour peu que t'essayes, effectivement, que tu les lisses, tu dois t'épiler, tu dois faire ci, mettre la crème. La crème, la surcrème. Bah oui, non, mais voilà, c'est ça. Et encore, ça peut se jouer sur plusieurs jours, les filles, hein, parce que faut chercher la tenue vestimentaire. Ouais. Voilà. Donc là, tu demandes l'avis à toutes tes copines au moins 3-4 jours avant. Voilà, pour peu qu'il fasse beau, c'est l'été, t'es pris un peu de couleur, hop, du coup, tu peux plus mettre les mêmes vêtements parce que ça va pas du tout avec ton teint et c'est la merde. Ouais, parce que les meufs, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'elles vont essayer 15 000 robes pour de toute façon mettre la première qu'elles avaient décidé de voilà. mettre. Voilà, et alors évidemment. On met toujours les mêmes au final. Jamais demander l'avis, hein, les filles. Hein. Demandez pas l'avis de vos copains ou éventuellement des frères ou n'importe quoi, puisque de toute façon, si vous donnez un avis, quoi qu'il arrive, ce sera pas le bon et vous ferez engueuler. Donc, répondez Joker. Ah, mais répondez Joker, mais c'est encore mieux, répondez Joker. Voilà, tout simplement. Bon, et donc, Julie, donc, t'es avec un mec actuellement ou pas? Oui. Et t'as mis combien de temps pour le rencontrer, lui? Mais j'ai rencontré à l'école, au moins c'était sûr, j'avais pas besoin de me préparer. Oh oui, donc tu l'as fait au fur et à mesure. Donc l'avantage, c'est qu'il t'a vu en mode un peu crado, quoi. Donc il est au courant, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est voilà. Dire. Mais voyons le beau côté des choses, c'est le principal, effectivement. Bon, ben merci Julie, en tout cas, tu vas bouffer avec quoi ce plaisir. Soir, là? Eh bien, j'étais chercher japonais, alors je mange japonais ce soir. Eh ben, bon appétit alors, le japonais. Merci. Alors. Salut. Ciao, Julie. Sayonara. Oui, sayonara. Maxime, de retour, est-ce que t'as écouté l'émission la semaine dernière, Maxime? Exactement, ouais. Ah, t'as écouté quand on avait demandé pour savoir si les gens, enfin les femmes en l'occurrence, mangeaient en faisant l'amour? Ouais, je suis tombé là-dessus, ouais. Non, tu peux me dire non, hein, parce que parfois il y en a qui disent ouais, si, alors qu'ils ont pas écouté, donc tu peux me dire non, ça ne me dérange pas. Je te raccrocherai pas au nez parce que tu n'écoutes pas l'émission tous les soirs, tu sais, c'est pas grave. Hein. Bon, bah d'accord, ok. Ah, quel mytho! Un coup de pelle, tiens. Allez, c'est tout ce que tu mérites. Non, mais attends, mais soyez honnête, je vais pas vous bouffer ni vous raccrocher au nez, c'est pas grave, hein. Mais ceci dit, moi ça me dérange pas. Je mérite un coup de pelle. De quoi, Steven? Je mérite un coup de pelle aussi, j'ai pas écouté, je crois. Non, bah alors là. Oh. Et voilà, je vous mets une claque aussi en même temps, tiens, c'est soir mort. Bon, bah du coup, c'est quand Toff avait téléphoné pour se demander si leur femme, au mec qu'on a eu au téléphone, mangeait en faisant l'amour. Hein, c'est ça, hein. C'est ça. C'est voilà. Ça. Donc ça avait donné ça. Je rappelle bien sûr que si vous avez des idées de sondages, de questions à poser, voire même des numéros de gens réveillés assez tard, bien sûr, n'hésitez pas à les envoyer à Toff, toph@funradio.fr. Et puis, bah ça a donné ça cette semaine, justement, tiens. Alors écoutez, restez là, les mecs, hein. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà fait l'amour en mangeant ou manger en faisant l'amour. Bah écoute, moi je mange ta mère et puis je fais l'amour avec ta mère et toi aussi. Ça marche. Pas vraiment, monsieur, mais... Ouais. Comme vous avez pu le remarquer, ils étaient très gentils, donc on l'avait rappelé une seconde fois. Hein. Oh, sympa, ce mec. Bah oui, attends, ils étaient tellement gentils, donc on l'avait rappelé pour savoir, effectivement, si leur femme faisait l'amour en mangeant. Allô ? Oui, excusez-moi, monsieur, mais pourquoi tant de violence ? Bah, t'es qui, toi ? T'es con, quoi ? Bah, moi, je suis tof, mais je vous appelais juste pour savoir si bah, vous avez... Tof, c'est quoi ? Je t'emmerde, je t'encule, et puis je te prends quand tu veux, d'accord ? Tof. Bah, je comprends pas, c'est pas tout à fait ma question, en fait, monsieur. Moi, je veux juste savoir si vous avez déjà mangé en faisant l'amour. Bah, tu sais quoi, j'arrête pas de manger en faisant l'amour. Ah, très bien. Vous mangez quoi alors en faisant l'amour ? Bah, toi. Toi et ta mère, d'accord ? Bonne soirée, toi. Voilà, c'était très sympathique, comme vous avez pu le remarquer. Alors, on en a d'autres, évidemment, qui étaient un petit peu plus violents, mais on va devoir un petit peu attendre avant de vous les mettre. Hein. Mais ils étaient très sympas. Hein. Ils étaient très sympas, notamment quand on a appelé un beau-père d'un auditeur. Oh, le connard qui sait, avec la paire de couilles que j'ai, je vais te la poser sur le front, au PD que tu es. Voilà, il était très sympa, quoi, très gentil. Je vais monter te voir, je vais te casser l'oignon, moi. Moi, je vais te casser l'oignon, tu m'entends ? Voilà, non, mais vraiment, donc restez bien avec nous, ça va se passer tout à l'heure. Maxime, Jordan, Mickaël, vous êtes tous là ? Yannick ? Parfait. Allô ? Alors, oui, Jordan ? On est là. Oui ? Attends, Jordan ? Oui ? Mickaël ? Oui, d'accord. Oui. Bon, bah, je voulais. Attends, dire... Jordan, je viens d'appeler Mickaël. Oh, Mickaël. Allô, Mickaël. Oh, c'est la distance entre Jordan et Mickaël en termes de voix, c'est pas mal. Bon, restez là tous les deux. Maxime, Steven, bougez pas. On va la récupérer Mathilde. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. On va la récupérer dans quelques minutes. Et puis, on va se faire la colle également avec Fred. Toujours là, Fred ? Ouais. Bon, on se fait ça après le nouveau Stromae, d'accord ? Okay. Allez, bah Stromae et tous les mêmes et la PS3 a gagné juste après sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Dimanche soir 20h minuit, on est en direct sur Fun avec vous. Tous les hommes et tous les mêmes. Tous les mêmes. Le son Stromae sur Fun avec tous les mêmes 20h34, il y a Global DJs que je vous cale dans quelques minutes. Et si vous avez envie d'écouter un son, hein, n'hésitez pas, hashtag Mickaël sur le Twitter bien sûr, il y a Huguette qui dit pas de violence c'est les vacances. Mais non, t'inquiète pas, Nico aussi qui dit moi je mets 1h30 pour me préparer chaque jour. Chaque jour. Oh putain, le temps de perdu. Attends, c'est-à-dire 1h30 pour se préparer. Une heure pour se dépréparer, les embouteillages à l'aller, les embouteillages au retour. Putain, ça doit te faire une perte dans ta journée, ça, c'est un truc de dingue. Colin qui dit bon appétit, Julie. Ah bah, elle est déjà partie. Et Mickaël qui dit un mec, c'est une douche, du gel sur les cheveux, du déo et basta. Bah, c'est ça, en fait, c'est ça, effectivement. Un peu de parfum, si vraiment veux faire bien, mais voilà. Vraiment si tu veux faire bien, quoi. Et Morgane88S qui dit salut la team, désolé pour le retard. Bah, bravo, non, pas désolé. Voilà, coup de pelle, Morgane, ça t'apprendra. Et Kawet qui dit perso, je mets pas longtemps à me préparer, disons 30 minutes maximum. Je dois pas être une vraie fille. Oui, peut-être, ouais. Léa aussi qui 4 heures pour se préparer pour un gars, c'est quand même abusé. Huguette qui dit 1h30 pour se préparer, ça va. Et Miss Izibou qui dit je dois mettre 2-3 heures dans la salle de bain en prévoyant ma tenue la veille et toute une organisation évidemment. Et puis Dédé qui dit Mickaël vient d'apparaître en TT à Nantes. On n'a pas le record d'apparition en TT, mais ça a quand même été vite torché ce soir. Oui, c'est vrai, merci à vous, c'est pas mal. Bon, on a quand même été quadruple top tweet jeudi soir quand même, grâce à vous. Donc merci beaucoup. Bah, c'est vrai. Champion du monde de top tweet. Champion du monde. Et alors Laurie ici qui dit coucou, tu peux passer la colle. Oui, on va la mettre justement. Avec Fred qui est toujours avec nous. Fred, voilà. Bon, parfait. Alors Fred qui est là, qui est donc la colle ce soir. Et je rappelle que si vous avez la réponse à sa colle, il faut envoyer M-I-K-L, les 4 lettres, espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Alors Fred, vas-y. Alors pourquoi Mickaël ouvre la porte? Voilà, pourquoi Mickaël ouvre la porte? Parce qu'il y a Tof derrière. C'est non, une réponse qui est arrivée. Pour info, ça n'a rien à voir avec moi. Pour sortir. Faudrait déjà fermer. Pour partir. Non. Non, parce qu'il va aux toilettes. Non. Mika qui dit aussi parce que Simpson. Non. Ah, bah c'est drôle ça, parce que Simpson. Parce que. Chintok. Ah, c'est drôle, ça aussi. Non, bon, c'est pas la bonne réponse. Bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y. Hein. C'est gros comme une maison. J'ai dit que si c'était ce à quoi je pensais, Fred prendrait un coup de pelle dans la tronche. Voilà. Ça aurait même brûlé en place publique. Exactement. Donc, si vous avez la bonne réponse, pourquoi Mickaël ouvre la porte, qu'on peut également dire Michael, hein, ou Michael, si vous voulez. Oui, pourquoi pas. Ah oui, on peut. Donc, vous envoyez. Je pense que Michaël induit un peu en erreur. Bon, allez, alors Michael, alors, voilà, c'est ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc, vous envoyez tout simplement M-I-K-L, espace la réponse, au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique, et vous repartirez ce soir avec votre PlayStation 3, le jeu Beyond Two Souls. J'ai dit de la merde depuis tout à l'heure avec Halo 4 et Tomb Raider en fait. Ça sera avec une Xbox. Donc la PS3 avec Beyond Two Souls et The Last of Us. Voilà, donc si vous voulez gagner ça, à vous de jouer. Dès maintenant, vous envoyez tout simplement maintenant. Eh bien, et Mickaël est la réponse. Donc pourquoi Mickaël ouvre la porte. Voilà, Fred, à tout à l'heure. Fred ? Oui ? À tout à l'heure. Oui, ok, oui. Voilà, et si vous voulez lire la colle, vous pouvez évidemment la lire sur le Facebook et y répondre également facebook.com/mikaelofficiel. Bon, Mathilde, qu'on a récupéré là. Mathilde ? Oui. Ah, très bien, Mathilde de retour. Revenue. Mais oui, elle est de retour. Et qu'est-ce qui s'est passé, Mathilde ? On t'a eu en début d'émission, puis on n'arrivait plus à te joindre ? Non, parce qu'en fait, mon père, il m'a piqué mon téléphone parce qu'il voulait pas que je passe. Ah, d'accord. Et là, tu as nouveau ton téléphone et tu passes à la radio, c'est bien ? Oui. Non mais bravo, garde juste ton père. Hop, un coup de pète dans la gueule. Bon Mathilde, alors toi tu nous avais appelé pourquoi à la base? Du coup on va essayer de faire vite hein, pour pas que ton père retombe dessus. Attends. Ouais, mets-toi tranquillement là, mets-toi à l'aise. Fais comme ouais. si de rien n'était, mets le téléphone pas. Voilà. J'ai mis Polo et Tof derrière, ouais. Il guette. Voilà. Vas-y, vas-y. Non, parce qu'en fait j'ai ma prof, elle m'appelle ma choupinette, ma puce. C'est une prof ou un prof? Une prof. Ouais, mais ça va ça. Non, j'aime pas. Non, bah, elle pourrait t'appeler ma pupute, tu vois. Non, hein, finalement, ma puce, c'est bien. Non, j'aime pas ma choupinette. Comment tu vas, ma choupinette? Ah non, je peux pas. Non, mais dis-lui. Non. Bah, pourquoi tu lui as déjà dit, écoutez, ça m'a arrêté, ça m'ennuie ou ça me gêne? Oui, elle veut pas arrêter. Elle porte plainte. Mais pourquoi t'es mimi? T'es une jolie fille, c'est pour ça? Non. Non, t'es bon, alors, choupinette, hein? En fait, t'es hein, la ma choupinette. Non, arrêtez, j'aime pas. Mais c'est pas grave, ma choupinette. Un choupinou. Un pupus. Chut, attention, il y a ton daron. Vas-y. Ouais, attention. Planque-toi. Vite, reste pas là. Hop là, on met des feuilles sur elle. Ouais, pop. Hop, on est tranquille. Hein, on est à la cool. On fait comme si de rien n'était. Ouais, je vais aller boire un café. Voilà, c'est ça. Tranquillement, là. On se balade. À la cool, tout va bien. Hé, Teuf, tu vas où là? Il fait son jogging, là, vous inquiétez pas. Hop. Apparemment, tout va mieux, là, et on ralentit. C'est bon, Mathilde. Mathilde? Oui. C'est bon, tu peux y aller. C'est bon, parfait, là, il est parti. Là. Bon, nickel. Alors, donc tu disais? Attendez. Ah merde, il nous voilà. Attends. Ouais, on fait comme si on n'était pas là. C'est bon. Hop, parfait, très bien. Okay. Alors, donc du coup, toi, t'aimes pas quand elle t'appelle comme ça, mais en même temps, t'as qu'à lui dire et puis l'affaire est pliée. Non, mais elle veut pas arrêter. Bah écoute, non mais soit alors tu vas voir le directeur ou le préfet, enfin quelque chose. Le préfet. Mais... Non, mais... Va voir Monsieur Valls directement. Allez. Mais non, mais voilà, il y a Colline qui. François Hollande, tout de suite. Elle te prend peut-être pour sa fille. Ouais, c'est vrai. Il y a Léa qui dit Choupinette, c'est Mimi comme surnom. Janine qui dit oh là là, la rebelle. Il y a Talibi qui dit mort de rire. Moi, je mets 5 minutes pour m'habiller. Ah oui, ça c'est autre chose, c'est encore. Et puis bah oui, mais dis donc, t'as pas vu la vidéo? Bah non, forcément, parce que je vais la mettre. Mais peut-être que tu l'as vu sur Internet. Par rapport à t'as déjà séché les courtes ou pas? Séché, ouais. Ouais. Ça t'est arrivé? Ah, le sport. D'accord, parce que ça se passe en fait c'est où ça? C'est à Taïwan. Ah bah c'est à Taïwan en fait, parce qu'il y a une fille qui a séché les cours. Et en fait il y a sa mère qui est tombée dessus. Donc elle a préféré aller se balader. Et sa mère est tombée dessus en fait. Et elle est devenue complètement hystérique. Elle a corrigé sa fille mais en pleine rue comme une dingue en fait. Non. Elle a commencé à la taper et tout, avec une espèce de, je sais pas moi, de pas de barre, mais enfin un truc bizarre quoi. Donc allez la voir, je vais vous la mettre sur le Twitter dans quelques minutes là. Sur twitter.com, vous tapez Mikaël officiel pour venir me rejoindre. Mikaël _ avec la petite barre en bas, officiel, pour venir me rejoindre. Et tu vas voir finalement que Choupinette, c'est pas si grave. Oui, c'est même très facile à supporter. Ouais, il y a quand même pire. Mais venez nous dire aussi, tiens, si vous avez des profs qui vous donnent des surnoms. Parce que parfois, il y en a qui, tu sais. Alors, le vacancier, là, au fond de la classe, est-ce qu'il peut venir travailler à un moment ou à un autre? Donc, tu vois, finalement, c'est pas mal aussi. Hein. Bon, venez nous le dire, là. 01 42 48 5000, appelez Sandro au standard. Et 02 851 4x0 pour la Belgique. Bon, Mathilde, on va te récupérer dans quelques minutes. Alors, oui. Si jamais ça coupe, c'est pas grave. Hein. Du coup, on sait de quoi tu veux parler. Donc, continue à écouter la radio. On va essayer de t'aider par ce billet, d'accord? Ok. Bon, parfait. T'as écouté jeudi soir ou pas, Mathilde? Jeudi soir? Ouais. Attendez, oui, j'ai écouté. Est-ce que t'as écouté le canular qu'on a fait avec Tof? Oui, je l'ai écouté les caméras avec Tof. T'es sûr, hein, promis, hein. Tu peux me dire non si c'est pas vrai, c'est pas grave. Ah d'accord, genre celui-là. Mais écoute-moi, merde, je vais pas te mettre la fessée à toi et tes enfants. Voilà, oui, c'est ça, mais c'est pas celui-là que je voulais mettre. Oui, je l'ai écouté. Voilà, celui-là, oui, mais celui-là, c'était pas jeudi soir pour le coup, c'est moi qui ai fait n'importe quoi, décidément ce soir. Je vais m'acheter demain. Bah, mes mains, je les ai laissées à Prague. Elles pouvaient servir là-bas. Allô. Ils ont buté les deux. Il parle des mains, là. Bien sûr, évidemment, ouais. Donc on leur passera tout à l'heure. Tu voulais faire une dédicace, Mathilde? Alors vas-y en speed. Oui, une dédicace à Tom, il me l'écoute normalement. Très bien, eh ben écoute, pas de problème, le message est passé, Mathilde. Je te fais des gros bisous. Salut Mathilde, ciao. Oui. Bon, retour avec Steven pour la préparation. Maxime, Jordan, Mickaël, Victorine également. Fred avec la colle. Oui, Victorine sera là. T'es là, Victorine? Oui. Bon, on va t'appeler Vic. Oui. C'est plus sympa, c'est comme ça qu'on t'appelle d'habitude. Ouais. Bon, bah parfait, on fait ça dans quelques minutes. Là, bougez pas, je vous mets la vidéo sur le Twitter dans quelques minutes également. Et puis il est 20h42. Alors, avec pas mal de cadeaux encore ce soir, évidemment. La PlayStation 3 et les jeux à gagner avec la colle. Et puis, bien sûr, le Canon Legria, c'est la caméra en fait miniature, super au top, avec un écran LCD qui tourne sur soi-même. Tout ça, c'est énorme. Avec l'HD Polo, il a joué avec tout le week-end à Prague. Grave. Donc voilà, à gagner sur le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Restez bien sur Fun Radio, on est en direct. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Et puis, avec le son des Global DJs dans quelques minutes. Global DJs avec Kids, ça va débarquer dans un instant sur Fun Radio. Restez bien là, on est là jusqu'à minuit. Un truc à dire. Mikaël, appelez Mikaël. No limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. No limit. Mikaël. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, évidemment, dans toute la France. 01 42 48 5000 pour nous joindre. Allez-y, n'hésitez pas. Il y a Célia qui veut un coup de pelle. Bon, bah alors si tu veux, avec plaisir. Moi, si je peux rendre service. Voilà, Célia, elle est pour toi celle-là, tiens. Bon, bah allez-y, hein, les autres. Hein, si vous voulez parler avec nous, n'hésitez pas. On va se remettre le canular avec Toff là. Il peut nous le refaire le... Non, je peux pas. Allez, peux vas-y, pas, vas-y. Mais non, je peux pas, faut mettre le son. Vas-y, vas-y, essaye pour voir, on mettra son. Allez, allez, allez. Je peux pas. Bah si, pas. Arrête de faire ta gonzesse là. Essaye. C'est comment? Respire. Ah, ils ont buté les deux. Ah, qu'il est mauvais. Et les deux mains surmolles. Complètement. C'était cette mollesse dans le cri, j'ai adoré. Complètement. Je suis bon, on va vous le remettre dans un instant pour ceux qui n'étaient pas là jeudi, justement, ça va être du très lourd. Allez voir également la vidéo de la dingue à Taïwan qui démonte sa fille en fait parce qu'elle a pas été en cours, elle a séché les cours. Je l'ai mis sur le Twitter de l'émission là. Vous allez sur le. Vous tapez Mikaël officiel pour m'ajouter. Donc vous m'ajoutez, vous tapez Mikaël _ officiel, vous me faites un follow et moi aussi je vous fais un follow par derrière évidemment pour les filles comme d'habitude. Et puis évidemment pour les garçons ce sera une petite poignée de main normale quoi. Voilà. Donc Mikaël _ officiel pour m'ajouter, je vous attends. Et puis la colle dans quelques minutes, on va revenir également. Et bah juste après le son de Global DJs qu'on écoute tout de suite, c'est Kids sur Fun Radio. Bonne soirée avec Fun. C'est Fun Radio avec le son des Global DJs à l'instant, c'était Kids, bienvenue si vous venez débarquer. Il y a Camille avec un K sur le Twitter qui dit je venais d'allumer et Toff qui commençait à gueuler. Ah. Oui bah oui. Tony qui dit c'est une cinglée la daronne, elle mérite un gros coup de pelle et un coup de bazooka cette meuf. Non j'avoue, j'ai évidemment mis la vidéo dont je vous parlais de la toilette taïwanaise là qui maltraite sa fille parce qu'elle l'a grillée en train de sécher les cours. Elle est juste complètement barrée en fait. Hein. Donc vous allez sur le Facebook de l'émission, sur le Twitter pardon d'émission, twitter.com et puis vous ajoutez, vous tapez Mikaël _ officiel. Il y a Janine qui dit au fait c'était bien Prague. Ah ouais, ouais, ah ouais. C'était super bien Prague. On a été ce week-end d'ailleurs. Il y a toutes les photos sur le Facebook de l'émission pour aller voir. Et puis je vois vous raconter aussi. Je me suis retrouvé avec 4 pures blondes dans un ascenseur. Un truc de psycho. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et puis Alban aussi qui dit je pourrais avoir mon message de bienvenue s'il vous plaît. Ah oui c'est vrai qu'on n'avait pas encore fait tiens ce soir. Petit message de bienvenue. Ben voilà. À te faire enculer au PD. Voilà. Et puis comme on était dans le taquet évidemment avant de prendre Steven. Alors Steven, Maxime, Jordan, Mickaël, Vic, vous avez encore un petit peu de temps devant vous ou pas? Yes. Oui. Tranquille. Bon, bah, parfait, parfait. Alors, ne bougez pas de là surtout, puisque on a Mélissa aussi dans quelques minutes qui va parler avec nous. Puisque jeudi, on avait fait un canular. C'est un auditeur, c'est Fred qui nous avait appelé pour faire un canular à son pote en fait, ouais. Pour lui faire croire un truc de ouf. Et ça s'est passé, c'était vraiment un truc de ouf. Alors pour vous donner un avant-goût pour ceux qui étaient là, ça a terminé comme ça avec Toff qui jouait le voisin. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Voilà, donc c'était pour vous dire à quel point ça avait terminé en truc de ouf. Et alors justement, donc c'est Fred Kenai qui nous appelle pourquoi. Bonsoir, je voudrais faire un canular à mon ami parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Très bien. Voilà. Bon, c'est 20 ans, on a envie de. Ah, c'est pour fêter ses 20 ans. Un petit coup, ouais. D'accord. Un petit coup de pipe, ouais. Bon, bah très bien. Un coup de flip ou un coup de pipe. Ouais. Les deux, si tu veux. Ah, d'accord, ok. Non, mais très bien. Bon, écoute, on va l'appeler. Mais est-ce que t'as une idée, un truc en particulier? Je voudrais peut-être faire une fusillade, une soirée en fait un ami à moi qui aurait, un ami à moi qui aurait tiré sur quelqu'un et je l'appelle paniqué et je demande ses conseils et du coup je le mets dans le coup parce que je l'ai appelé et du coup il se retrouve aussi dans la merde et voilà et tout un enchaînement de choses ça peut être vraiment pas d'accord. Mal. D'accord. Bon écoute, on va essayer. Alors soirée donc lui donc toi t'habites à Nantes et lui il habite où? À Paris. À Paris, d'accord, ok, voilà. Très bien. D'accord. Bon, on y va Jeff, on l'appelle, comment il s'appelle lui? Jawed. Ok, très bien, parfait. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on est une soirée à Nantes, peu importe où, on s'en fout. Et okay. Donc, moi, je m'appelle Michel et c'est moi qui ai tiré. Hein, donc, on va dire que c'est moi qui ai. Donc, tu vas dire, ouais, machin, il y a un pote, il a tiré et tout, donc t'es en mode paniqué. Ouais. Ouais. C'est Michel, donc en gros, toi, t'as voulu éviter les frais, genre que je tire sur un autre mec. Du coup, tu m'as pris mon flingue des mains. Et du coup, le problème, c'est que t'as réfléchi après, mais en fait, il y a les empreintes sur ton flingue. Et comme moi, je suis un gros enculé, je vais dire, moi, j'ai tiré sur personne. Hein. C'est lui qui a tiré. Enfin, bref, j'essaie de me dédouaner, d'accord? Ok, d'accord. Bon, de toute façon, on verra. Le pistolet est là, tout va bien. Et donc, au besoin, on improvisera, on verra bien. Allez, c'est parti, on y va, Jeff. Allez, bonne chance. Ok, merci. Allez, et caméra numérique peut-être pour lui ou pour toi, hein, comme c'est son anniversaire. On verra. Allez, c'est parti. Allô, Jawed, c'est Jeff. Tu m'écoutes là? Ouais, bien ou quoi? Ouais, viens, ouais, non, mais là, mec, je suis dans la merde, je suis dans une putain de merde. Je ne savais pas qui appeler, j'ai pas voulu appeler Boulog, j'ai pas voulu appeler Jérémy, j'ai ni voulu appeler Yoann. Il s'est passé un truc trop chum. Je suis à une soirée, il y a un mec, un pote à moi de Nantes, il a ramené un flingue juste pour faire le beau et tout, et il a buté quelqu'un, je sais pas quoi faire, et le pire, c'est que j'ai pris le flingue après et que j'ai laissé mes empreintes dessus, je sais pas quoi faire, mec. Je suis tout tremblant, mec, je sais pas quoi faire. Le mec, il s'appelle Michel, il est à côté de moi, je le connaissais même pas, et il a ramené un flingue il a tiré. Mais si c'est toi, arrête de mentir mon gars, c'est toi là, si c'est toi, t'as tiré dedans, mais mec, je suis dans la merde, je sais pas quoi faire, je voulais pas appeler Boulak. Non mais mec, je sais pas, je suis bon, sérieusement la Jeff, gros, rigole même pas sur les trucs comme ça, hein, la vie de merde, je rigole pas avec toi. Mais je rigole pas avec toi, tu veux, je sais pas, je vais pas te prouver, je vais pas tirer pour te prouver, mon gars. Non, c'est pas moi, ouais, c'est... Non mais ta gueule toi, ta gueule Michel, vas-y, c'est bon, c'est toi, arrête de mentir, putain. Le flingue il est où là? Le flingue il est là, il est là, il est de mentir, c'est les tiennes, c'est toi qui as tiré, ce bouffon, vas-y, franchement, vas-y, tu veux que j'assume moi alors que t'as tes empreintes en premier, mais arrête, t'as tes empreintes aussi dessus, j'aurais pu très bien le prendre, t'as pris le flingue après, prends le flingue et va le nettoyer. Putain, tu m'entends pas gros? Gros, j'ai dit prends le flingue gros et nettoie le queutru là, touche pas. Et même tout, touche même plus le flingue. Et je le prends comment? Je vais pas prendre, c'est pas un film mon gars, je vais pas prendre une serviette et je vais pas les nettoyer. Tu l'as déjà pris et moi j'y suis pour rien et tout. Mais tu l'as pris, arrête, ferme ta gueule, gros, tu l'as pris aussi, alors arrête de l'ouvrir mon gars. J'en ai rien à foutre, c'est pas moi. Mais vas-y, je parle à un pote, ferme ta gueule toi. Eh reste calme, sinon je te tire dessus aussi, t'as compris? Mais vas-y, tire dessus, je suis ton pote, je sais où est-ce que t'habites, qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y, ferme ta gueule toi. Moi, ouais, tu vas être vas-y, bah ouais, c'est ça, bah vas-y, okay, vas-y, je te trouve. Eh gros, je sais pas ce que tu peux faire là, évidemment, c'est la non, merde. Non, je sais là, pas moi, non plus, mais je sais, mais non, c'est bon, t'inquiète, je te fous pas dans la merde. Non, mais moi je m'en fous, moi je suis pas dans la merde, tu vois, moi je suis loin de vous, mais moi je te dis juste que gros, là, je sais pas ce que tu peux faire, parce que là, je t'explique. Le délire, c'est quoi? C'est que... Ah, en plus, t'es con, tu prends le téléphone du mec qui est mort là, putain, il est bien, hein. Bon, ouais, toi, c'est un truc, tu l'aurais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Le téléphone, c'est avec la police que t'es là? Non, c'est avec un pote que je suis ouais, là. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, passe-le moi pour voir. Vas-y, bah tiens, prends-le, ferme ta gueule, prends-le, tiens. Vas-y. Eh, regarde l'autre en même temps s'il est en forme là. Il a pas l'air clean. Con quoi, il est mort mon gars. Allô? Allô? Ouais, c'est la police? Moi je suis pas coupable, moi c'est pas moi. Hein. C'est l'autre, il a tiré dessus, je suis témoin, j'ai tout vu. Hein. Il s'appelle comment? Je suis pas Jeff, je crois, je le connais depuis ce soir là, c'est tout. Mais ouais, j'avais jamais vu avant, moi je suis pas coupable. Hein. Il est arrivé avec son flingue, il a tiré et puis après il fait sa fille, mec, là, il appelle. Et ta gueule la merde, pas c'est pas vrai, arrête. Je suis avec la police au téléphone, moi. Je suis avec la police. Eh monsieur le commissaire, c'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi qui ai tiré. Hein. Ah, repasse-moi Jeff. Mais t'es commissaire? T'es en train de parler parce que c'est pas Jeff, moi, c'est pas moi qui ai tiré, hein. C'était gratuit, il avait rien fait, monsieur l'agent. Vas-y, passe-moi le téléphone, là. Vas-y, arrête, tu dis de la merde. Eh, moi je suis pas coupable, monsieur l'agent. Eh, mais ta gueule, tu veux que je te crève ou quoi? C'est pas moi, c'est pas moi. Vas-y, rappuie-toi, mais vas-y, passe-moi le téléphone. Bon, ben je te repasse. Eh, monsieur l'agent, c'est pas moi. Bon, je ta gueule, prends un petit verre. Eh, monsieur l'agent, c'est pas moi. Allô? Ouais. Je suis pas coupable. je sais pas, tu connais pas un moyen, genre, je sais pas, pour je sais pas, c'est horrible ce que je vais dire, tu vois, jamais j'aurais cru dire ça dans ma vie une seule fois, mais t'aurais pas un moyen, genre, je sais pas, tu connais pas un truc pour, je sais pas, cacher un corps ou un truc comme ça, genre. Ouais, gros, cache pas le corps, gros, quand ça fera des dingueries bizarres, gros. Gros, tu vas prendre cher, sinon les VR, tu vas prendre cher. Je vais appeler les filles, je vais leur dire quoi, mon gars, il y a nos deux empreintes dessus. Ce sera la parole contre la mienne, ça sera ta parole contre la mienne. Ouais, mais gros, ça peut se faire. Mais ouais, mais gros, ça peut se faire, gros, ça peut se faire, gros. Attends, attends, il y a quelqu'un qui a sonné là, qu'est-ce que j'ouvre la porte. Il y a quelqu'un qui a sonné. Ouais, j'ai entendu sonner là. Eh, t'entends ou pas, Jeff? Eh, gros. Attends, attends, attends, mec, attends. Oh putain, c'est qui? Vas-y, ouvrir, vas-y, va ouvrir. C'est qui? Bonjour. Ouais, salut. Ça va, ouais, bah... C'est bon, qui, là? C'est qui? Ouais, c'est Robert. C'est qui? Qu'est-ce que tu... C'est, je sais pas, c'est Robert. Ouais, vous connais Robert? Vous êtes qui? Non. Pourquoi chez mon pote, là? Rien, mon gars. Mais c'est qui, lui? Ça se fait, vous êtes chez mon pote. Bah, il est parti, c'est il est parti chercher un verre, là. Il est parti chercher à boire, là, en bas, au magasin, là. C'est quoi? Pourquoi il y a ses chaussures, là? Non, mais il est parti avec des autres chaussures, là. Eh, les gars. Il est parti avec des autres chaussures. Eh, putain, Jawad, tu es dans la merde. C'est pas moi, Moi je suis pas coupable, il est avec la police là. Monsieur l'agent, on passe lui. Allô, il y a un mec qui est rentré. C'est pas lui, c'est pas moi, c'est lui qui est dans la merde, mec, il va boucave, je suis dans la merde. C'était bizarre, gros, la vidéo était bizarre. Ah, il l'a buté, Allô. Il va appeler la police, ouais. Mais oui, mais c'est pour ça, ferme ta gueule, espèce de gros con, là, de bourré de merde. Pourquoi t'as ouvert la porte? T'es con. Mais c'est toi qui as ouvert la porte, espèce de bolos. Pourquoi t'as ouvert la porte? Ouais, gros, c'est bizarre tes bails, là. T'es complètement con ou quoi? Ouais, c'est pas moi, je te rappelle. Dis-le, monsieur l'agent, c'est pas moi au téléphone. C'est pas moi qui ai tiré. Putain, d'argent, c'est mon pote. C'est juste mon pote, mon gars. Ta gueule. Sinon je vais chez le voisin, je le tire aussi dessus. Mais t'es con quoi? Mais t'as déjà un mort sur les bras, un mort sur la conscience, mais non, tu vas en tirer un deuxième, espèce de bolos. Mais va aller appeler les flics. Et alors putain, on t'a assumé les flics quand tu as un autre, bah c'est quoi, vas-y, t'as le buté, mon... au moins on t'aurait une raison d'avoir tué l'autre. Bah attends, j'y vais. Mais putain de malade. Mais attends, mais c'est un putain d'arrêt. Ouais, je suis avec un putain d'arrêt, vas-y, je me casse, mon gars. Je me casse. Il a pris quoi, il a pris Floyd, il s'est barré, mon pote, il a perdu. Bah c'est bon, c'est bave. Eh gros, c'est flic, il a repris le flingue avec ses mains. C'est bave, gros, c'est pas un truc. Mais oui, il avait les mêmes. Gros, même si t'as tes empreintes, tu dis quoi, tu t'expliques. De toute façon, t'expliques gros. Bon, même si à tes empreintes t'expliques, tu dis quoi? Tu lui dis écoutez, tu dis à un moment putain, il a tiré, mon gars, je sais pas, je me suis caché, putain, je suis parti me cacher dans une autre pièce, putain. Oh, hey, mec, casse-toi. Casse-toi, mec. Jeff. Hey, gros, oh putain, t'as intérêt à te montrer. Oh! T'as intérêt à te montrer là! C'est quelque chose, mec. Pourquoi tu t'es caché sous la table? Mais t'as pas le train, moi! Ah putain, mais parce que t'as un flingue dans les mains! Mais pointe pas ça pour moi! Pointe pas ça pour moi! Pointe pas ça pour moi! Pointe pas ça pour moi! Arrête de mentir, Ok, tu faisais du bruit! J'ai rien dans les mains, t'es fou! Arrête de mentir, t'as quoi dans les mains? Vas-y, t'as quoi? J'ai rien dans les mains là! Mais arrête de te foutre ma gueule, je vois une ombre! Lâche que t'as dans la main! Mais putain, je vais mourir! Bon, c'est toujours monsieur l'agent au téléphone. Dis-lui, j'ai ses aveux au téléphone, là, j'ai tout enregistré. Dis-lui que moi, j'y suis pour rien. Il a tout enrigistré, mon gars. T'es dans la merde. Michel, t'es dans la merde, il a tout enregistré. Il a tout enregistré. Ouais, il a tout enregistré. Vas-y, casse-toi, je m'en fous. De toute façon, t'as les deux mains sur les mains, mon gars. Je vais te retrouver, je te bute. Bah vas-y, essaye pour voir. Ouais, bah j'en ai rien à foutre. Je vais essayer de le choper. Mais Jeff, il a vraiment tué quelqu'un. Mais j'ai pas le choix là, mon gars, il va attendre que je sorte, il va me buter, il a dit qu'il était parti, mais c'est du mytho. Ouais, je vois que tes histoires sont bizarres là, gros. Attends, deux secondes. Je crois qu'il y a personne là pour l'instant. Ah si, j'ai pas entendu la porte claquer. Ouais, je dis, c'est bizarre qu'on m'invente pas des villes, hein. Mais putain, je t'invente une vie, mon gars, t'as tout entendu de ce qui s'était passé, t'aurais pas fait ça, mon gars. Ouais, mais gros, peut-être que là, tu me faire peur. Oh toi. Putain, ah, hey, ouvre la porte. Non, non, non. Ouvre la porte. Dans ta main, j'ouvrirai pas la porte. Ouvre la porte. Non, j'ouvrirai pas la porte. Non, j'ouvrirai pas la porte, ta gueule, j'ouvrirai pas la porte. J'ouvrirai jamais la porte. Mais putain, mec, je fais quoi, là. Je peux pas sortir par la fenêtre. Et où, là? Mais là, je suis dans un autre. Mais non, je suis dans le quatrième étage, mon gars, je peux rien faire, je suis coincé, il est juste derrière. Ta gueule, putain. Ah, passe par la fenêtre, wesh. Mais mec, la fenêtre, quatrième étage, je vais pas sortir. Mais t'es un fou. Mais non, mais passe par la fenêtre, genre pas essayer d'aller dans les voisins. Ouvre. Je sais plus quoi faire, mon gars. Appelle les flics. Mec, tu fais quoi? Eh gros, si tu fais quoi, là? Eh gros, là, tu fais quoi? Appelle les rejetas, gros. Te fais partir. Ouvre la porte. Il m'a touché ce matin. Jeff. Il a tiré à travers la porte. Jeff. Allô. Ouais, Jeff. Il fait son cinéma, il a rien là. Eh hey, Jeff. Jeff. Eh hey, Jawad. Oh merde. Hey, il est con. Pourquoi t'as fait le mort? Il est con lui. Il m'a appelé les flics. Vous êtes des... Il m'a appelé les flics. Jeff, attends, rappelle. Allô. Eh, hey, t'es trop fort, Jeff. Mais oui, qu'il est con, il fait le mort, lui. Attends, Tof hurle. 07. Merde. Vous êtes en panique. Merde. Mais je peux putain, sérieux. De toute façon, je m'en fous, c'est Tof qui a tiré. Ouais, c'est Tof. Ouais, tout le monde est... Attends, vas-y, je commence. Allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Il a buté les deux. Connard. Mais non, t'es déjà mort, Tof, c'est espèce de barbon. Alors, hey, Jawad. Jawad, bon anniversaire. Jawad, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Jawad. Avec plaisir. Joyeux anniversaire, mon gars. Joyeux anniversaire. Et là, c'est vraiment Fun Radio, mon gars. Ouais, j'ai cramé, t'inquiète, j'ai cramé. Oui, c'est ça, ouais, t'as raison. Ouais. Bon, je te mets une petite musique d'anniversaire quand même. Hein. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Attends, merde. Ah oui, putain, attends une seconde, la musique d'anniversaire, elle est foireuse là. Mais bon, alors quel acteur? Mais quel acteur? T'as vu un peu là? Quel talent quand même. Tof, tu peux... Non, mais Jeff, tu joues mal, hein. Hey, Jeff, tu joues archi mal. Voilà, bon anniversaire, Jawad. Bon anniversaire, et vous lui mettez pas une petite musique avec joyeux anniversaire, mon gars. Ah, si, attends, merde, c'est ce qui passe là, c'est ce qui passe. Franchement, tranquille, c'était marrant. Bon, Jawad. Ouais. Comme c'est ton anniversaire, on avait un cadeau qui était prévu pour Jeff, on va te le filer à toi du coup, hein, comme c'est ton anniversaire. Bah c'est normal. Hein, bah normal, non, ouais. Normal. Ah, ouais. Allez, c'est caméra numérique pour toi, Jawad, on va te filer ça du coup à la place de la filer à Jeff, hein, puisque bon, finalement c'est comme toi qui étais dedans. Est-ce que Tof peut aller un peu là? Ah ouais, attends. Hey, je peux fermer ta gueule. Une bonne fois pour toutes, là, qu'il est con, lui. J'adore. Bon. Bon, bah, c'est vraiment con, hein, la prochaine fois, il t'arrivera vraiment un truc comme ça. Ah ouais, tu veux mais vraiment, en fait, en plus, le pire, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. Est-ce que tu peux donner de Fun Radio? Mytho, c'est pas nous, arrête de dire les conneries, là. Bon, Jawad et Jeff, t'es un menteur. Merci à vous d'être passé, en tout cas, vous revenez quand vous voulez, je vous passe Sandro au standard pour prendre vos coordonnées. Ok, ciao les gars. Allez, à bientôt les gars, ciao. Salut. Allez, ciao, salut. Ciao. Ah ben voilà, je vous avais dit qu'il était très lourd. Voilà, c'est ça. Bon, il y a Jaline qui l'empêche, on fait cette blague pour mon anniversaire, je bute les gens, mais t'inquiète pas, je suis là. Hein. Ouais. S'il faut pas de problème, je suis disponible. Moi, j'ai eu tueur à gage. Oui, complètement, ouais. Mais en même temps, il y a des morts qui reviennent, donc tu vois finalement. Vrai. Logan qui dit je suis plié là, il y a Kawet qui dit j'y croirais précisément, vous avez tous super bien joué. Ouais, nous sommes un petit peu acteurs, tu vois. Oh yeah. Bilal qui dit Mickaël, le tireur fou, je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Mickaël qui dit le meilleur canular à la débarre. Il y a Théo qui dit trop beau le canular, la nettoyer le pistolet. Mais oui, je pleure de rire, c'est des ouf, c'est Léa hier. Erwan qui dit vous l'avez buté, j'étais mort de rire. Julien qui dit débarre, c'était énorme. Cédric qui dit j'adore l'émission, elle est trop énorme, continuez. Et alors SNG qui dit ils les ont buté tous les deux. Il faut savoir que quand Tof dit ça, il est déjà mort, Tof, normalement, oui, en théorie. Ça, je suis revenu. Ouais, Olivia qui dit quel jeu d'acteur, j'en peux plus. Tom qui dit trop mort de rire avec cette émission, tellement réaliste. Ah oui, ça pour le coup c'est clair. Allez, Léo qui dit super Tof. Et Lesby Freeze qui dit l'arrivée de Tof est épique. Janine qui dit regarde s'il est en forme. Mais non, il est mort. C'est con aussi, hein, mais bon. Donc voilà, bon, ça vous a fait marrer, Steven, Maxime, Jordan, Mickaël, Vic, Greg, tout le monde là. Réaliste, vraiment. Ah, ouais. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré à le faire, c'est ça le plus fort en tout cas. Bon, et depuis qu'on a mis le canular, on est passé en top tweet ce soir. Bah, merci en tout cas pour tous les messages que vous avez échangés avec le hashtag Mickaël. Alors si vous voulez, on vous le remettra avant minuit. Vraiment, si vous voulez, bon, nous on l'a déjà écouté, on s'est déjà... Oh, en fait, on en a parlé à Prague, en fait, à chaque fois on rigolait. Ouais, quand on en parlait entre nous à Prague. Allô. Ils ont buté les deux. Il faut savoir que c'est la nouvelle sonnerie de polo. Oui, oui, c'est la nouvelle sonnerie de polo, effectivement. Bon, alors du coup, Greg, dans quelques minutes, tu vas parler avec nous. Fred va également débarquer pour la colle. Là, on va la reprendre. Et puis tous les autres, promis, vous passez juste après le son de qui s'en mettre bah, le son de Meutelette dans quelques minutes. Avant ça, on se refait la colle en speed maintenant. Allô, allô, allô, Fred. Oui. Bon, alors, on va se faire la colle. Voilà. Bon, parfait. Alors, vas-y pour la colle. Il y a une PlayStation 3 à gagner. Et j'ai dit de la merde tout à l'heure dans les jeux vidéo. Hein. Donc, c'est la PlayStation 3 à gagner avec Beyond Two Souls et The Last of Us. Voilà, c'est les deux jeux à gagner avec la console. Donc, eh ben pour ça, il faut trouver la colle. Fred, vas-y, on t'écoute. Voilà, alors pourquoi Mickaël ouvre la porte? Oh, ça n'a rien à voir avec moi, que, ce soit, que les choses soient claires. Bah... peut-être, bah, peut-être. Bah non, mais attends, il faut dire des choses aux gens. Non, sinon tu vas non, ça n'a rien à voir avec toi. Sinon tu vas les induire en erreur. Je peux donner un indice ou pas? Non, vaut mieux pas pour moi. Bah, c'est pas flag, c'est pas un gros indice. Non, non, non, ça va aller. Allez, juste un petit. Voilà, bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Mickaëlson, Ericsson? Non, c'est pas ça. Voilà, bon, car il y a des enfants. Non. Pour pas qu'on regarde trop la serrure? Non. Ah, parce qu'elle est fermée. Donc la question c'est pourquoi Mickaël ouvre la porte? Donc parce qu'elle est fermée? Bah non, dans la logique des choses, oui. Dans la logique des choses, oui, mais là en mais l'occurrence. C'est pas ça. Là en l'occurrence, non. Bon, bah très bien. Bon, bah alors si vous avez la bonne réponse, eh bien allez-y, vous envoyez Mickaël par SMS au 64 900 et bien sûr aussi au 63 22 pour la Belgique si vous voulez tenter de gagner votre PlayStation 3 et les deux jeux qui vont avec. Je rappelle que si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, vous gagnez. Sinon, c'est Fred qui repart avec la console si personne ne trouve, d'accord? D'accord, Fred. Bon, à tout de suite, oui. Fred. De toute façon, on donne la réponse avant 10h30. Bouge pas de là, Fred. Ne bouge pas de là. Tiens, Fred, est-ce que tu savais que... Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Oui. Ah, tu savais. Mais c'est le principal. C'est le principal. Parce qu'il y a Christophe qui, je m'en rappellerai toujours, de... Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Pété de rire. Et le canular que vous avez fait, vous l'avez buté. C'est trop fort. Bah... Nous sommes des acteurs. Mais... Non, on a été appelé par Hollywood, faut le savoir. On n'a pas été parce qu'on a un peu de mal à maîtriser l'anglais, mais. Et puis parce qu'ils donnaient pas assez, on peut pas. Et parce qu'ils donnaient pas assez. Et on préfère être sur Fun en même temps. Exactement, sur Fun Radio. Ouais. F-U-N, motherfucker. Bon, Fred revient dans un instant. Mélissa, Steven, Maxime, Jordan, Mickaël, Vic, Greg également vont débarquer bah, juste après le son de Meutonette. Je l'ai promis, on va le mettre avec Snow White. Et j'aurai des places aussi à vous filer pour le parc Astérix. Peur sur le parc. 4 places à gagner pour le parc Astérix. On en parlera également d'ici quelques minutes sur Fun Radio. Restez bien là, c'est Mickaël No Limit, on est jusqu'à minuit, bienvenue. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. No Limit. 20h minuit. Fun. C'est Mickaël No Limit. Mickaël. On Fun Radio. Et merci au tout, ben merci aux meilleurs auditeurs de France évidemment, hein, qui nous écoutent chaque soir là, déjà en top suite à 20h30 un dimanche soir. Merci beaucoup. Vous venez nous rejoindre hashtag Mickaël sur le Twitter et évidemment sur le Facebook également, facebook.com/Mickaël officiel avec la caméra Canon Legria Mini. Elle est sortie que depuis ce week-end si mes souvenirs sont bons, ou peut-être même qu'elle sortira que demain, je sais plus. Mais enfin en tout cas, on l'a eu en exclu et puis on vous l'offre également en exclu. Ça vaut quand même 399€ et on vous l'offre ce soir. C'est une caméra de ouf qui tient dans le creux de la main. Vous pouvez filmer de manière discrète et éventuellement aussi vous pouvez la commander avec votre smartphone, vous pouvez l'utiliser sans smartphone également d'ailleurs aussi, et je vous l'offre ce soir. Donc vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. On va récupérer tout le monde dans un instant. Mélissa, Steven, Maxime, Jordan, Mickaël, Vic, Greg et Fred pour la colle. Le standard est full, mais vous pouvez quand même continuer à appeler si vous voulez passer dans l'émission et prendre le contrôle, hein, jusqu'à minuit. On est là tous les dimanches soirs sur Fun Radio. 01 42 48 5000, et c'est le son de Snow White Meutonette qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée. Snow White sur Fun, Meutonette. Et puis il y a un message de Mathieu qui dit: je peux avoir un message de bienvenue s'il vous plaît? Bah écoute, oui si tu veux, hein, avec plaisir. Je vous t'emmerdes. Et il y a Colin aussi qui dit trop d'amour que vous donnez le soir là, c'est gentil. Mrs. Ibo qui dit sinon est-ce que Mickaël a pensé à mon parfum de chez Victoria's Secret ou pas? Bah c'est-à-dire que je sais pas que je n'y ai pas pensé, c'est quand j'ai vu ton message j'étais déjà dans l'avion. Parce qu'en gros tout à l'heure on était à Prague ce matin et il y avait une boutique Victoria's Secret dans l'aéroport, donc j'avais fait une photo pour voir si les filles voulaient que je leur ramène les trucs. Et là pour le coup Mrs. Ibo, j'ai vu ton message, j'étais déjà dans l'avion, donc malheureusement ce sera pour la prochaine fois. Et Christopher aussi qui dit je me rappellerai toujours du vous avez un appel masqué et là vous l'avez tué aussi le canular. Lorraine qui dit aussi un prof de primaire nous donnait tous les surnoms, moi c'était la quiche par rapport à mon prénom. Ah bah sympa dis donc, sympa. Logan aussi qui dit j'aime la blague, elle passe trop bien. Et Marcel qui dit mon mec vient de me larguer, passe-tu un gros coup de pelle s'il te plaît. Bah tiens je lui mets un coup de pelle, un coup de lance-flamme, une claque dans sa gueule et Toff va lever le pied. Et voilà. Voilà. Bah, je pense qu'il a bien, il a bien pris là, Logan. Et alors Ted qui dit le gars joue trop bien, les gars jouent bien, moi j'aurais ri. Ah oui, d'accord. Allez. Et Léo qui dit mort de rire, Kawet qui dit putain, il joue super bien le mec. Ah oui, Fred, il était bon dans le canular tout à l'heure. Et Janine qui dit plan 5 avec les blondes. Non, en fait, j'ai eu un truc avec des blondes dans, mais des blondes de ouf. Hein. C'est-à-dire que c'était du high level dans un ascenseur à Prague, dans l'hôtel d'ailleurs, hein, dans l'hôtel où on était. Très sympa. D'ailleurs, très sympa l'hôtel, ouais. Ouais, je vous en parlerai tout à l'heure, mais il faut qu'on parle de ça après 22h30. Hein, nous ne pouvons pas avant. On ne peut pas. La décence nous l'interdit. On ne peut pas. Bon, retour avec alors Steven qui est là depuis le début de l'émission. Du coup, il a tout entendu dans le téléphone, hein, Steven. Hein. Ouais, mais comme ça, ouais, toujours, ouais. Bah, voilà. Il a déjà fait la moitié du trajet pour se préparer, quoi. Mais exactement. Donc, on en parlait tout à l'heure. Non, je me suis arrêté. J'étais en chemin pour rentrer chez moi et j'étais obligé de m'arrêter. Le pauvre. Bon, je vous avais demandé tout à l'heure, donc, si vous étiez. Combien de temps vous mettiez pour vous préparer un rencard, un date, les filles et les garçons. Et donc, toi, Steven, tu nous avais dit que tu mettais 3-4 heures. Ouais, mais je parle pour un rencard haut level, quoi. Vraiment haut niveau, quoi. Oui, non, mais d'accord. Mais bon, quand même, quand t'as un rencard avec une meuf, bah, si t'as un rencard avec elle, c'est que théoriquement, t'as envie. Si t'as envie, c'est que la meuf, tu la trouves bien. Ah ouais, voilà, ouais. Voilà, bon, on est d'accord. C'est la question que j'avais posée. Donc, Maxime, qui est avec nous de Brest également, là. Salut, Max. Yes, ça va toujours Bah, ça va toujours bien, et toi? Ah bah nickel, ça va. On s'est bien marré avec le canular de Fred, là, tout à l'heure, donc... Franchement, il jouait trop bien, franchement. Ah ouais, franchement, ouais. Et nous aussi, hein. Le jaloux là. C'est marrant, il a pas répondu. Ouais, il a pas répondu. Hein, Maxime, nous aussi on jouait bien ou pas? Ah bah oui, donc carrément. Ah bon, d'accord. Attends, bah oui. Écoute, hein, sinon. Ah bah oui. Et Maxime, tu savais que... Tu savais qu'un appel masqué peut être démasqué? Tu savais ça? Ah, au bal masqué, non? Tu sors, Maxime. Voilà. Ça va moins bien là. Tu prends, oui, ah bah, un coup de pelle, mec, tu l'as mérité. Hein. Allez. Et un coup de poing aussi. Tiens. Bon, Maxime, alors, toi, tu voulais réagir aussi par rapport à Steven. Combien de temps tu mets quand t'as un date pour te préparer, etc., etc.? Alors, franchement, limite, je me pouponne vraiment. C'est-à-dire que je mets au moins les 2h30, grand max. Mais c'est sérieux, ça, quand même. Enfin, c'est quoi ça? Ah, mais voilà, au moins un qui me comprend. Et c'est quoi, le truc qui prend plus de temps? C'est-à-dire qu'en gros, je fais vraiment attention à mon apparence parce que c'est la première ou à la limite la deuxième, parce que généralement les meufs que je rencontre, c'est la première fois, et trucs comme ça, ou enfin les deuxièmes fois sur internet et tout. Et j'ai pas mal de boutons et capillairement parlant, c'est vraiment pas top. Donc du coup, je fais vraiment tout sur les cheveux et tout. Tu sais, quand tu vas voir des meufs, au bout d'un moment, tu vois, faut être honnête, mec, tu vois, faut leur dire la vérité. Bah, putain, c'est l'hôpital qu'il faut la charité. Non, mais il est extrêmement honnête avec les femmes. Quoi? Et ben, il monte sa gueule. Ah, ouais, moi, j'y vais nature. J'y vais nature, je cache pas, j'essaie pas de, tu vois, de me faire des artifices. Hey, tu prends un gant de toilette, il fait comme ça. Il fait un petit coup de déo comme ça, par-dessus la sueur. Voilà, c'est ça. Vraiment. Pas de brosse à dents, rien du tout. Voilà. Vraiment, quand je veux paraître bien, je mets ma crème anti-lèpre et c'est tout. Anti-lèpre, et n'importe quoi. Parce qu'il a la peau qui s'effrite, on va dire. Et qui s'effrite complètement, c'est le mot effectivement qu'on cherchait. Bon, attends, il y a aussi Mélissa qui est avec nous, là, de Villeneuve-le-Roi, dans le 94. Salut, Mel. Salut. Comment ça va? Bah, ça va très bien, et vous? Bah, tranquille, 18 ans, Mélissa. Ah, bon, ouais. Alors, Mélissa, donc, tu nous appelles par rapport à la préparation, toi, c'est ça? Voilà, tout à fait. Attends, avant de te préparer, on va voir si tu mérites d'être préparée. Alors, n'importe quoi. Combien mesures-tu, Mélissa? 1m72. Waouh! Combien pèses-tu? 54 kilos. Vas-y, va-t'en, enculé, casse-toi. Je parlais à Toff, bien sûr. Hein. Quel est ton tour de poitrine, Mélissa? 90B. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 36. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'elle est bonne? Elle est bonne. Oui, ou. Voilà. Bon, et... Dans ton cul, au connard. Voilà, hein, pour Tof, tu l'auras dans ton cul, puisque... Mélissa, tu es maquée, là? Non. Ah, mais Mélissa, toi, t'aimes bien les mecs un peu... qui ont du charme, qui sont beaux... Bah ouais. Bah ouais, donc tu vois Tof, c'est ce que je dis dans ton cul. Non. T'as déjà vu la tête de Tof, Mel? Je suis le charme incarné. Non, mais... Mais c'est mieux. Reste sur l'imagination. Tu es l'ongle incarné. Reste sur l'imaginaire, c'est beaucoup mieux, Mélissa. Bon, combien de temps tu mets toi pour te préparer quand t'as un date? 2h30. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu fais pendant 2h? Mais comment, c'est un truc de ouf ça, Steven, 4h? Faut que je me maquille, que je lisse mes cheveux. Parce que en temps normal, tu prends pas de douche? Bah si, mais il faut que je me prépare et tout, mes affaires et tout, tu vois. Ah non, c'est une douche spéciale que tu fais, il y a un truc en plus. C'est la douche spéciale, special shower. Mais attends, tu sais où elle met de l'eau en fait. Bon attends, tu prends une douche, ok, c'est vrai que chez les filles ça prend plus de temps que chez les mecs pour ceux qui ont des cheveux courts ou quoi. Bon ok, la douche c'est fait, pas de problème, tu dois te lisser les cheveux, ok, ça j'entends bien. Tu dois mettre les crèmes, les machins, les trucs. Ouais. Voilà, ça, ok. Maquillage, ça, ok. Voilà. Le vernis, ok, d'accord, très bien. Bon, ça fait renouveler 20 fois l'opération, donc c'est quand même long. Ouais, et après, quoi d'autre? Bah, les vêtements, faut les choisir, non? Ah, bah, vous y allez nu, c'est quand même vachement mieux. Vous perdez pas de temps comme ça. C'est mieux, non, mais c'est vrai. On choisit un jour à l'avance, comme ça, mais on est tranquille. Bah, oui, non, parce qu'après, c'est. J'ai mis un vernis bleu, merde, j'avais prévu de mettre une tenue verte, ça ne va pas. Ma vie est foutue. Oh mon dieu. Voilà, donc il faut recommencer. Voilà, c'est et ça. Le pire de tout, c'est la meuf qui a sorti ses sous-vêtements aux vêtements qu'elle met par-dessus. Et ça, c'est. Bah, oui, attends. Voilà. Bah, oui, bah, c'est mais ça. Non, c'est pas le pire, c'est logique. C'est pas le pire, c'est oui, dans l'absolu, c'est normal. Bah, oui, c'est logique. D'as sortir tes sous-vêtements aux vêtements. Bah oui. Bah oui, tu vas pas mettre un truc marron avec un truc Tof, vert. T'as déjà, il faut voir les sous-vêtements de Tof. Caca pipi. Ah, ils sont vieux, ces vieux calbutes dégueulasses encore avec la trace de frein là. Ah oui, attends, au moins une semaine celui avec celui qui même. Date des scouts. Attends, puisque Tof avait été au scout, hein, fut un temps, une histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire du fut de Tof, Mélissa, Steven, Maxime, Jordan, Mickaël et Vic? Non, je connais pas. C'est pas vrai. C'est un moment historique. Ah, c'est un moment plus qu'historique, hein. Alors écoutez, bon, ça dure 2 minutes, mais c'est quand il raconte son histoire de Tof petit au scout avec l'histoire de son calbut dégueulasse et de sa mère. Alors écoutez, je vous reprends après. Bah attends, tu vas voir. C'est que l'histoire retiendra de moi. Ah oui, c'est du lourd. Hein. Alors donc pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait les scouts. Mais je voudrais bien savoir ce que tu vas dire. Ah bah. Et donc j'ai fait les scouts et je faisais mon premier camp scout. Ouais. T'as fait les scouts aussi toi ou pas, Grâce? Ah non, pas du tout. Hein. D'accord, bon. Bon. Et donc tous ceux qui ont fait les scouts et qui ont fait leur premier camp vont savoir de quoi je parle, c'est que il n'y a pas de toilette. Ouais. Et donc t'as deux possibilités, soit. Tu chies dehors. Soit tu chies dans les bois. Ouais. Soit tu chies dans l'espèce de chiotte qui a été creusée dans le sol qui est plein de mouches et qui est dégueulasse. Quelle horreur. Soit tu chies dans ton pantalon. Oh là là, avec les mouches. Exactement. Avec les mouches et tout là. Et donc finalement au bout d'un moment fallait que ça sorte et donc j'ai chié dans mon fut. Et donc comme je voulais. Attends, c'est pas fini, parce que ça c'est que le début de l'histoire. Donc je suis dans mon fut et comme je voulais pas le dire machin, je voulais pas le montrer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon caleçon et je l'ai bazardé dans la forêt. Oh, ouais. Je me souviens, c'était la honte, moi-même j'avais honte, hein, c'est pour vous dire. Attends, maman. J'avais honte de mon fils. Et donc à la fin du camp, donc il y a le rassemblement. Attends une seconde, t'es pas saoulé là. Voilà. Non, j'en avais plein le cul là, cette mouche, elle m'a saoulé. Là. Donc à la fin du camp, il y a le rassemblement où t'as tous les chefs qui remettent le celui qui a été le meilleur. Oh putain, et nous voilà. Ah merde. Bon, vas-y, continue, tant pis. Donc celle qui a été celui qui a été le meilleur, celui qui a fait les meilleures constructions, machin, etc. Et tout à la fin, ils font tous le tour des objets trouvés. Ouais. Et donc... Oh non. Et donc dans les objets trouvés, il y a un mec qui finit par sortir mon ce caleçon plein de merde. Bien sûr, la merde bien sèche puisque ça a traîné. C'est vrai. Donc le caleçon plein de merde qui a dû traîner, mais genre pendant une semaine dans les bois, tu vois. Oui, je me souviens. Et donc moi j'avais très bien reconnu le caleçon. Je fais semblant que je sais pas à qui il est, tu vois. Oh, c'est ouf. Je fais non, je sais pas à qui il est. Et là ma mère qui est venue me chercher. Et là il y avait la petite étiquette que tu sais qu'avait sa mère avait cousu avec marqué Christophe. Et donc mais j'avais chié dessus donc elle se voyait plus. Et donc là ma mère, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve rien de mieux à faire que dire oh mais c'est à mon fils. Et voilà l'histoire du calbut de Tof. C'est l'histoire. Vous avez vécu l'histoire en direct. Eh oui, vous avez eu les... vous avez vécu mieux que l'histoire. C'est l'histoire. C'est ça, avec un grand A. Ah oui, la formation de Toff. Mais oui, il y a Holiday sur le Twitter qui dit j'adore cette histoire. Il y a Tati, j'ai raconté l'histoire de Toff au scout à ma mère. Elle était pliée en deux. Arnaud qui dit la Réunion vous dit bonjour les gars. Vous êtes géniaux. Merci Arnaud. Là, il est 23h30 à la Réunion. Merci d'écouter aussi jusque là-bas. Justine qui dit moi je mets 40-45 minutes. Ah, pour me préparer lors d'un gros rencard. Peut-être parce que Justine est parfaite et qu'elle n'a rien à faire. Mais oui, une petite retouche par-ci par-là, c'est possible. Bon, et toi Jordan là, qui est avec nous, et salut Jordan. Salut. Ça va ou quoi? Oui, ça va. Tranquille. Bon, Jordan, t'appelles de Corrèze toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, et quand t'as un rencard, tu te mets combien de temps toi pour te préparer? À peu près une heure. À peu près une heure quand même, hein, c'est pas mal. Mais mec, tu dois pas te raser, donc qu'est-ce que tu fais pendant une heure? Non mais... non mais vas-y. Bah je me mets du gel, je me prépare et tout ce qu'il faut. Ah bon? Mais attends, mais une heure quand même? Mais une heure pour mettre du gel, c'est-à-dire il te faut un pot par jour. Oui c'est ça, parce que non, ça il paraît est très quand lent. Même, ça paraît quand même démesuré là quand même, Jordan, non? Non, bah en fait, il y a aussi choisir les vêtements et tout ça. Mais c'est ta mère qui choisit ça, non? Non, je déconne, Jordan, ça va. Hey, Jordan, quand tu pars, est-ce que t'as cette espèce de boîte avec un sandwich, une petite pomme et un petit verre une de lait dedans? Une boîte à tartines. Non, mais sérieusement, t'as eu combien de rencarts, Jordan? J'en ai eu deux. Deux, et deux fois t'as mis une plombe? Bah, à peu près. Putain, fais attention, Jordan, tu vas finir comme Steven et Maxime, à perdre 3 heures dans la salle de bain. Et tu t'as pécho ou pas? Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Ah, quoi ouais. Mais quoi? Ça n'a pas duré longtemps. Ah oui, mais on s'en fout, ça. Ouais, mais c'est pas grave, une galoche, ça suffit. Hein. Mais oui, c'est ça. Vous vous êtes fait des bisous sur la joue, j'espère. Non, c'est sur la bouche. Wow non. Ah, le beau gosse. Oh mec, le BG avec nous dans le standard, là. Putain, Jojo, là, t'es au top, là. Oh mec, ouais, là, t'as tué tout, là. Comment elle s'appelait, la première, Jordan? Elle s'appelait Lilou, je crois. Lilou, oh là là, tu commences bien dans la vie, toi. Je crois qu'elle s'appelait Lilou. Ouais, je crois. Et la seconde? S'appelait Chloé. Chloé, Lilou et Chloé, c'est bien, Jordan, c'est pas mal. Tu commences bien. Ouais, non, mais est-ce c'est très bien. Est-ce qu'elle fouille dans ton téléphone pour voir tes SMS? Pas encore, reste calme. Bon, attendez, Steven, Maxime et Steven, est-ce que vous avez encore un truc à ajouter? Non, ouais, pas vraiment. Batterie, non. Je vais devoir y aller. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit cadeau avant de partir? Oui, on va. Malheureusement, la batterie ne tiendra pas. Mais si, on va te filer un pack fun. On va vous filer un pack fun, Steven et Maxime. Vous retournez chez Sandro au standard. On va vous prendre vos coordonnées. Yes, merci Mickaël, merci à toute l'équipe. Salut, merci à vous deux également d'être passés là. Jordan. Oui. Encore un truc à ajouter? Oui, je voulais vous dire que je vous adore et vous êtes géniaux. Oh, merci Jordan, c'est gentil. Et je voulais que vous passiez le message de bienvenue à mes parents, s'il vous plaît. Bien sûr. Est-ce que c'est des... Ils sont comment tes parents? Ils sont plutôt bien ou ils sont plutôt chiants? Ils sont plutôt comment? Bah, ma mère, elle est sympa, mais mon père, des fois, ça va. Ça va. D'accord. Allez, ça va. Ok, alors attends, parce que c'est compliqué. pour les parents, alors... Jonathan. Un fort, tu veux un fort? Oui, un bien violent. T'es sûr, hein? Oui, oui. C'est toi qui as demandé, tu m'en veux pas, c'est toi qui as demandé. T'es enculé, toi. Voilà, ça va, j'aurais pu faire pire. C'est parce que je suis tombé sur celle-là, mais voilà. Bon, allez, merci Jordan d'être passé, tu reviens quand tu veux, à bientôt. Gros bisous, je vous adore, bisous. Merci Jordan, et reste là aussi, on va te filer un pack fun. D'accord. Salut Jordan. Mélissa, tu restes avec nous. Mickaël, Vic aussi dans quelques minutes. Greg également qui est là et on va parler de quoi dans un instant avec toi, Greg? Greg? Ouais, allô. Ça va, Greg? Ouais, bonsoir. Salut, hey, bonsoir. On va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Eh ben moi, en fait, juste un tout petit truc, c'était pour par rapport à des auditeurs qui me donnent un peu leur avis. Ouais. En fait, j'ai 40 ans et je me fais ma vie avec une fille de 20 ans, voilà. Ah d'accord, ok. Bon, bah très bien. Bah, si normal. Vous êtes sorti avec des vieux ou avec des jeunes, bah, venez nous en parler. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. N'hésitez pas. On va refaire aussi un tour du côté des canulars de Toff dans quelques minutes avec les avec petits plaisir. Sondages. Bah oui, on va faire ça dans quelques minutes. Et restez bien là également sur Fun Radio. On est là en direct avec vous. Twitter, Facebook, le standard fonctionne. Et le son de Dubs qu'on écoute maintenant, c'est Tsunami sur Fun Radio. Bonne soirée. C'était Dubs à l'instant sur Fun avec Tsunami. Et je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez venir continuer à taper la discute avec nous et choper votre Cancon, votre Cancon, pas mal ça, votre appareil Canon, je vais y arriver, désolé monsieur Canon, votre appareil Canon Legria, donc c'est le mini, il sortira que lundi. Et ben on sublime. Vous l'offre évidemment. Et ben, en plus de ça il déchire. Parfait. On vous l'offre donc en exclu ce soir. Vous allez le gagner sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Alors un message aussi d'Erwan qui dit: jamais demandé un message de bienvenue, est-ce que je peux en avoir un? Bien sadomaso. Ouf. Bien sadomaso. Alors, c'est compliqué parce que si vous commencez à rentrer dans le détail, etc., après. Sadomaso. Bah ouais, alors ça, c'est quand on avait appelé le beau-père. Un auditeur nous avait appelé en disant: ouais, voilà, je crois que mon beau-père, en fait, il trompe ma belle-mère. Donc, je voulais qu'on l'appelle pour lui demander. Donc, ça avait donné ça et je pense que je peux te le mettre. Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a du SM, il y a un peu tout dedans. Il y a de la violence, c'est gratuit, c'est au top. Ça te plaît, cochon petit. Enculé, écoute-moi bien, petit enculé. Si j'ai le bonheur de te retrouver, je vais te défoncer ta gueule. Je vais te raser la tête et je vais te crever les yeux. Au baltringue que tu es. Voilà, au taquet donc, hein, comme vous avez pu le remarquer. Hein. Au taquet du taquet. Bah voilà, écoute Pierre. Erwan, pardon, au moins tu l'as. Il y a Pierre qui dit: eh oui, après on dira que je suis un pédophile et que je fais la sortie des lycées. Pourquoi Pierre, je vois pas le rapport. Cécile aussi qui dit: un petit coup de pelle pour mon mari qui s'est pris une prune de 90 euros et 2 points en moins. Ah ouais, là il est con là pour le coup, effectivement. Hop là. Et alors Camille aussi qui dit: gros édit à vous et à ma meilleure amie, on est au hôtel toutes les deux, on vous écoute et on vous adore. Bah merci les filles, merci d'être là en tout cas. Et puis Jaline qui dit: mort de rire, vous m'achevez, j'en peux plus. Et John qui dit aussi: allez bâtard avec Jordan. Oh, on a rien fait avec Jordan, il était gentil en plus, on lui a filé un petit pack. Mais oui. Et Fabienne qui dit: ça y est, je suis branché sur Mickaël No Limit. Coup de pelle pour le retard. Bah c'est plus qu'un coup de pelle là que tu mérites, hein, Naram. On a déjà rediffusé en plus le canular de jeudi, donc si vous voulez le réentendre tellement il était énorme, n'hésitez pas évidemment à nous envoyer, nous demander, hein. Hashtag et Mickaël. Et Mickaël qui dit déjà: tu dois pas te raser, mort de rire, vous m'avez tué. C'est Toff qui avait dit ça. Et comment voir les autocollants Fun Radio, Mickaël No Limit? Bah vous faites un mail à Sandro, S-A-N-D-R-O, @funradio.fr avec vos coordonnées complètes tout simplement. Et alors Cynthia qui dit: il y a moyen d'avoir un message de bienvenue s'il te plaît, Mickaël. Oui, petit message de bienvenue. Alors je mets au hasard. Alors attendez. Hop. Le pourri de bâtard. Voilà, il était sympathique. Hein? Il était sympathique. Oui, ouais, mignon, celui-là. Moi, je l'aime bien. Mais oui, il était sympathique. Bon, retour avec Mélissa qui voulait réagir par rapport au temps de préparation. On va terminer avec Mickaël également qui est là. Salut Mickaël. Salut, bonsoir. Ça va? Bah, ça va bien et toi, Mickaël de Lyon? Comment ça va, Lyonnais? Bah, à Lyon, il fait gris à Lyon. Ah, oh, bah oui, alors qu'à Prague, il faisait putain plein soleil hein, ce week-end, une tuerie. Ah, je suis content, bon, on y était. J'avoue quand même que, bon, cet après-midi, il y avait quelques exercices. Ah, bah tu vois, finalement, tu vois, tu te plains pour rien. Tout de suite, les grands mots, il fait mauvais, etc. Bon, alors, combien de temps tu mets, toi, à préparer, Mickaël? Est-ce que c'est comme Mélissa, une heure et demie? Ça dépend, en fait. Je ne vous écoutais pendant une heure et quart. Ouais. Et ça dépend si c'est pour un rencard ou si c'est pour le matin pour aller en cours. Non, c'est quand t'as un rencard, un vrai rencard avec une meuf ou avec un mec, n'importe. Ouais. Le premier là, tu sais, le plus important où tu fais tout correctement, t'es propre, t'es lavé, tu fais pas un pet de travers quoi. D'accord. Bah tant pardi, j'avais dit 10 minutes. Mais là, je mets 15 minutes peut-être. Ah ouais, 15 minutes, ouais. Ouais, 15 minutes. Mais ça, pourquoi est-ce que je dois mettre aussi hein. Bah oui, entre la douche, séchage, les cheveux, tu laisses, ça va sécher tout seul. Bah oui. Et les fringues, à la limite, tu prends le premier de la pile, quoi. Bah c'est ça, moi voilà. Je prends le premier t-shirt, un vieux premier jeans, et puis voilà. De toute façon, j'ai que des fringues stylées. Ah bah voilà, mais alors si t'es déjà stylé dès le début, alors tout va bien. Bah oui, c'est ça. Attends, il y a Vic aussi. Merci, qui est avec nous là. Oui, bien sûr, quel talent, ouais, c'est ça. Ouais. Bon Vic, c'était du second degré bien entendu, hein. Ça tu l'avais pas compris. Ah non, c'est juste. Ah bah coup de pelle alors, voilà. Bon Vic, qui est également avec nous là du 77, c'est les marres. Bonsoir Vic. Bonsoir. Ça va? Oui. Alors combien de temps tu mets à te préparer lors d'un premier encart? 2h30. 2h30, c'est pas mal. Oui. Mais ça va monter quand tu devras t'épiler. Ouais, ouais. Oui, c'est pas mal. Qui c'est qui a sa radio derrière là? C'est Mélissa, Mickaël ou Vic? Ah, c'est moi. Ah, bah coupe la radio, Vic, s'il te plaît. Et Vic, quand tu vas à la maternelle, voilà. Tu as besoin de te préparer? C'est pour rire, évidemment. Une petite cruauté comme ça au passage. Bon, et Vic, tu voulais réagir aussi par rapport à Mathilde qu'on a eu tout à l'heure par rapport au surnom à l'école, c'est ça? Oui, que j'ai ma prof d'anglais, en fait, c'est sa chouchoute. Bah c'est pas grave, hein, Vic. Mais ouais, bah, après, il y a les gens de ma classe, ils se foutent de ma gueule un peu, en fait. Ouais, Tant mieux, si t'as des bonnes notes en anglais. Ben oui. Bah après, c'est mieux quand c'est mérité, hein, Vic. Hein, parce que si elle te donne des bonnes notes juste parce qu'elle te kiffe, c'est pas non plus la solution. Hein. Ouais. Ah bah oui, évidemment. Et c'est quoi les pseudos? Parce que l'autre, elle l'appelait comment? Pupus. Pupus et Choupinette, je crois. Choupinette. Choupinette, ouais. Et toi, c'est quoi les surnoms, Vic? Moi j'avais pas, enfin c'est pas vraiment des surnoms, mais elle me dit tout le temps que ce que je dis c'est parfait, que je suis parfaite, etc. Et ben voilà, mais profites-en. Comme Mickaël. Mais, oui exactement, t'as vu, moi tout le monde me dit aussi Vic que je suis parfait, moi je le vis très bien. Ouais. Bah oui, voilà, attends, il y a Mathieu également de la Drodesse. Salut Mathieu. Salut. Comment ça va? Bah oui, et toi, en pleine forme? Ouais, ça va. Bon, alors toi aussi t'es le chouchou, comment tu. T'as des surnoms? Moi j'ai des surnoms vraiment pourris en fait. Ah c'est quoi, vas-y accouche. Dis-moi. En fait, moi, je suis en première année CAP, là, de peinture. Ouais. Sur petit banc. Ouais. Et il y a mon prof. T'es un mec du BTP, toi, quoi. Ouais. Ouais, tu rigoles pas, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Il s'en remet pas, lui, à la cool. Eh, dis donc, tu savais que. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Tu savais, Mathieu, ça? Ouais, je savais. Ah, mais c'est important, attention. Bon, et donc, Mathieu, vas-y, c'est quoi les surnoms, toi? Vas-y. Et donc, il y a mon prof de TP, de pratique. Il m'appelle René. Il a même affiché des posters dans la classe de René Latop. Oh le salaud. Et non. Et mes profs de sport, ils m'appellent Sergent Garcia. Bon, pourquoi pas, Sergent Garcia, c'est toujours mieux que Choupinette, hein. Ouais, mais ouais, non, pas trop, en fait. Bah si. Bon, y'a quoi d'autre? Bah après, c'est tout, mais c'est la honte. Bon, ça va encore. Y'a pire, attends, bah, y'a Thomas aussi qui est avec nous de Clermont-Ferrand, là. Salut Thomas. T'aurais pu t'appeler Poscaïka. Exactement, comme Toff. Bon, alors, Thomas, comment vas-tu? Ça va. Bon, de Clermont-Ferrand, c'est quoi ton pseudo, toi? Enfin, ton surnom, plutôt. Moi, c'est Oreiller. Oreiller? Pourquoi tu roupies tout le temps? Bah, en fait, au premier cours, j'ai posé ma tête sur mon cahier et depuis, elle veut marquer sur mon bulletin. Et il y avait quoi? Elle veut marquer sur mon bulletin, je m'appelle Oreiller et devant tout le monde, elle m'appelle Oreiller, en fait. Et il descend de base, son bulletin. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est un pseudo, ça. Tu vois? Eh, il y a pire, hein, Mathieu, là. Ouais, mais moi, c'est la honte, toute ma classe. Comme ça après. Ouais, mais Oreiller, c'est quand même pas mal non plus. Le mec qui roupie tout le temps, c'est quand même bien ça, c'est pas mal. Non, mais très, très bon. Les autres, dites-nous, tiens, si vous avez aussi des pseudos comme ça que vos profs vous donnent. Ben, merci Thomas, Mathieu, Mickaël et Vic d'être passés. Vous revenez quand vous voulez. Ouais, est-ce que je peux passer une dédicace? Ouais, alors vas-y Thomas. Je fais une dédicace à Florian et à son frère. Très bien, et eh ben message passé, vas-y Mathieu. Ouais, moi je voulais passer une dédicace à Manon, à qui j'aime et d'où. Je passe une dédicace à Dylan au lieu de l'hippocap. Oui, normalement c'est une personne, alors Matt. Ouais, mais c'est voilà. Une personne en fait. Très bien. Bah, voilà, j'ai plusieurs noms. Pas de soucis, Matt. Merci à vous. Et Mélissa, je te fais aussi des gros bisous et vous revenez quand vous voulez sur Fun Radio. Et dans quelques minutes, le meilleur DJ du monde qui passe sur Fun Radio, évidemment, c'est Hardwell. Dans un instant, il nouveau sera Jumper. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Arrête de me faire chier. Mickaël, nos limites, 20h minuit. Sur Fun Radio. Et on est en direct dans toute la France sur Fun Radio avec tous vos messages qui arrivent évidemment au 01 42 48 5000. Avec Fiona qui dit moi c'est pas un surnom par un prof mais par un pote, je m'appelle Fiona, il me surnomme Fion. Bah c'est pas mal ça, Fion aussi, hein, comme nom, comme pseudo, c'est pas mal. Il y a Fabienne qui dit au lycée ma prof de maths m'a surnommé le fantôme. Voilà, elle m'a vu qu'une quinzaine de fois dans l'année. Oui, mais alors c'est normal. Ça s'explique en même temps. Comme ça, ouais. Il y a peut-être une logique à toute cette histoire. Dans quelques minutes, Dylan va débarquer également là. Bonsoir, Dylan. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah oui, très bien. On va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, Dylan? Comment être connu sur le net et tout. D'accord. Bon bah Dylan, reste avec nous. On aura Greg aussi qui voulait parler des différents âges. On va reprendre Fred pour la colle dans quelques minutes, bien entendu. Et puis je vous rappelle qu'il y a toujours le Canon, la caméra HD Canon qu'on vous offre donc en exclu. Elle sortira que demain. Donc si vous voulez la gagner, facebook.com/mikaelofficiel dès maintenant pour tenter de vous faire tirer au sort. Et puis on aura aussi le chéri, je peux te faire cocu, bien entendu, hein, qui arrivera avant minuit. Donc restez bien là. Et on écoute maintenant le meilleur DJ Fun Radio, meilleur DJ au monde, c'est Hardwell. C'est le nouveau, c'est Jumper qu'on écoute maintenant sur Fun. Bonne soirée. Le meilleur DJ du monde sur Fun Radio avec Hardwell, c'était Jumper. Alors élu meilleur DJ du monde, c'est ce week-end, hein. Attention, oui, dans le micro, DJ on entend Mag, très mal. Exactement, dans le classement DJ Mag sur 100, c'est meilleur. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas moi. Ben moi non plus, mais j'étais assez scandalisé. Ils ont pas eu le temps de te mettre dans le classement, t'es arrivé trop tard cette année. Mais c'est peut-être pour l'année prochaine alors effectivement. Il y a John McLean qui dit un petit message de bienvenue s'il te plaît pour Manu Dos Santos qui vous écoute. Alors évidemment avec plaisir Manu. Alors on va t'en mettre un, tu vas voir. Ferme ta gueule gros bâtard. Eh ben voilà, très bien. Et alors Polo, donc quand même, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous pouvez pas le savoir évidemment, avec ceux qui sont dans le studio. On a quand même trois auditeurs qui sont venus, donc ils sont là, ils ont leur micro, tout va bien, la cool, hein, n'est-ce pas? Vous êtes toujours là? Ouais, on est là, ouais. Voilà. Toujours. Voilà, puis il y a une meuf qui est arrivée. Polo, petit soin. Ben viens, tiens, je te mets le micro. Tu veux un casque? Tiens, je te mets un casque. Est-ce que tu veux boire un verre? Tu lui as proposé à boire déjà? Non, je lui ai pas proposé. Mais tu peux lui proposer. Tu veux quelque chose? Tu veux quoi? Attends, parle dans le micro, Cécile. Je sais pas. Il y a ce que tu veux pour y parler. Tu veux comme un up? Non, non, c'est pas. J'arrive pas jusque là. Bon, enfin, pas loin quoi. Voilà, mais t'as vu, donc directement. Tu veux du thé, tu veux du café, tu veux un chocolat, tu veux. Ah, je veux un chocolat. Eh ben, je te ramènerai ça tout à l'heure, j'arrive. Eh ben, très bien. Je m'occupe de toi. Bon, alors, il y a Alice aussi qui dit meilleur DJ de Fun Radio, c'est DJ Bimich. Bon, bah, merci, Alenko. Il y a aussi Anne qui dit Mickaël, t'es le meilleur, je t'écoute tous les soirs, franchement, continue. Bah, on compte pas s'arrêter tout de suite. Et Jim qui dit Mickaël, je peux avoir un message de bienvenue également. Oui, bien sûr. Attends, je t'en mets un petit là. Nique ta mère, t'as compris, c'est bon, voilà, en toute simplicité. Avant le retour de Dylan et de Greg, on a Fred qui est avec nous pour la colle. Allô Fred. Oui. Ça va bien? Ça va et vous? Bah écoute, toujours, hein, tranquillement. Bon, Fred, pour gagner la PlayStation 3 avec le jeu Beyond Two Souls et le jeu The Last of Us, il faut donc que les auditeurs répondent à la colle que tu vas poser maintenant. S'ils ont la bonne réponse, ils s'inscrivent soit par SMS, soit via le Facebook. Et peut-être qu'ils gagnent. Si personne n'a la bonne réponse, c'est toi qui gagnes. Alors pourquoi Mickaël ouvre la porte? Pourquoi Mickaël ouvre la porte? J'ai dit que c'était gros comme une maison et que bon, le truc était quand même surconnu. Il y a Max qui proposait parce que Mickaël sonne. Non. Non, mais ça brûle quand même là, hein. C'est-à-dire que je vous avais dit, c'est que vous étiez vraiment pas doué si vous ne trouviez pas. Et Charles qui n'est pas doué non plus puisqu'il dit parce que Mika gueule. Parce que Mike gueule. Ah, non. Mike gueule, c'est bon ça. Pourquoi Mickaël ouvre la porte? Parce que Maya l'appelle ou tout simplement car il a que ça à foutre. C'est bizarre. Ouais, parce qu'il passe pas à travers. Non plus. Ça aurait pu, note, mais c'est pas la bonne réponse, effectivement. Bon, bah allez-y pour les autres, il vous reste une bonne trentaine de minutes, on donne la réponse avant 22h30. Donc, pourquoi Mickaël ouvre la porte? Pensez évidemment à ce grand chanteur défunt. Voilà, j'en dirai pas plus. Des fins de soirée? Non, pas du tout. C'est bon ça, Tof. Merci. Voilà. Bon, donc si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer dès maintenant. Vous envoyez M-I-K-L espace la réponse par SMS au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Pourquoi Mickaël ouvre la porte? Eh, cherchez pas trop loin, c'est con comme la Terre. Et la PlayStation 3 est à gagner pour vous avec le jeu Beyond Two Souls et le jeu The Last of Us. Puisque c'est le Paris Games Week qui aura lieu d'ailleurs dès le 29 octobre. On fera l'émission en direct du Paris Games Week dès 21h exceptionnellement. Oui. Donc voilà, ce sera un mardi. Si vous voulez venir avec nous, on a des places VIP pour vous. Et ça c'est. Non mais c'est vrai, c'est bon. À côté. Donc, voilà. De ah oui, et quelle place VIP. Oh, hein. C'est génial. D'ailleurs, ça sera la meilleure place du salon. Voilà d'ailleurs Cécile Audrice qui est passée ce soir, je dis tu vas à côté de taf, elle dit oh surtout pas. Non ben c'est normal. Elle est venue avec le beau gosse. elle sait bien qui est le plus beau. Ouais, oui. Il y a qu'un seul beau gosse et c'est pas nous. C'est vrai. Voilà. Bon alors, Fred, on te récupère dans moins de 30 minutes, d'accord? Ok. Allez, bonne chance pour tous les autres. Donc M-I-K-L espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Sans oublier le Facebook qui fonctionne bien entendu. Vous tapez facebook.com/MIKL officiel pour tenter de répondre. Il y a Nathanaël qui dit pour la réponse à la colle, il faut simplement peut-être demander à Valentin. Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Bah pourquoi pas. Et puis Quentin qui dit un petit work bitch motherfucker ce soir. Écoute, pourquoi pas, je vais y réfléchir. Moi je suis fan. Hein. Mais ouais, je sais. Mika qui dit l'année dernière, j'ai vomi quand ma prof m'a appelé pour aller au tableau. Depuis, je suis victime du surnom Vomito. Ah oui, ça c'est. Ah oui, mais là on peut rien faire. Hein. Florent qui dit le canular, s'il vous plaît, il était énorme. Remettez-le. Il y a un coup de pelle également. Avec plaisir, Flo. Tiens. Et Tom qui dit super soirée avec Mickaël, des fous rires et la bonne humeur. Que demander de mieux? Eh ben écoute, je sais pas, à toi de voir. Hein. Kawhi qui dit le meilleur DJ, je m'attendais à Michel. Mais non, c'est pas lui. Et Let's Be Flux qui dit moi, je veux que Toff me trouve un surnom ou qu'il m'appelle ma petite levrette. C'est une idée. Alors Tof, hein, ma petite levrette. Mais écoute, c'est très mignon ma petite levrette. Allez. Bah, ça peut être bien ça, non? Mais non, bravo, ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Voilà. Non mais c'est. Ça lui ira bien. Bah oui, c'est vrai. Et mais puisqu'on est dans la violence, Dylan. Ouais. Et Greg, vous êtes là tous les deux? Ouais. Est-ce que vous avez écouté l'émission la semaine dernière? Ouais. Soyez franc, si jamais c'est pas le cas, vous pouvez dire non, ça ne me dérange pas. Non, moi je l'ai écouté, mais quel jour, ça dépend. Ah bah, je sais plus quel jour on avait fait le truc des strings, Tom, j'ai oublié. Mardi, je crois, on avait appelé un Marseillais. Non, les strings, c'était vendredi, c'était jeudi. C'était jeudi aussi. Ah ouais. Bah voilà, c'est jeudi. Et donc, on avait appelé un Marseillais. C'est un auditeur qui nous avait donné le numéro de téléphone. Ils ont dit, allez-y, appelez-le, vous allez voir, il est chaud. Et on lui avait demandé si sa meuf mettait des strings, parce que apparemment, ça pouvait être dangereux pour la santé. Ouais, moi j'étais là, j'ai entendu. Ah bah t'étais là, très bien. Moi aussi je l'ai entendu. Ah ouais. Bah parfait, alors pour ceux qui l'ont pas entendu, on va le remettre. Est-ce que vous l'avez entendu, vous les auditeurs dans le studio là? Oui, non. Non, d'accord. Si, attends, dans le micro, sinon on entend mal. Voilà. Il me le met pas. Bah oui, mais c'est parce que c'est pas lourd ça, le met pas. Mais tu peux lui mettre une patate, hein. Non, vraiment, tu peux y aller, n'hésite pas. Donc du coup, on va se le remettre maintenant. C'était ce magnifique appel lorsque Toff a voulu demander à quelqu'un, à Marseille en l'occurrence, si sa femme mettait des strings. Je rappelle que si vous avez des bons numéros de gens qu'on peut appeler, n'hésitez pas bien sûr à nous les donner. toph@funradio.fr. Écoutez plutôt, c'est parti. Restez là, Dylan et Greg. Hein. Ah ouais. Okay. Bougez pas. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Attention, âme sensible, savent tenir. C'est Toff monsieur. Toff, je ne connais pas. Non, on ne se connaît pas en fait, je vous appelle pour savoir si votre femme porte des strings. Alors mère, elle porte des strings ou pas? Non, elle a arrêté, ça fait un moment déjà. Mais oui. C'est dommage, mais la mère trouve les gens à l'archiver comme ça. Excusez-moi, je ne comprends rien à ce que vous dites, votre téléphone est pourri. Ah ouais, ça c'est pourri. Oui, il est vraiment pourri là. Ouais, tu t'emmerdes ou pas là, quand tu as des gens comme ça? Non, excusez-moi, mais achetez-vous un téléphone si vous voulez m'insulter, parce que là je ne comprends rien. Non, je m'écouille. C'est clair ou pas? Ah oui, là c'est clair, donc oui. Voilà. D'accord. Et en fait. Et moi... donc je disais, est-ce que tu as des amis ou est-ce que tu t'emmerdes pour appeler les gens comme ça? Ah non, non, moi je m'emmerde pas, en fait je vous appelle pour vous prévenir monsieur, parce que c'est très dangereux de porter des strings. Putain, je vais le niquer lui. Non monsieur, ce n'est pas pour ça que je vous appelle. Mais allô? Oui, je suis là, moi. Déjà, porte tes couilles, prends un numéro normal, déjà. Alors, oui, alors, si vous voulez, donc 01... Vas-y. Ah, tu es de Paris en plus, espèce d'enculé, là. Oui, je suis de Paris, oui. Ah, Nick, t'es mort, on encule Paris, il y a l'LOR. Oui, mais je ne fais pas de foot, moi, monsieur. Moi, je veux juste vous prévenir... Mais je m'en bats, j'ai deux gros ballons, moi. Tu les mets dans le cul ou pas? Si vous voulez. Moi, je veux juste vous prévenir que c'est dangereux que votre femme porte des strings, monsieur. Et alors, gros... Question comme ça, je vais t'enculer. Oh, les paris. Oh putain, ça y est, je vais monter. Oh, les paris. Nique ta grand-mère. Oh, les paris. Oh putain, je vais fermer ta gueule, gros. Je te dis, ça va pas le faire, je vais monter, je vais t'enculer. Oh, les paris. Mais tu es content, là, qu'on de ta grand-mère, la pute. Oh, les paris. Tu as vraiment rien à la... Marseille. Donne ton adresse, c'est la vie de ma mère, je monte demain, donne ton adresse. Le Parc des Princes, on est au Parc des Princes. Mais je vais le niquer, je vais le parisien. Nous au moins on a des téléphones. Ouais, bon. T'as pas de couilles, t'es mort. Oh, les paris. Mais attends, on va faire un truc. T'es mort. Regarde, on va faire un truc, je vais raccrocher, je vais te rappeler parce que là, on a la ligne est très très mauvaise. Hein, on comprend pas. Mais quand je m'en bats les couilles. Vas-y, rappelle, je te nique. D'accord. Oh, les paris. À tout de suite. Voilà, comme vous avez pu le remarquer, on a eu du mal à parler avec ce monsieur puisque sans même lui exposer notre problème directement, ouais. ça a dévié sur le foot. Ouais. Donc on a rappelé évidemment, hein, et ça avait donné ceci. Et là aussi, âme sensible s'abstenir, bien entendu. Ouais, tu m'en mieux, petit fils de... Non, c'est vraiment, ouais, ça doit vraiment être à Marseille qu'il n'y a pas de réseau. Hein. Ça, c'est... Et ouais, c'est parce qu'il attaque grand-mère, elle est un micro là. Ouais. Oh, les paris. Ouais, c'est... Les paris, j'encule ton grand-père. Oui, mais enfin, il est pour rien le pauvre. Oh putain, mais ferme ta gueule, vas-y, donne ton adresse, sur la vie de ma mère, je monte demain, je t'encule. Alors, je suis 20. Ouais, vas-y, 20. Rue... Les Grands-Ports, on est sur les Grands-Ports. Alors, on est 20, mais rue putain, Bayard. Putain. Bon, tu notes? Vas-y, je note, vas-y. Alors, Bayard, B-A-Y-A-R-D. Et tu vas donner l'adresse en boîte, petit fils de pute. Bah non, tu me demandes mon adresse, celui-là. 20 rue Bayard. Vas-y, la vie de ma mère, je note, vas-y. Alors 20 rue Bayard, B-A-Y-A-R-D. Vas-y, alors attends, je vais sur le G. Voilà, et donc c'est Paris 8. Ouais, ça se hein trouve. Ok, gros. Voilà. Mais par contre, achète-toi vraiment un téléphone ou alors fais quelque chose pour le réseau. Oh, je suis déconné, là, je suis en train de rigoler. Demain, ça te va ou pas? Bah je sais pas, j'ai pas compris, ça a coupé. De là, je vais prendre le premier train, je monte à Paris, je t'encule. D'accord. Bah écoute. Oh, le Paris! Avec plaisir. Oh putain, Nico, t'es mort, toi. Alors, je vais pas avec toi, petit. Donc tu verras, moi je suis le monsieur avec la cravate rouge. Et la cravate rouge, tu peux la retrouver entre les deux yeux et dans le cul ou pas? Ça, tu fais ce que tu veux. Ah, mais donc c'est le mec avec la cravate. Bon, vas-y, si tu vois un mec en maillot de l'OM avec une grosse bite, tu appelles ta grand-mère et tu viens, ok? D'accord. Oh, les Paris! Mais ferme ta gueule avec toi, les Paris! Bon. Ibra! Ibra! Ibra! Ibra! Le mec, il est né aussi gros que ma club, alors ferme ta gueule un peu. Bon, écoute, on se voit demain, alors? Obligé de dépenser 300 pour avoir des joueurs. Bon, achète-toi un téléphone. Achète-toi un téléphone qui marche. Oh, merde, ferme ta gueule. Bon, ce qu'on va faire. Champions League. Les Paris. Ligue l'année dernière, au moins, on a fini en quart. Ouais. Fais pas tous ces pognons, vous allez finir aussi. Vous êtes des grosses merdes, on vous encule. D'accord, mais bon, écoute, ce que je te propose, c'est que demain, tu viennes et on en parle tranquille, tu vois. Et vas-y, tu sais pas, à ton presse de PD de 19h. D'accord. Et bah, à demain, alors. Allez, ok, petit fils de pute, j'ai une nique Paris. Les Paris. Mais... Ah, je ne comprends rien, j'ai tout un téléphone, je te jure, c'est relou. Je vais te niquer, fils de pute. Oh putain, oh les Paris, oh putain. En gros, à part dire rose et jaune, vous avez rien à la tête, on vous encule. D'accord, allez, on se souhaite une bonne soirée et on se voit demain. Non, il n'y a pas de bonne soirée. Voilà, bon, achète-toi un téléphone qui marche, ça m'a saoulé. Mais il avait un petit peu de mal avec... Oh, c'est bon, ça. La téléphonie mobile avait un petit peu de mal, hein. Par contre, je suis très déçu, il est pas venu. Oui, mais c'est con parce qu'il dit, à part dire rose, etc., mais au final, lui, à part dire je vais t'enculer, encule ta grand-mère, etc., il avait pas non plus énormément de conversation, le monsieur. Mais bon... On sait qu'il n'est pas venu. Et il n'est pas venu. En même temps, t'étais pas là pour l'accueillir. Toi, je te rappelle qu'on était à Prague. Ouais, mais peut-être. Mais il y avait des gens pour l'accueillir. Oui, c'est vrai. Je rappelle que j'étais le mec avec la cravate rouge, qui est juste le mec de la sécu. Donc... Oui, c'est vrai. Bon, il y a Justine qui a envoyé un message sur le Twitter qui t'offre. T'as une voix sexy quand même. On te le dit pas assez souvent, je trouve. Il y a peut-être une raison, Justine. Merci. On va demander à Cécile, l'auditrice qui est venue là pour une fois. Ça va être la représentante des filles. Alors prends le micro, Cécile. Alors attends, j'arrive la musique pour que tout le monde entende. Elle est sublime. Hein, je tiens à vous le dire. J'ai mon cœur. Qui palpite. Oh là là. Oh. Polo est sous le charme. Oui, est-ce que tu trouves que la voix de Toff est sexy? Pas trop, non. Merci. Et alors, il est content. Il jubile. Je dis que la vérité. Non, mais attends, justement. Et alors, autre question, physiquement, comment le trouves-tu? Je peux dire moche, te fais pas chier. Moyen. Voilà. Ah, j'ai droit à moyen mal, quand même. C'est pas mal. Moyen, c'est pas mal. Une bonne note. Ouais. Non, c'est pas mal. Si tu devais le comparer à quelqu'un de connu, il ressemblerait à qui? C'est 22h. Ah, Shrek. Oh, c'est pas sympa. Bon, alors, non. Non, je vois pas. Ni l'un ni l'autre. Tu peux dire un mec très moche, hein, y a si pas vraiment, arrête, si, ça, si, si, si vraiment l'humanité ne dépendait que de vous deux, est-ce que t'accepterais de coucher avec lui? Non. Non. C'est chaud, ça. Ça se fait pas, parce que ça se fait pas. Non, mais elle est prise entre deux feux, la pauvre. Bah oui, alors, Toff, si l'humanité. Bon, enfin, bah oui, si l'humanité. Même si l'humanité n'en dépendrait pas, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc Toff est. Voilà, bon, bah très bien, parfait. Bon, tu auras droit à ton chocolat, charmante jeune fille. Voilà. Si c'était une question de vie ou de vie, je le ferais quand même. Hein. Question de vie ou de vie. Bon, alors, Greg, puisque t'étais là avant, évidemment, on va commencer par toi, hein, Greg. Hein. Greg qui est avec nous, donc qui voulait parler de la différence d'âge, qui lui a 40 ans et tu te tapes une meuf de 20, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Bah, tu t'es mis bien, mon cochon. Ah, bah ouais. Hein bah ouais, petit bon, cochon, va. C'est ça, en fait. Moi, je suis heureux et je suis amoureux. Bah, t'as raison, mais. C'est ce qu'il faut. T'as la belle vie, mec. Et elle est amoureuse de ton argent ou de toi? Non, pas de mon argent, non. Elle en a pas beaucoup. Et moi, j'en ai pas beaucoup non plus. Mais bon, on est très bien, ouais, qui se ressemble, ça semble, c'est parfait. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis, je trouve que vous êtes super sympa et vous faites une super émission. Mais comment? Bah, c'est gentil, Greg. Comment t'as pécho la. Ouais, comme. Des avis différents, en fait. Hop. Comment tu l'as rencontré? Bon, on s'est connu, ça fait 6 ans en fait, on s'est connu. J'ai une mauvaise question, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais. Aujourd'hui, comment ça va? Bah super bien, franchement super, on va prendre un appart. Ah bah aujourd'hui elle a 20 ans, c'est mieux, parce qu'à l'époque, enfin moi 6. Ouais. Et donc aujourd'hui, mais les parents, tout va bien? Bah ouais, la mère, ça fait longtemps que je connais sa mère. Bah c'est mon ex. Je me suis tapé son ex aussi, donc tranquille, hein, tout va bien à ce niveau-là. Ouais, bah, non, il n'y a pas de ça. Non. Ah mais tant mieux, tant mieux. Bon, non, aujourd'hui, non, vous allez vous installer. Mais quel est ton problème? Tu nous appelles pourquoi? Juste pour nous... Juste par rapport à la différence d'âge. J'avais 20 ans. Je croyais que tu voulais vomir ta joie sur nous. Non, j'étais content, j'étais heureux. Ah bah tant mieux, tant mieux. Attends, parce qu'on a aussi Maud qui est avec nous là, de l'Isère. Salut Maud. Salut. 33 ans Maud, l'âge du Christ, l'âge de Toff. Ah c'est ça, j'ai oh, c'est beau. Tout ça m'excite beaucoup Maud. Combien mesures-tu? Comment? Combien mesures-tu Maud? Oula, je suis toute petite, moi je fais 1m60. Combien pèses-tu? Bon, dis donc, ça va 1m60, c'est pas non plus... Je pèse, je sais pas, j'ai perdu du poids, donc je dois faire 72 kilos. Bon, j'ai une excuse, j'ai eu deux enfants et ma fille a 3 ans. Ah, quand même! Ouais, ouais. Bah, attends, bah, Toff, arrête là, de toute façon, oui, dès qu'il y a des enfants, dès qu'il y a des enfants, il s'arrête tout de suite. Ouais, c'est lui, il s'arrête directement. Ah, ouais, là, il est refroidi. Déjà qu'il vient de se prendre une tôle avec Cécile qui est avec nous. Alors, bon, la deuxième d'affilée, là. Ouais, ça fait trop de tôle pour la même soirée. Il peut mal le vivre, à mon avis, à un moment. Bon, enfin, bon, bref. Je vais aller me pendre. Non, non. Bah, si tu veux, il y a déjà les trucs là-dessus. Ouais, je sais. Si tu veux, nous, on peut tout fournir. Bon, Maud, alors, toi, tu nous appelais pour aussi la différence d'âge, c'est ça? Oui, parce qu'en fait... D'accord, mais j'allais dire tu vas nous expliquer ça dans un instant, mais si voilà, tu veux... comme tu veux. Ouais, bah je préfère dans un instant. T'as un son que t'aimes bien là, en ce moment ou pas? Comment? Un son que t'aimes bien là, en ce moment, que t'as envie d'écouter. Un son que j'aime bien en ce moment. Ouais. Moi j'écoute Thérèse de... Voilà. Ouais, tu vois, c'est, je savais que j'aurais pas dû poser la question. Hop, je te regarde. Voilà. J'écoute ça dans la voiture. Entre mais voilà, mais moi, je voudrais écouter Michel Sardou. Bah, aussi, écoute, bah, alors, c'est... on va le mettre. Michel Sardou. Il est fan. Ah, bah, donc, il a le droit, c'est pas grave. Le remix, voilà, Michel Sardou et Eldie Goulding. Wow. Ah, le remix. Voilà, il y a Michel Sardou derrière, celui qui remixe. A priori, en tout cas. Mais ça va, Eldie Goulding, ça va aussi, Maud? Oui. Ah, oui, oui, très bien aussi. Et toi aussi, Greg? Ouais, bon écoutez, je vais vous laisser hein. Ah bah merci d'être passé hein. Eh hey, santé hein. Tu reviens quand tu veux hein. Je dis merci d'être passé. Merci beaucoup. Ah bah salut Greg, à bientôt. Salut. Ciao, bah il a bien parlé la différence d'âge. Ouais, non, content d'avoir eu. C'était sympa que c'est parfait. Bon, Burn avec Ellie Goulding, c'est ce qu'on va écouter dans quelques minutes sur Fun Radio. On va se refaire aussi le chéri, je peux te faire cocu. Qu'on avait eu l'occasion de faire la semaine dernière, c'était lundi. On va prendre Dylan également qui est là. Dylan, t'es là? Ouais, je suis là, nickel, j'avais une question en fait. De quoi? J'avais une question là vite fait. Vas-y dis-moi. Je sais pas, mais Fred, il aurait pu faire une colle mieux quand même, trop simple. Bah écoute, je sais pas, mais il y a quand même beaucoup qui se trompent, hein, donc de toute façon on donnera la réponse dans 20 minutes, Dylan. Ouais, bah, donc fais pas le malin, parce que si t'as la mauvaise réponse, tu vas prendre cher. Je la connais. Eh ben on verra, je l'espère en tout cas. Bon bah Dylan, reste avec nous, et puis on va se mettre, bah, comme promis, Ellie Goulding, enfin on va se mettre, on va diffuser, hein, Toff, aucune chance, n'espère pas. Ouais, bah si j'ai déjà pas de chance avec Cécile, Ellie Goulding. Bah c'est ça, Ellie Goulding avec Burn, c'est ce qu'on met dans un instant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, il est 22h10, on est en direct jusqu'à minuit sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Arrête de me faire chier. Mickaël, nos limites, 20h minuit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, bienvenue si vous venez de débarquer, la Mickaël No Limit tous les soirs dans toute la France. Je vous rappelle qu'on sera au Paris Games Week, ce sera évidemment le 29 octobre. Paris Games Week à Paris, on fera l'émission spéciale jeux vidéo, donc si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas évidemment, on vous file vos places VIP pour venir avec nous. Il suffit simplement d'appeler Sandro par exemple, 01 42 48 5000, vous la faites chier. Elle va vous dire j'ai pas de place, mais vous insistez un peu, les émerdera pour en trouver un moment ou à l'autre, faites-la travailler, voilà, elle demande que ça. Donc 01 42 48 5000, on donnera la réponse. Réponse également pour vous offrir votre console ce soir, la PS3 avec les jeux, ce sera pour la colle avec notre ami Fred dans quelques minutes. Et puis le chéri, je peux te faire cocu, qui va débarquer lui d'ici quelques minutes également. Donc ne bougez pas de là, c'est Mickaël No Limit, on est ensemble et en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio ce soir. Vous faites venir tous vos potes évidemment avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter. Numéro du top tweet, c'est pas mal. Numéro 1 serait mieux, ouais, on n'est pas en détail bon, évidemment. On va forcer un peu. Ouais, on va pas chipoter. Et puis facebook.com/mickaël officiel, n'hésitez pas, ramenez-vous, faites venir vos potes également. Et puis on va s'écouter maintenant la belle Ellie Goulding. Quand on écoute, c'est Burn maintenant sur Fun. We don't have to worry about nothing. We're gonna let it burn. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. 20h minuit. Mickaël. Mickaël, nos limites sur Fun Radio. Et oui, en direct sur Fun Radio avec plein de messages. Il y a Romain qui dit alors c'était beau Prague. Ah ouais, c'était super. Non, vraiment bien. Pour le coup, on s'est bien marré à Prague. Et puis après, il y a eu l'histoire de la blonde également. Là, bah oui. Enfin, de là, des blondes. Alors, faut savoir, on est arrivé à Prague bon, on a terminé l'émission jeudi à 2h du mat. L'avion décollait à 7h, donc on n'a pas vraiment beaucoup dormi, voire pas du tout en fait. Non, absolument. Je pense que le week-end a été pauvre en sommeil. Oui, il a été très pauvre en sommeil, enfin ça dépend pour qui. Donc je suis arrivé là-bas, on était malade, déjà avec Polo et moi. Et puis après, ouais, moi je suis resté toute la journée de la tête dans le cube et d'une violence. Et puis à un moment, eux sont partis bouffer entre amoureux, c'était mignon. Ah oui, on était les voilà, yeux dans les yeux. Bon, ouais, à un moment, ça, ouais, je me sens un peu mieux, tu vois, donc je me dis, bon bah je vais aller les rejoindre. Donc on était dans un hôtel un peu particulier, noir, avec des grilles partout, j'ai l'impression c'était que c'est un truc SM. Le truc le plus mais étrange pas cher, au monde. Mais c'était pas cher, donc voilà, si vous y allez, c'était le Fusion. Exactement. Voilà, l'hôtel Fusion à Prague. Mais on pouvait y aller de la vraiment. Meuf, hein. Ah oui, bah, ah, là, un là, petit là, peu là, partout à Prague. Petit déjeuner gratos, allez-y. Exactement, ouais. Donc voilà, plutôt sympa. Donc voilà, donc évitez déjà de mélanger le lait, le jus d'orange et le miel. J'avais essayé ça le vendredi matin pour la gorge et ça m'a retourné la gueule pendant 24 heures en fait. Ouais. Donc du coup, je suis à l'hôtel, tout va bien. Et puis bah il y a un moment, donc je décide d'aller rejoindre Toff et Polo. Et là, la chance, pas dire du débutant, le bonheur, mais le bonheur, voilà, c'est ça. Du débutant. Je prends l'ascenseur, donc à moitié endormi. Hein. Faut savoir que j'avais l'impression d'être drogué, je savais même plus où j'allais. Et donc je prends l'ascenseur s'arrête et là, quatre bombes de blondes qui rentrent. Et moi, comme un mongol, j'étais persuadé, en fait, j'étais arrivé au rez-de-chaussée, donc je sors. Donc elle me dit bah au revoir. Je dis ouais, au revoir, bonne journée, enfin bonne soirée là, plutôt. Et là, je me retrouve au deuxième étage, je me dis. Je comprends pas pourquoi je suis pas resté dans l'ascenseur. Et puis voilà, donc c'était l'histoire. Bah non, mais c'était voilà, donc vous étiez loin des plans A5 dans l'ascenseur, tout ça. Il y a eu un plan A5, mais entre le moment où je suis sorti et le rentrer, en fait, tout simplement. Quoi. Par contre, ce qui est pas cool, c'est les auditeurs qui étaient à Prague, ils auraient dû venir nous saluer. On a fait une photo sur un pont, Charles Bridge. Et donc, on fait une photo à la con en faisant le Sparrow Face avec Toff et Polo. On fait la photo et puis bah nous on savait pas évidemment, on fait une photo, on la met sur Facebook et puis les auditeurs qui disent putain c'était nous derrière, merde. Bah ouais, mais il fallait nous le dire directement. Ouais, ouais. Là il y avait Chris apparemment dedans, là on l'a vu. Il y avait une meuf aussi qui s'appelait Anna, je crois. Anna, ouais, c'est normal, ça m'étonne pas que Toff s'en souvienne. Et voilà quoi, donc putain quand vous nous voyez, bah dites-nous, on aura fait des photos ensemble. Et puis mais en plus Toff il a payé sa tournée et tout là. Ouais. Ah, bah, vous auriez été bien. En plus, si mes souvenirs sont bons, c'est au moment où il a payé la tournée, je pense. La deuxième tournée. La deuxième tournée. Oui, il était grand prince. Ouais. Exactement, ouais. Et y a les qui dit frappez-moi avec un coup de pelle s'il vous plaît, avec plaisir. Oh, il y a Antonin qui dit je peux avoir un message de bienvenue également, mais bien sûr. Alors il est violent celui-là, attention hein. J'ai plus de voix. Voilà. Bah, c'était gratuit hein. En même temps tu l'as demandé. Lilo qui dit je vais venir chercher mon pack fun direct au studio moi. Bah si tu veux Lilo hein. Et Toff te le remettra en direct. Hein? Avec plaisir. Mais oui, il y a Jean aussi qui dit Mickaël, t'es un beau gosse, Toff, t'inquiète pas. Tu sais très bien que t'es beau, c'est juste certaines personnes le voient pas. Mais oui, voilà. Ouais, ça doit être ça. On salue la Ligue Braille, c'est les seuls d'ailleurs à trouver Toff beau gosse. Et Marion qui dit mais Toff a de magnifiques yeux. Merci. Voilà. Barbara qui dit bonjour, moi j'ai trouvé pourquoi Mickaël ouvre la porte. Bah tant mieux, on va donner la réponse pour la colle dans quelques minutes. Et Chris qui dit mort de rire, le classico. Ah oui, avec le Marseillais qu'on avait appelé là, qui était omnibulé par Marseille. Holidays qui dit allez Paris, et tu es content, espèce d'enculé de ta grand-mère, mort de rire. Un petit message de bienvenue s'il vous plaît, c'est My League, bien sûr, My League. Fais pas chier parce que ça va être vite fait, je vais te mettre sur écoute et tu vas voir, faut que je change ton numéro. Je suis prêt à venir te casser ta gueule toi, espèce de pourri de bâtard. Enculé de bâtard. Oui, hésite entre pourri et enculé de bâtard, ça a donné un truc un peu particulier. Bon, et en parlant d'hésitation et en parlant évidemment de jeu, il y a, vous le savez, tous les lundis soirs, le chéri, je peux te faire cocu, d'ailleurs on en refera un lundi, hein, si jamais vous avez envie de jouer, lundi c'est demain, vous voulez vous inscrire, et bien vous pouvez appeler évidemment Sandro au 01 42 48 5000 ou pour la Belgique au 02 851 4x0. Le chéri, je peux te faire cocu, c'est simple, le principe est on ne peut plus simple, il suffit simplement et bien d'appeler votre copain, votre copine et lui faire croire que vous avez rencontré quelqu'un qui ne s'est absolument encore rien passé, mais qu'en gros, vous lui demandez la permission de coucher avec lui ou elle juste un soir. Le but, évidemment, c'est que ça l'énerve au plus possible et vous repartez avec des cadeaux si ça se passe pas mal. On rejoue évidemment demain et ça, c'était lundi dernier pour ceux qui n'avaient pas pu être là, évidemment, lundi dernier. On se le remet maintenant. On récupère Maud, Jérémy, Dylan et Clément dans quelques minutes et puis la réponse à la colle, ce sera juste après. Et là, c'était Jennifer pour le chéri, je peux te faire coquille. On écoute ça maintenant. Oui, allô? Oui, mon cœur, c'est moi, ça va? Oui, toi. Oui, ça va. En fait, il faut que je t'avoue quelque chose. Tu sais, il y a 15 jours, quand je suis sortie avec Angel ou Titi, ouais. Bah, en fait, tâche pas, hein, mais j'ai rencontré un mec qui s'appelle Michel. Et bah, en fait, tu vois, j'ai un petit peu craqué sur lui, quoi. Mais comme je suis avec toi, je voulais pas faire tout trop vite. Et donc, en fait, bah, je te demande la permission. Est-ce que tu crois que je peux faire l'amour avec lui et est-ce que ça te dérange pas? Ça va, tu rêves. Bon, est-ce qu'il est d'accord? Bah non, il est pas trop d'accord, non. Oh bah qu'il se magne, on va pas y passer la nuit, hein. Ouais, bah ouais, il est camé l'autre derrière, moi je vais le camer. Hein? Mais bon, qu'est-ce que tu lui as dit? D'accord, quoi. Bah j'ai dit que... Qu'est-ce que tu lui as dit? Bah j'ai dit que t'étais super, que j'avais trop envie de coucher avec toi, mais il veut pas, quoi. Ouais, bah en même temps, t'as demandé comme ça pour être gentil, qu'il veuille ou qu'il veuille pas, on s'en bat les couilles, hein. Ouais, mais bon, tu me pardonnerais ou pas si oui, vraiment... il va te pardonner, oh là là. Non, qu'est-ce qu'il dit? Il va te pardonner. Non, il a dit non. Allô? Oui. Ça va? T'as pas de la toucher parce que autrement je vais te retrouver. Attends, je comprends pas, tu me menaces ou parce qu'on s'est même pas présenté là, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ludo. Eh bah Ludo, écoute, donc là j'ai rencontré ta copine, et rassure-toi, hein, moi je veux pas t'inquiéter, je sais que vous avez une famille, des enfants, c'est pas du long terme, hein. Enfin, c'est juste un one shot, comme on appelle ça. T'en as d'autres, t'as plein de célibataires. Oui, je sais, mais bon, celle-là était quand même plutôt pas mal. Et puis, on s'est rencontrés comme ça, là. Et bon, il s'est fait que le feeling est bien passé. Donc, je lui ai proposé de coucher avec elle. Et je trouve qu'elle a quand même été plutôt bien. J'espère que tu te rends vraiment compte de la chance que t'as. Elle a quand même demandé ton avis. Enfin, pas ton avis, ta permission. Ouais, c'est juste que si jamais tu disais oui, bah, c'était sympa. Si tu dis non, c'est pas très grave, quoi. Non, Ah, si. Attends une seconde. Oh, Jennifer! Oui! Eh, tu peux lancer la machine à laver, là? Ouais, pas fait, là, tout à l'heure, là. Eh, te plante pas dans les couleurs, hein! Mais non, t'inquiète! Ouais, non, mais que je retrouve pas les t-shirts blanc-rouge, enfin, des conneries, quoi. Oui, bah, ça va. Bon, bah, vas-y. Eh, merci, ma chérie, tu vas voir tout à l'heure, je te remercierai comme il se doit. Ouais, bah, j'espère bien. Oui, bon, bah, mind-toi, tu as pas parlé pendant 3 heures, là. Oh là là. Moi, c'est bon, j'y vais. Bon, bah, dis donc, elle est comme ça aussi à la maison, là, elle est un peu relou, pas, là? Parce que j'ai l'impression que il faut resserrer la vis, hein. Ouais, un petit peu, ouais. C'est dans sa nature. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, dis donc, mais alors qu'elle est partie, je peux te demander un service? Non. Non mais vas-y, je voulais savoir parce que bon, tu sais, comme j'ai droit qu'à un seul coup, je voulais pas rater mon coup, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu pouvais me dire éventuellement s'il y a des trucs qu'elle aime bien ou tu vois. Non, puis j'ai même pas la peine, c'est pas la peine d'essayer. Non mais vas-y, fais pas ton relou, dis donc, putain, on est entre mecs là, on peut s'entraider quand même. Ah bah non, c'est la mienne, je suis marié depuis 10 ans. Mais justement, attends, mais ça m'étonne pas, en même temps t'as l'air relou, je comprends qu'elle ait envie de voir ailleurs. Ouais, ça va, et toi t'es un macho, c'est tout. Mais je suis pas un macho, et puis moi j'ai pas cet accent de merde. Tu penses juste qu'à tirer ton coup, c'est tout. Bah oui, alors. Tu vas te barrer. Bah oui, hein, et alors? Non, tu vas te faire foutre. J'en ai rien à foutre. Non, mais ça va. Je fais ce que je veux. Bon, tu peux me la repasser, c'est attends, bon. Attends, elle est en train de faire tourner la machine, là. Qu'est-ce qu'elle est lente. Qu'est-ce qu'elle est lente. C'est bien. Tu fais quand de la vie, sinon, toi? Tu peux me la repasser, c'est bon. Une seconde. Mais il était dur de la feuille ou quoi? Ouais, tu vas attendre, je vais pas la déconcentrer, elle va me faire de la merde après. T'imagines si elle met la température à 60, je fais comment moi? Bah tu te prendras à poil, Pierre. Oh super, dis donc. Ouais, hein? Bah oui. Ah bah de retour. Ouais. Eh bah il était temps. Bon, je te repasse ton mec, comment t'expliquer que je sais pas ce que tu fais avec lui, hein? Bah écoute, hein. Non mais parce que. Non mais parce que techniquement en termes de mollesse, je pense qu'on est pas mal, hein. Ouais, parce que je sais pas si au lit c'est pareil, mais en termes de missionnaire, tu l'as quand même bien fait chier depuis 10 ans. Hein. Ouais, mais si je viens chez toi, tu seras peut-être un peu moins excité, peut-être. Attends une seconde, qu'est-ce que tu dis? Si je viens chez toi, tu seras un peu moins excité, là. Bah pourquoi? Ouais, je vais te calmer un peu, tu vas voir. Ouais, alors qui c'est le patron ici? C'est moi. Qui c'est le patron? Non, je pense que t'as pas bien compris, parce que regarde, je t'explique. Elle, ta femme. Elle est où là? Elle est chez moi. Et toi tu sais pas où j'habite, tu vois? Et toi t'es chez toi tout seul. Donc on recommence. C'est qui le mec qui gère, ce qu'il bosse là, c'est qui? Bah pour l'instant c'est toi qui gères, mais quand tu vois quand tu veux, hein. Bah va te faire enculer, connard. Ouais, toi toi aussi. Comment ça moi aussi, dis donc. Eh hey, reste calme et reste poli, d'accord? Il y en a un qui a dit ça, alors je te le dis toi aussi. Comment ça qui dit ça? Mais c'est pas toi qui a dit, vous êtes combien? Vous êtes mais deux, toi t'es complètement fou, on est tout seul, dis donc t'entends des voix, hein, mec. Non, il a dit oui ou pas? Non, attends, t'entends des voix, là. Va te faire enculer, connard. Hey, t'es complètement fou, quoi. Ouais, va te faire enculer, connard. Mais enfin, mais je te dis rien, mais t'es complètement con, quoi. Ouais. Mais je te dis rien. De toute façon, tu vas te soulager tout seul. Bah non, je peux te dire que c'est pas le cas. Va te faire enculer, connard. Je peux te dire que c'est pas le cas. Ah ouais, mais mon cœur, j'y suis déjà, alors. Bah oui. Tu vas mettre tes fesses au but. T'inquiète pas, je vais lui mettre une petite cartouche. T'es une grosse salope. Ah ouais, mais bon. T'as qu'à passer ta soirée là-bas et je vais faire ma clé et tu te démerdes. Oh, ben elle va rester là, c'est bien. Tu es enculé, toi. C'est juste pour m'amuser un soir, après... Oui, bah oui, moi je vais faire pareil, je vais m'amuser aussi, tu vois. Bah oui, bah ça m'étonnerait, hein, t'as l'air de pas te faire, de pas t'amuser tous les jours, hein. Si. Non. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con, là. Et quand on a qu'est-ce qu'il faut à la maison, on a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je comprends pas ce que tu me racontes. Oui, oui, mais toi, de toute façon, t'en as 36 000, je sais pas combien... Tu es enculé, toi. Ça va. Il y a un troisième... Mais non, il y a personne, mais qu'est-ce que tu racontes? Eh, dis donc, ma chérie. Oui. Eh, ça lui arrive souvent d'entendre des voix comme ça là. Un petit peu de temps en temps, mais. Ah parce que ça va, il est pas net, hein. Il est vraiment pas net lui, hein, par bah, contre. Non, hein. Mais là, il est énervé, alors t'as vu. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas facile tous les jours. Non, mais c'était pour être sûr. T'as fini là, ton bordel, tu me la repasses et puis. Vous me faites chier. Oui, bah toi aussi. Allez vous faire foutre. Ah ouais, bah allez vous faire foutre. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Non, putain, vous êtes combien? Vous êtes 4 là maintenant? Vous m'emmerdez. Ouais, bah, tu m'emmerdes. Allez vous faire foutre! Ouais, alors, foutre. J'ai le droit ou pas? Non, tu ramènes tes fesses le plus vite possible. Allez vous foutre! Ouais, mais en fait, j'ai vachement envie de le faire, quoi. Oui, bah, non, bah ouais, mais bon, en disant qu'on est ensemble... Un petit one shot! Allez, quoi, vas-y, Lulu! Allez, Lulu, fais pas ton relou, là! Tu sais quoi, Ludo, je te présente une copine à moi si tu veux en échange. On fait un petit échange comme ça de bons procédés. Non, bon. Ouais. Ludovic. Oui. Bon allez, je vais te proposer une chose. Ouais. Bon, excuse-toi de m'avoir mal parlé et on oublie tout. Bah, de toute façon, je te connais pas, de toute façon. Mais justement, tu dis Michel, voilà, je m'excuse de t'avoir mal parlé, désolé, je m'incline. Non, tu veux. Si. Ludovic. Ludovic, oui, moi je te dis que si tu t'excuses, on oublie tout et voilà, je ne fais rien avec elle ce soir. Et tu jures ou quoi? Mais bien sûr. Je jure que je ne fais rien avec elle ce soir. Ah parce qu'il va s'aplatir, il va s'excuser juste pour je sais pas que tu me touches quoi. Bah apparemment ouais. Donc alors dis-moi je suis Ludovic et je m'excuse auprès de toi Michel de t'avoir mal parlé. De toute façon je te trouverai, j'arriverai bien. Non mais vas-y, oh là, on perd du temps là. Oui bon. Je m'excuse de t'avoir mal parlé. Monseigneur. Monseigneur, ça va, tu vas peut-être pas... Non, allez, vas-y, comme ça, écoute... Je baisse mon pantalon, par hasard. Non, ça, je préfère pas. ta femme est seins nus, là, je préfère ça physiquement, c'est plus intéressant à regarder. Ouais, ça va. Bon, alors, dis, je m'excuse, Monseigneur. Je m'excuse... Non, je dirais pas. Bah si. Écoute, je vais quand même pas me taper ta femme, juste parce que toi, t'es un petit peu trop... Tu te la ramènes, tu vois. Dis, je m'excuse, et puis voilà, et puis on fait. J'arriverai à te trouver de toute façon. Mais oui, mais on s'en fout, d'ici là, je serais déjà passé sur ta femme. C'est bien loin, parce qu'il y a pas longtemps qu'elle est partie. Mais alors, peu importe, c'est pas le problème. C'est juste qu'on a inventé des voitures, hein, tu vois, depuis le temps. Hein. Bon, et donc, alors, je m'excuse, Monseigneur, et on oublie tout, je couche pas avec elle, on oublie, c'est rien passé, et c'est génial. Bon, excuse, Monseigneur, et voilà. Dieu, je préfère Dieu, en fait. Ça va, tu touches pas un peu le bouchon? Non, mais c'est parce que je me suis rendu compte en fait que j'étais... Tu vois, c'est un peu moi qui avais le pouvoir, donc je préférais que tu dises Dieu. Non, c'est bon. Allez, vas-y, ou je la baise. C'est bon, mais de toute façon, elle revient, et puis... Ouais, bah, mais moi, mon avis, on en fait quoi? Oh, ta gueule! Bon. Non, j'ai dit non, j'ai dit non. Ouais, t'es qu'une meuf, hein, déjà t'es chez moi, donc reste calme. Non, mais pour qui elles se prennent là, ces meufs mecs, là? Hein, à quoi ça sert? C'est censé, qu'est-ce qu'il y a? C'est censé engrosser, accoucher et faire la cuisine. Beaucoup, toi, mais tu dois pas faire grand-chose. Ah bah non, moi je fais rien, regarde-moi, c'est justement ta femme qui me fait le ménage là. Bah oui. De toute façon, c'est à ça que ça sert les gonzesses, hein. Faut pas se leurrer. Il y a de la poussière dans ta maison, hein. Ouais, bah on s'en fout, hein. Bah justement. Si, ça sert à élever les enfants, ça sert à bouffer, ça sert à pomper, ça sert à tout, quoi, voilà. Ouais, bah ça va. Je m'excuse, Monseigneur Dieu. Oh, je m'excuse, Monseigneur Dieu. Mon beau Michel que j'aime par-dessus tout. Bon, mon beau Michel que je... Voilà. Non, que j'aime par-dessus tout. Mon beau Michel que j'aime par-dessus tout. Mon bon Michel que j'aime par-dessus tout. Bon, Ludovic. Oui. Bon, fais-moi un poème et on arrête là. Non mais, c'est bon. Enfin, je vais te faire des conneries. Bon, c'est bon, tu peux me la repasser? Ah, je te la repasse, attends une seconde. Oh, pardon, excusez-moi. T'as trouvé un vrai pot, hein. Bon, je ouais, mais il est pas mal physiquement, en fait. Non, il n'y a pas de physique. Ouais, mais je me disais, au bout de 10 ans, on pouvait un peu s'amuser dans notre vie de couple, quoi. C'était un peu pour pimenter le truc. Bah, va te faire enculer, connard. Oui, bah toi aussi, va te faire enculer. T'as que ça à foutre, tête de mort. Mais tu m'écoutes, là, au lieu de répondre à leur à ces conneries, là. Espèce d'enculé, va. Ouais, bah, toi aussi. Ouais. Bon, je sais pas combien vous êtes là-dedans, mais. Bah, on est en fait, on est assez nombreux, là, Ludovic. T'es sur Fun Radio, là, c'est Mickaël. Mais si. Oh, ça va bien. Ça va, Ludovic? Oui, ça va, mec, mais moi, je l'aurais insulté, l'autre connard qui me demande de lui dire Dieu. Moi, je lui aurais mis une patate. Bah oui, mais il est pas en face de moi, il est que au téléphone. Ah oui, c'est vrai, effectivement, oui. Tu peux me redire Dieu, s'il te plaît? Dieu? Ah, très bien. Finalement, c'est un bon Jennifer, hein, faut le garder. Hein, ouais. Il est pas mal, hein. Bah, il est pas mal, effectivement. Un peu mou. Oh, léger, bah, alors vraiment léger. Hein. En termes de mollesse, il était pas mal, effectivement, ouais. Voilà, chérie, je peux te faire cocu. On remet le couvert, évidemment, dès demain sur Fun Radio, si vous voulez jouer avec nous. Et bah, gagner, notamment, peut-être, vos entrées pour le parc Astérix. J'en ai 4 à vous offrir aussi, hein, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. facebook.com/Mickaël officiel a gagné donc entrée pour le parc Astérix pour 4 personnes pour peur sur le parc. Toff sera en guest. Bien sûr, c'est moi qui cours derrière les gens. Oh, c'est enculé ça. Voilà, oh, je m'en suis pris. Il y a Lilou qui dit comment c'est possible de se soumettre autant. Bah, je sais pas. Chris aussi, Chris officiel qui dit le mec qui s'excuse et qui dit je m'excuse mon seigneur. Non mais c'était abominable. C'est-à-dire que je l'ai chauffé, je l'ai insulté, j'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'il s'énerve et il est resté calme. Il y a Lilou qui dit rire sous la douche en réécoutant le Siri, je peux te faire cocu. Ça n'a pas de prix. Il y a Asils Bisdouch. La réplique de l'année, tu vas te soulager tout seul. Oui, c'était pas mal. Fabienne qui dit t'inquiète pas, je vais juste lui mettre une cartouche. Trop de délicatesse, Mickaël. Ah, je vous dis, j'ai essayé de le chauffer à mort. Et Samantha qui dit comment il a l'air ringard le mec au téléphone, mort de rire. C'est qui le boss? C'est qui gère? C'est Michel. Et oui, Samantha. Et Megumi qui dit tu m'étonnes, 4 blondes. J'aurais eu peur, mais je serais pas sorti, même si j'étais à mon étage. Mais non, mais Megumi, t'as pas compris. C'est qu'en fait, c'est pas ça. C'est que comme j'ai pris l'ascenseur pour passer, on était au 5ème pour aller directement au rez-de-chaussée. C'était à Prague ce week-end. Mm-hmm. Et qu'en plus j'étais malade, j'ai eu de la fièvre et tout vendredi, donc j'étais vraiment la tête dans le cul, quoi. Et en fait, quand l'ascenseur s'est arrêté, pour moi, on était arrivé au zéro. Et donc je suis sorti, moi je pensais que les meufs elles rentraient, j'allais pas rester dans l'ascenseur et remonter jusqu'au 5ème. Mais en fait on était au second et moi je suis sorti au 2ème étage, les meufs sont descendues et puis elles m'ont regardé en disant oh c'est dommage, tu vois, elles étaient tristes. Le beau gosse. Je me suis dit bah, qu'est-ce que tu veux, quoi, c'est parce comme qu'en ça. Fait tout était noir en fait, faut savoir ouais, tous les étages noir. Sont noirs, donc complètement on noir. Sait pas où on est en fait. Et alors Toff a fini par dormir dans une grille. Oui, j'ai pas compris, attaché avec des menottes, c'était bizarre. Il y a la grille d'ailleurs qui est sur le Facebook, vous pouvez les voir. Par contre, j'ai été fouetté toute la nuit par Polo. Par contre, il y a un mec, alors je vous avoue, on est parti dans une boîte de striptease avec Toff. Bien sûr. You, Toff, il m'a attiré, il m'a dit viens, il m'a menacé. Quel mytho alors, il a pas réussi à rentrer dans une boîte à striptease. Attends, je ne suis jamais rentré dans une boîte de striptease de mon propre chef. À Prague. Toff m'a attiré dans la porte de l'enfer. The door of the hell. Voilà, on est descendu et en fait il y avait un type qui s'est fait mettre un poil par les stripteaseuses. Elles l'ont fouetté, claqué. Oh, les meufs, elles lui avaient pris sa ceinture, elles le fouettaient avec la ceinture, là. Mais. Quelle horreur. Mais on raconte la fin ou pas? Vas-y. Et donc en fait, déjà, elle le met à poil, le mec, il avait un espèce de caleçon, mais horrible, genre petit bateau. Et derrière, la meuf, elle lui enlève le caleçon. Et donc, normalement, tu t'es fait chauffer par deux meufs, tu dois avoir un peu la gaule. Ouais. Et ben là, le mec, il avait une bite, mais genre 1 cm, quoi. Ah oui, 1 cm quand même. Ouais. C'est-à-dire que même le videur, il était mort de rire. Oui, c'était pas mal. Bon, donc allez-y à Prague, hein, vraiment bien. Ouais. Laura qui dit je voudrais passer un message à mon homme pour lui dire que je l'aime et que. Attends, c'est quoi? C'est que il a que lui dans ma vie. Ah, il n'y a que lui dans ma vie. On rêve tous de ça. C'est mignon. Merde. Voilà, pour bien clôturer l'histoire. Et puis Elisabeth, ah non, c'est quoi? C'est Aslis Blin qui dit Toff a du charme. Ah bah, comme quoi tout arrive, hein. Merci. Et puis Benjamin qui dit en direct de chez un pote, on vous écoute en jouant à FIFA 14. Ah bah, il faut voir avec qui tu joues. Dis-nous avec qui tu joues là. Tu joues avec quelle équipe? Pour voir si je te vire des auditeurs ou si je te garde. Léo qui dit moi je veux un message de bienvenue aussi. Léo, ouais Léo, allez si tu veux. Tiens, je t'en mets un. Hop là. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Emile Sizibo qui dit je suis déçu pour toi et tes blondes. Waouh, écoute, c'est pas grave après. Hein. Bon, c'est plus elles qui ont raté que moi. tu veux ce que je veux dire. Enfin bon, sans, enfin, en toute modestie. 4-2 perdu. Marion qui dit tout le monde dit que tu es parfait parce que c'est la vérité. Merci Marion. Mais évidemment. Et Maud, mais bien sûr. Même Toff le dit. Bah, je n'arrête pas de le dire. Voilà. Et Maud qui dit à toute l'équipe, ça fait pas longtemps que j'ai découvert l'émission, un mois à peu près. Et franchement, vous êtes trop fort. Vous m'accompagnez sur mes retours de travail en voiture de 23h à minuit. Merci pour votre émission. Continuez comme ça. Bah écoute, merci à toi d'être là aussi. Et puis Kylian aussi qui dit un petit message de bienvenue, s'il te plaît. Bien sûr. Ta gueule, connard. Ah, c'est notre ami Carolo qui est de retour avec nous et ça fait plaisir également. Bon, alors, Jérémy et Maud qui sont là également tous les deux là. Bonsoir Jérémy. Bonsoir toute l'équipe. Ça va bien ? Ça va et vous ? Bah oui, on parle de différence d'âge tout à l'heure et il y avait Maud également là de Dizère. Maud, t'es là ? Oui, je suis là. Bon, bienvenue à toi alors, bon, enfin re-bienvenue. Alors, toi tu nous avais appelé parce que toi aussi t'as vécu une différence d'âge avec un mec ? Moi ? Non, je sais pas, je demandais. Moi je suis mariée avec un homme qui a 13 ans de plus que moi en fait. Ah oui, quand même, donc ah oui, il est bientôt mort quoi. N'importe quoi. Non mais sérieusement, mais 13 ans c'est quand même violent. Parce que là aujourd'hui ça va, 33, 46, bon déjà ça commence à... En fait c'est ça le truc, c'est que ça choque quand c'est plus jeune en fait. Oui, ouais, mais le... J'avais 27 ans, donc 27... 40, quand voilà, même. C'était pas choquant. Ah bon ? C'est sûr que tu te rebases plus jeune, quand j'avais 10 ans il en avait déjà 23. Oui c'est ça, donc, là, et, ouais, alors, ça et alors attention, attention, attention. Quand tu ne seras pas retraité, lui sera déjà peut-être décédé. Ouais. Enfin, non, sans non, vouloir rentrer dans les trucs négatifs, bien évidemment. Là, mais non, mais c'est l'amour, c'est beau, on est tous de ça. Mais oui, et puis après, elle y rapportait des fleurs. Voilà, ouais. Exactement. Et tu seras là pour t'occuper aussi. De la tombe. Oui, tu disais, Jérém. L'héritage aussi. Et alors, il y a l'héritage. J'ai fait, est-ce qu'il est blindé, ton mari, Maud ? Non, même pas. Ah, putain, t'as vraiment fait tout comme il fallait pas, quoi. Ouais, voilà. Oh, c'est putain. Ah, c'est malheureux, hein. L'amour, c'est Badour. Ah oui, qu'est-ce que ça fait combien de temps que t'es avec lui, là ? Ça fait 6 ans et ça fait 4 ans qu'on est mariés et il y a 2 petits bouts. D'accord, oh bah écoute, c'est bien, c'est bien. Il y a Sophie qui dit, moi je suis en couple depuis 6 ans avec un mec de 18 ans, mon aîné, et c'est pas la joie. Attends, ah bon 18 ans, ah oui quand même, hein, ça c'est... 18 ans c'est quand même beaucoup. Hein. Ah 18 ans c'est quand même bien bien chaud là, effectivement. Ouais, et alors il y a Wendy aussi qui dit, bonsoir Mickaël, débarqué dans l'émission avec un récap de Toff chez les scouts. Ah oui, c'est tout à l'heure ça. Qui chie dans son fut, génial, je mange les gars. Oui, bah écoute, j'espère que tu as bien mangé et surtout bien digéré à mon avis, j'espère en tout cas. Bon, et donc du coup, toi tu regrettes rien Maud ? Ah non, du tout. Bon, et toi Jérém qui est avec nous de Marseille, comment va le Marseillais ? Ah ça va. Allez Paris. Est-ce que tu vas réagir comme l'autre tout à l'heure qu'on a eu au téléphone là, si on se dit allez Paris, allez Paris. Mais ma foi, pareil hein. Ta foi, allez Paris. On va te faire enculer, moi je vais te faire bouffer ta cravate. Je vais te la mettre dans le cul, tu vas la vomir. Il va te faire enculer au PD. Eh oui non mais ça c'est corse, ça c'est corse, Jérém là. Mais oui mais parce que je suis les deux, c'est moi que vous avez appelé jeudi là. Je savais pas que c'était vous, m'avez bien eu. Non, t'es sérieux? Eh oui, c'est moi. C'est mon collègue, il m'a fait une blague. Oh le con, on t'avait appelé pourquoi ? Quand je suis tombé dedans. On t'avait appelé pourquoi ? Le string là, je sais pas quoi. C'est toi qui as insulté Toff et qui voulait nous tuer ? Il est plus à l'antenne. Merde, c'est moi qui fais de la merde. C'est toi qui nous a qui voulait nous tuer ? Non, c'est pas moi qui voulais vous tuer. Ah bon, ça va. Tu vas te faire enculer, connard. Voilà, non, parce que sinon j'avais déjà prévu ma... C'est cette pute, là. Et surtout, c'est Toff. Oui, ah ben, je sais bien, Toff, je suis le seul responsable de tout ça. Oui, vas-y, je t'écoute. D'ailleurs, mon histoire va bien intéresser Toff. Vas-y, explique-le tout. Je trouve qu'on lui parle pas assez, le pauvre. Ah bon ? On est tout le temps en train de lui mettre des coups de pelle, de le taquiner à chaque fois. Ouais. Et jamais un petit message d'amour. Oh, et tu veux lui faire un message d'amour, Jérémy ? Eh ben, venons de toi. Attends, j'en ai un de message d'amour pour Toff. Espèce d'enculé, va. Voilà. Tu vois, c'était une manière à moi de montrer qu'on l'aime bien. Un petit message de Toff, de Polo, pardon ? Elle va te faire enculer au clochard. Voilà. Tu vois qu'on l'aime bien ? Bon, c'est quoi ton message, là, pour Toff ? Bon, alors, il faut savoir que je suis militaire. Ah, en plus ? Cette histoire, elle est arrivée il n'y a pas longtemps. D'accord. C'était vendredi, il fallait qu'on sorte, on est allé en boîte. Parfait la musique, parfait. Il fallait qu'on aille en boîte. Il y avait une fille, j'arrive à la tchatcher tout ça et je la ramène chez elle le soir. Je la ramène chez elle, bon, pas de chance pour moi, il s'est rien passé. Ah dommage, ça mais arrive. Le lendemain j'y retourne. Ouais. Et il y avait sa mère, donc la fille avait vie avec sa mère. Elle m'offre le café, tout ça. La fille elle part dans le salon pour aller regarder la télé, je sais pas quoi. Et la fille elle me dit, la femme me dit, la mère, je t'ai pas vu. Ouais, la mère me dit, tu crois que je t'ai pas vu me regarder les fesses. Et tu lui avais maté les fesses. Ouais, c'est vrai. Non. Vous savez qu'il y a un appel masqué qui peut être démasqué. Oui, je le sais, merci. Bon, bah tant mieux. Elle était plutôt pas mal. Et j'ai dit, bah, elles sont jolies et tout, tu vois, je suis allé dans son sens. Et puis d'un coup, elle commence pas, elle vient, elle m'embrasse. Et si tu veux, la veille, on avait marché et tout, donc on est fatigué, j'étais fatigué, tu vois. Et puis elle me dit, si tu veux, tu peux te reposer ici. J'ai dit, non, d'accord, j'y vais. Et puis là, elle me rejoint dans le lit et tout, elle commence à me toucher et tout. Et alors, tof, j'ai touché pour toi, je peux te dire quel c'est. 95 C, taille 36, 1m70 à peu près. Le poids, je sais pas trop. Oh merde, t'aurais pu la peser, merde, t'aurais dû dire, ici, on va peser, on va voir le gras ici, hein, comment ça va arriver là. Oh t'es fort, Jérém, c'est bien, c'est la première fois qu'on a un reporter. Il a son reporter. Bon, attends. Bah tu m'étonnes. Attends, Jérém, reste là, tu vas nous raconter la suite dans quelques minutes. Il y a Fred aussi avec la réponse par rapport à la colle. On va s'écouter aussi le son de Macklemore sur Fun Radio avec White Walls. On revient sur Fun Radio, on est là jusqu'à minuit. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France, on sera au Paris Games Week également. Je vous le rappelle, le Paris Games Week, ce sera le 29 octobre. Et on sera en direct, évidemment, dès 21h exceptionnellement du Paris Games Week. Donc si vous voulez vos places pour la soirée jeux vidéo de Psychopathe, et pour le même le salon complet, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas. Eh bien, il y a des places à choper au 01 42 48 5000. Et puis attention également, puisque vous allez pouvoir élire le jeu vidéo de l'année 2013. Ce sera donc également le 29 octobre. On donnera le trophée d'ailleurs. Hein. Donc vous pouvez voter sur le site de Fun, ouais. Funradio.fr dès maintenant. Et puis bonne nouvelle également, alors pour les Lorrains en l'occurrence, puisque bon, vous vous souvenez, il y a une semaine, je vous avais demandé dans quelle ville est-ce qu'on allait démarrer notre tour là de l'émission. On va faire l'émission en direct de Fun à Nancy. Voilà, on fera l'émission en direct de Nancy. Ce sera pas ce dimanche-ci évidemment, mais dimanche prochain. Voilà, 20h minuit, on sera en direct de Nancy. On aura l'occasion de vous mettre toutes les infos. Vous allez venir nombreux, en tout cas je l'espère. Prévenez vos potes, en plus c'est les vacances donc vous n'avez aucune excuse. On sera là avec des cadeaux, il n'y a pas de problème. Il y aura même les boss qui seront là, donc vous pouvez venir les agresser, hein. Vous les tapez, je vous mettrai une photo d'eux sur le Facebook, ouais. Comme ça vous viendrez, comme ça on aura la paix. Donc je compte venez sur avec vous des hein. Tomates. Voilà, Fun Radio à Nancy, on sera en direct de Nancy. Donc dimanche prochain 20h minuit. On écoute Macklemore maintenant sur Fun Radio. C'est White Walls, bienvenue. I wanna be free, I wanna just live. Macklemore à l'instant sur Fun avec White Walls, et vous êtes nombreux à vouloir qu'on remette encore une fois le canular là, ah ouais, avec cool. Ah mais il était tellement énorme. Pour ceux qui l'avaient pas écouté, tiens justement on va le remettre tout à l'heure. Et puis il y a une auditrice là, sa nouvelle copine de Polo là, il discute, elle est géniale, il discute, elle est belle. Est-ce que t'avais entendu le canular tout à l'heure, là, où on était en mode braqueur, tiens mets-toi devant, en mode agresseur, en mode agresseur avec fusil tout le bordel là. Ah d'accord, je suis ok. En plein milieu, donc, ah oui, donc t'as raté le début. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, on va le remettre encore une fois, parce que vous êtes nombreux, parce qu'on s'est bien marré, parce qu'on va encore une fois bien se marrer, ouais. De toute façon. Il y a Stéphanie qui dit ma soeur vous écoute pour la première fois, elle peut avoir un message de bienvenue, bien violent s'il te plaît. Ah. Elle s'appelle Mélanie alias Chichoun. Bon, déjà quand on a un pseudo pareil, hein, tu vas prendre cher toi. Alors, que je regarde le bon. Ah oh, je vais même te mettre l'entier, tiens. Écoute, ça me fait plaisir, préfère le Corse ou le Carolo? Ah, le Carolo. Le Carolo. Ah ouais. Bon d'accord, ok, très bien. Allez hop, c'est parti. Ta gueule, connard, ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère, c'est ta mère qui a un grand clitoris, toi. Elle t'a mis au mot, t'as un clitoris sur ton front, connard. Espèce d'enculé, t'es. Ah oui, voilà, bon accueil, bonjour, bon bien accueil. Entendu, évidemment. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Donc Jérém qui est avec nous, donc qui lui a été reporter pour Toff, puisqu'il s'est tapé une meuf et il a pris les mensurations qu'il a donné à Toff, que Toff a noté dans son petit carnet. Évidemment. Alors c'est dommage, on n'a pas le poids. On n'a pas le poids, c'est... Voilà, mais elle avait l'air plutôt bien, écoute, plutôt mince, plutôt moyenne, écoute, plutôt forte. Elle a, pour te donner une idée, déjà elle est blonde, aux yeux bleus. Bon, enfin tu peux être blond aux yeux bleus et moche, hein, mais... Elle a 49 ans, mais elle a le corps d'une femme de 25 ans, tu vois. 49, la peau, 49. C'est bon de la peau. Ouais, mais 49. Ouais, ça commence à être... C'est chaud, là. Ça commence à être limite périmée, quoi. Tu lui donnes pas 49 ans, hein, je te le dis. Franchement, elle est pas mal. Non, mais d'accord. En fait, c'est un peu comme une pomme avec une peau d'orange. Ouais, voilà. Ouais. Bon, écoute, pourquoi pas, hein. Et donc, tu l'as pécho, Jérém, ou pas? Bah écoute, moi je voulais la fille à la base et tout. Oui, bah oui, oui, forcément. Mais pas trop la mère. Puis, bah tu voulais le nouveau modèle et t'as eu l'ancien, l'ancienne version, quoi. Après, voilà. Après, la collection. La voiture de collection. J'ai pensé très fort à Toff et je me dis qu'est-ce que Toff aurait fait. Et c'est ça. Ah, non, t'as pensé très fort à Toff pour pas éjaculer trop vite. Oui, c'est ça. Mais je voulais pas le dire, ça. Tu peux. Tu sais, il est plus à ça près, hein. C'est limite le meilleur compliment qu'on lui ait fait ce soir, hein, Toff. Comment l'éjaculation. Oui. T'as rien écouté ce que je viens de dire. Et Toff, tu sais que t'as une base de fans là. Le mec pensait à toi avant de coucher mais avec oui, la exactement, fille. Mais c'est la folie totale. Non, faut pas exagérer non plus, je me fais pas passer pour un gay. Mais justement, pour pas éjaculer trop vite, tu penses à Toff. Ça peut être un meilleur plan, ça. Ça peut être un pur plan. Bah ouais. Je ne te dirai pas que j'essaierai à l'avenir. D'accord, très bien. Bon, et donc du coup, tu l'as pêché ou pas alors? Oui. Effectivement, hein. Oh là là. Vous êtes un animal. Oh, t'es un peu le modèle de Toff là. Mais grave, j'aurais bien voulu être à sa place. J'étais en voiture, tant pis. Ah bah oui. Écoute, j'ai porté du volet là. Et donc du coup, t'as appelé pour la différence d'âge, puisqu'en fait, t'as appelé une meuf de 49 alors que t'en as 21, c'est pas mal. Bah ouais, ça fait une expérience, toute expérience est bonne à prendre. Ah oui, non mais ça c'est sûr. Il y a Lilo qui dit aussi, perso j'ai 20 ans, mon copain 17, ça change rien du tout. Non mais d'accord, mais là c'est 3 ans de différence. Mais oui, 3 ans c'est pas exceptionnel non plus quand même. C'est énorme, elle a 30 ans de plus que moi carrément. Ouais, là 30 ans c'est quand même assez violent, effectivement. Ouais. Mais bon, écoute, après, si c'était une expérience, pourquoi pas, hein. Bah ouais. Pour ça, les gens qui doutent tout ça, n'ayez pas peur. Hein. Mais oui, il faut y aller, il faut oublier. Voilà. Continuez à avoir les conseils de Toff. Mais arrête. Merci Jérémy. Voilà. C'est clair. Parce que tout le temps on est en train de t'engueuler ou n'importe quoi, chier au téléphone. Non, voilà. Jamais. D'ailleurs, si on écoutait encore une fois l'appel au gros sein. Ah bah oui, allez, allons-y. T'as écouté ça ou pas, Jérém, quand on avait appelé pour voir si c'était quoi le thème d'ailleurs, j'ai oublié, c'est quoi le thème des gros seins? C'est Bledo, on leur demandait si c'était pas trop lourd à porter. Effectivement, oui. Donc tu l'avais entendu ou pas, Jérém? Non, je vais travailler à ce moment-là. Ah bah voilà, bah justement, c'est la séance de rattrapage aussi le dimanche. On vous met tous les morceaux où on s'est bien marré pendant la semaine. Et il y avait ce moment où Toff effectivement appelle pour voir si la femme de la personne qu'on appelle n'a pas de problème avec de problème de dos dû au poids des seins, évidemment. Donc on appelait, et d'ailleurs je tiens à vous rappeler d'ailleurs que si vous connaissez des gens qu'on peut appeler évidemment le soir, n'hésitez pas à donner le numéro de téléphone à Toff sur le mail de Toff, toph@radio.fr. Allez-y, je viens de reçu plein pour demain. Fr. Ah bah très bien, parfait. Alors on y va, c'est parti. Écoute bien, Jérém. Hein. J'écoute. Parfait. Allô. Oui, bonsoir monsieur. T'es fait enculer. Oui, voilà, en fait je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme avait des gros seins. Nique ta mère, enculé. Excusez-moi monsieur, mais c'est pas la réponse que j'attendais. Je m'en bats de pute. Mais monsieur, en fait je vous ai juste demandé si votre femme avait des gros seins. Qui la tienne, enculé? Elle a des gros seins, hein. Bâtard de pile. Excusez-moi. Je n'ai pas de femme, monsieur, mais c'est mon appel. Moi, je veux juste savoir si votre femme a des gros seins ou pas. Demande à la tienne. Mais je peux pas, puisque j'en ai pas. Je m'en bats les couilles. Okay. Oui, j'ai bien compris. Mais donc, votre femme, des gros seins ou pas? Ouais. Ah, voilà. Et donc, elle le vit bien ou pas? Parce qu'en fait, ça va. Je voulais savoir si c'était difficile pour le dos, tout ça, au quotidien. Bah, écoutez, appelez-la, puis vous verrez bien. D'accord. Bah, donnez-moi son numéro, je l'appelle. Tu peux aller te faire enculer, mon gars. Ah oui, mais il faut savoir, monsieur, vous me dites de l'appeler et puis vous me dites d'aller me faire enculer. Je ferme ta gueule. sympa, Jérém, quand même, hein. Bah ouais, mais il faut souligner une chose, c'est que dans toutes les conversations téléphoniques que Toff fait, il n'est jamais vulgaire. Merci. Toujours juste. Mais les gens, oui, d'ailleurs, on avait rappelé le gars, d'ailleurs, hein, directement après, on l'avait rappelé. Et vous allez voir qu'il va encore prendre cher. Qu'est-ce que tu veux? Bah rien, vous avez pas répondu à ma question monsieur, alors je suis bien obligé de vous rappeler. Et c'était quoi ta question? Bah c'était de savoir si votre femme avait des gros seins. Je t'ai déjà dit oui, enculé. D'accord, et donc est-ce qu'elle vit bien au quotidien le fait d'avoir des gros seins? Oui. Maintenant tu me laisses tranquille, tête de mort. Tête de mort, c'est surtout la fin qui était quand même très intéressante parce que le mec il a quand même été vachement agressif pour terminer par... tête de mort, et ça, c'est quand même beau, je trouve. Hein. C'est... Non, c'était. Ouais. Non, ouais, mais c'est ça, mais voilà, c'est ça, c'était bien. Sinon, on avait eu également le beau-père. Hein. Genre, le connard qui sait, avec la paire de couilles que j'ai, je vais te la poser sur le front, au PD que tu es. Voilà, c'est ça. Et donc, ouais, bah, l'entièreté, c'était ça. Hein. Ça te plaît, cochon que tu es. Enculé, écoute-moi bien, petit enculé. Si j'ai le bonheur de te retrouver, je vais te défoncer ta gueule. Je vais te raser la tête et je vais te crever les yeux. Au baltringue, au baltringue que tu es. Voilà, donc ça, c'est quand Toff avait appelé aussi, donc il s'était fait. Alors, à côté de ça, au final. Bâtard de pin. Quelle violence. Bon, tu vois, finalement, c'est limite un compliment. C'est un plaisantin. Hein. Ah, mais voilà, c'est ça, c'est ta limite. Grand-mère, c'est des nains. De quoi? Ta grand-mère, c'est des nains. Ah oui, ouais, attends, mais celui-là, parce que j'en ai plein. Et j'ai toute une collection. Hein. Au début, j'en avais gardé quelques-uns en me disant, bon, comme ça, au moins, c'est bien, j'en ai deux, trois. C'est-à-dire que là, j'en ai tellement, je sais même plus où ils sont. Attends. Elle est où la grand-mère suisse des nains? Je l'ai plus. Ah si, je l'ai encore, mais je veux dire. Ah si, elle est là. Voilà. Votre grand-mère est suisse des nains. Voilà, c'était très bien aussi. Il y a Morgane88S qui dit aussi, j'ai 25 ans et le père de ma fille en a 38. Ah quand même. Il y a Ted qui dit, moi, j'ai 8 jours d'écart avec ma copine. Ah ouais, putain, la différence d'âge, c'est chaud là. Ah non, mais 8 jours, c'est chaud quand c'est même. C'est trop. Ah ouais, moi, je pense qu'il faut pas continuer. Ah non, c'est pas clair. La même génération. Ah bah, c'est clairement pas. Il y a rien de en commun, quoi. Et il y a Mickaël qui dit vivement dimanche prochain pour le live depuis Nancy, ça va être chaud. Allez, je vous souhaite une très bonne émission. Merci Mickaël. Ouais, dimanche prochain, on sera en direct de Nancy. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas, je vous mettrai toutes les infos sur le Facebook. On fera l'émission en direct de Nancy et on sera dans l'après-midi sur la place Stan. La place Stan, ouais. Exactement. Donc voilà, venez nombreuses, évidemment, n'hésitez pas. Et Toff fera en direct. Il mesurera les filles en direct. Et il viendra avec une balance. Je viendrai avec ma balance. Et la balance, c'est. Et le maître ruban afin de faire le tour de tout ce qu'il faut. Alors venez ici. Oui, venez ici. Regarde, comme ça vous mesurez combien. Voilà. Faites-moi voir. Et il y a Justine qui dit reporter de Toff, c'est un nouveau métier, bah pourquoi pas. Et puis Faust. Attends, c'est quoi? C'est Faustine qui dit aussi. Oui, c'est exclusif pour Marseille, mais on en veut un peu partout. Hein. Et Faustine qui dit j'attends toujours mon message de bienvenue. Mais on va te le mettre le message de bienvenue. Là. Tiens, hop. On va t'archer ta meuf, là. On cule ta meuf, mais lâche-moi les couilles là. Et ben voilà, toute cette poésie dans un seul et même message, c'était beau. Bon, Jérém, puisque t'es là, on va faire la réponse à la colle. Là, on est très en retard, je suis désolé, c'est ma faute. Alors. Non, vas-y. Ouais, c'est vrai, c'est pas ma faute, tu as raison, Jérém, je te remercie. Fred, on y va? Oui. Je rappelle qu'il y a une PlayStation 3 à gagner. Si quelqu'un trouve la réponse à la colle et la donne en direct à l'antenne, c'est lui qui gagne. Si personne ne la trouve ou la personne qu'on appelle ne décroche pas, c'est toi qui gagne. Fred, on y va, on appelle, c'est parti, bonne chance. Bah, je te souhaite que ça ne décroche pas. Hein. On va voir. Allô. Allô. Oui. Bonjour, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ma foi plutôt pas mal, tu t'appelles comment, tu as quel âge? J'ai Amélie, j'ai 22 ans. Amélie, 22 et ans, très bien. Combien mesures-tu, Amélie? Putain, attends, on s'en fout, c'était pas le concept. Attends, si, on m'a volé mon stylo. Oh là là, c'est important, c'est le stylo. Et on perd du temps, c'est le stylo magique. Alors, Amélie, combien mesures-tu? 1m69. Combien pèses-tu? 57 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90B. Waouh! Et la taille d'un pantalon? C'est C ou B, alors faut savoir maintenant. C'est. Elle a pris un peu récemment. Voilà, c'est ça. Et la taille d'un pantalon que tu as acheté? 38. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Bonne. Spécial. Elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est. Qu'elle est. Bon, alors du coup maintenant, hormis effectivement que tu aies passé le détecteur avec Toff, ouais. Amélie, est-ce que tu as la réponse à la colle de Fred? Fred, on t'écoute. Oui. Attends. Fred, vas-y, on t'écoute. J'attends. Oui. Pourquoi Mickaël ouvre la porte? Parce que Jackson. Voilà. Donc c'était sérieux, Fred? Ouais. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ouais, c'était tout simple. Non. Qu'il soit massacré. Qu'est-ce que je t'avais dit? Coup de pelle. Le coup de pelle. Voilà. Encore un autre. Voilà. Merci bien. Je pense que c'est la plus mauvaise colle depuis le début de l'émission. Ah ouais, c'est la pire de toutes. Mon Dieu, quoi. Écoute, lance-flamme. Elle était pour moi, celle-là. C'est pour bah ça. Oui, bah là, ouais. Il soit achevé. Ouais, attends, Toff, lève une jambe. Et voilà. Parfait. Ah, elle était belle, celle-là. Ah bah ouais, je te confirme. Bon, et ben bravo Amélie, la PlayStation 3 elle est pour toi avec les jeux, je me suis gouré sur le Facebook hein, donc si t'as vu, désolé, avec Beyond Two Souls and The Last of Us. D'accord. Voilà, okay. À moins que tu préfères une Wii U ou une Xbox. Oh non, la PS3 c'est très bien. D'accord, ouais. Ok, très bien. Oui, vous faites vos courses, hein, vous emmerdez pas, y a pas de problème. Ah, bon, mais d'ailleurs... j'aimerais bien aussi l'iPhone, hein. Ouais, bah c'est vrai, moi j'aimerais une Porsche, tu vois, donc. Pourtant je l'ai pas, tu vois. Tant pis. Bah oui, écoute, il y a l'autre. Oui, bah écoute, je vais prendre bah, la PS3, tu mettras l'iPhone. Et puis j'ai un besoin d'un frigo aussi. Et puis bah vous mettrez le gros volant. Voilà, c'est, voilà ça. C'est ça. Bah très bien. Bon, bah gros bisous, Amélie. Gros bisous, salut. Je t'embrasse, à bientôt, Amélie, reste avec nous. Et puis bah Fred, tu retournes chez ta mère, les mains vides, hein. Ouais, bah en tout cas, je vous écoute tous les soirs. Et puis voilà quoi. C'est un beau cadeau qu'on te fait tous les c'est soirs. C'est gentil, merci à toi. Voilà, bah je trouve l'émission que c'est l'éclate quoi. Tous les soirs je m'éclate. Eh bah c'est, voilà. Bah c'est gentil. Tu veux un message merci de bienvenue d'avoir... Fred. Merci de m'avoir fait participer. Bah avec plaisir. Tu veux un message de bonne bienvenue. Voilà, ouais, je veux bien, ouais. Allez. T'encule, toi ta mère, ta grand-mère. Voilà. Voilà, allez, bonne soirée à vous. Quand tu veux, bonne continuation. Oh, ouais, merci. Nous avons perdu un auditeur. Salut Fred, à bientôt, merci beaucoup, ciao à toi. Jérém. Ouais, c'est moi. Encore un truc à ajouter, le reporter. Oui, je voudrais demander quelque chose à Tof. Ah, dis-moi, Jérémy. Alors. Je voudrais deux choses, en fait. Ah, tu veux deux choses. Espèce d'enculé. Voilà, bah, vas-y. Eh ouais, c'est moi, enfoiré. Bah, va te faire enculer, connard. Je voudrais qu'il me prête son scoot pour aller mais voir. Mais bien sûr, viens, on va faire un tour. Ah ouais, mais est-ce que t'as ton casque? Oui, je l'ai toujours. Bon, allez, c'est parti. Voilà, c'est ça. Allô, je voudrais. Je voudrais que. J'adore. Pour la première fois de sa vie, qu'il me fasse. L'amour. Reporter, Jérém. Je suis ton père. De quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien compris. Dark Vador. Je veux qu'il me fasse Dark Vador avec moi. Je suis que ton père. Que c'est mon père. Allez, vas-y. Ah, ils ont buté les deux. Attendez, vous voulez que je vous mette en condition? Allez, mets-nous en condition. Ah, attendez, parce qu'il faut que j'aille chercher. Faut que j'aille chercher le son chez. Dans le morning. Alors, attendez, c'est bon. Ah, c'est long. On est là, on est bien. On est tranquille, la machine est complètement bloquée, top, donc on est parfait. Là, c'est complètement bloqué. Hein. Mais complètement, dire que... Bon, t'es sûr que tu veux qu'on se mette en condition ou... Bah, écoute, j'ai envie de dire que là, je pense que c'est un peu mort, hein, mais... Bah, c'est pas grave. Non, mais c'est dommage, parce que là, ça partait d'un bon sentiment. Mais le problème, c'est que là, je n'ai plus de son du tout. Hein. Donc j'espère que... Oh, s'emballe pas. Oh là là, l'autre s'est emballé, là. Il est complètement fou, lui. Bon, alors, attendez. Oh, putain. Là, j'ai repoussé sur le même bouton, donc il faut attendre que ça recharge. Oh, quelle angoisse cette machine. Attends. Tout est planté quoi. Oh, quelle est bête. Là, complètement, tout est complètement planté là. Le seul truc qui marche, c'est ça. Allô. Ils ont buté les deux. Non, putain. Ils ont buté les deux. Voilà, bon, alors, vous vouliez donc une petite musique, attention. Dans une galaxie loin, très loin, encore plus loin, Anne de rue Bayard. Oh. Un homme horrible, laid. Décide d'affronter le bien. Cet homme, le mal incarné, la saloperie, la pourriture. Il a pour nom Tof. Armé de son stylo et de son petit carnet, il note toutes les mensurations de toutes les femmes de l'univers. Il a jeté son dévolu sur cette petite planète ridicule qu'on appelle la Terre. Il est là, ce soir, dans les studios de Fun Radio. Pour une révélation. Jérémy. Oui. Je suis ton père. Non. Allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Oh mon dieu. Ah là, on était pas mal. Actor Studio quand ah tu ouais. Merci. Ah là on était pas mal. Oh, eh ben, merci beaucoup Jérémy. Tu reviens quand tu veux. Ah ben ouais, mais par contre, je veux bien un pack hein, pour les prochaines. Hein, ouais, on va t'envoyer un pack avec un maillot du PSG. Ouais, non. Bon, non, on va te filer un pack fun, tu vas gérer ça avec Sandro Standard, d'accord? Ça va, merci. Puis bon, avec plaisir. Merci à toi, à bientôt. Hein. Et Mathieu, s'il m'entend, c'est un... Non, j'irai pas. Très bien, le message est passé, il n'y a pas de problème. Pas de vulgarité sur notre antenne. Salut Jérém. Au revoir. Salut Jérém, ciao. Et puis on aura aussi Adrien avec nous, et Marco, bonsoir tous les deux. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Bon, bah vous restez avec nous deux secondes encore, on va revenir avec vous là. Oui, tranquillote. Ouais. Qu'est-ce que ça dit Marco? On est là. Ouais, tranquillote, on est là. Tranquillote, d'accord, ok Marco, pas de problème. Et puis on a aussi Clément qui est avec nous en direct du Maroc. Ça va Clément, tranquille la ville? Ouais. Hein, ça va, toute l'équipe. Tu t'es mis bien là? Ah ouais, bien, bien. Au frais de fun en plus, parce qu'on t'appelle au Maroc, j'imagine, bien sûr. C'est ça. Ah ouais, bah voilà, t'es, ah, t'es en vacances ou, t'es, ou t'habites là-bas? Non, non, j'habite là-bas depuis 8 ans déjà. Ah d'accord, ok. Et donc fun te manquait, donc tu t'es dit, bah plutôt que d'écouter fun par internet gratos, bah je vais les faire raquer quoi. Bah ouais, tant qu'à faire. C'est ça. Autant faire raison, ils sont blindés. Bon, bah Clément, et bah, t'es là juste comme ça pour écouter et participer ou t'as un truc en particulier à dire? Bah non, j'aimerais des petits conseils pour retrouver le. Le, comment on appelle ça, les clés, tes clés, la confiance. D'accord, ah. Ok, bon bah écoute Clément, puisque t'es là, bouge pas de là, on va se mettre aussi le son de Lady Gaga dans quelques instants avec Applause. Ça te va Adriane? Oui, oui, super. Oui, oui, très bien, parfait. De Rully dans le 71, on va te prendre dans quelques minutes. Enfin, te prendre à l'antenne, bien sûr, Adriane. Ne bouge pas de là, on revient avec toi, avec vous toutes et vous tous, en direct sur Fun Radio. On est là jusqu'à minuit, avec les places pour le parc Astérix encore à choper hein, sur le Facebook. Le Canon Les Grillas également à choper avant minuit sur le Facebook également. Facebook.com/Mickaël officiel. Restez bien sur Fun. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, limite. Allez vous faire foutre, il fait des têtes de con. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, et le Starflan hein, qui arrive effectivement à grands pas. Ouais, bon, on pour l'instant, on n'est pas encore invité, mais bon, j'espère qu'on aura des places. Et puis, si vous en gagnez, bah, grattez-en un peu pour nous. Ouais. Si au passage, on sait jamais. Bon, en tout cas, il est 23h12 sur Fun Radio. On est là jusqu'à minuit. Dites-nous si vous voulez qu'on réécoute encore le canular qu'on vous a émis tout à l'heure. Gros, gros, gros, très, très lourd quand on a fait l'espèce de cambriolage, meurtre, braquage, enfin, tout le bordel, quoi. Donc, si vous voulez qu'on vous le remette, avec grand plaisir, on vous le remettra tout à l'heure sur Fun Radio. On va récupérer aussi dans quelques instants Adriane, Marco qui voulait parler des différences. Il y a également Clément là en direct du Maroc. Et puis bah, plein de messages qui arrivent aussi. Twitter, Facebook, bien entendu, vous balancez tous vos messages dès maintenant. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Twitter évidemment, vous me faites un follow et moi aussi je vous follow avec plaisir. Donc vous tapez simplement MIKAEL underscore, c'est la petite barre en bas. Donc MIKAEL underscore officiel. Et puis si vous me faites un follow, et ben moi aussi je vous follow avec grand plaisir. On va s'écouter le son de Lady Gaga maintenant avec Applause sur Fun Radio. D'ailleurs, si vous voulez gagner la rencontre avec Lady Gaga en Allemagne, écoutez Bruno dans la radio tous les matins sur Fun Radio à partir de 6h. On écoute Applause maintenant sur Fun. Lady Gaga à l'instant sur Fun Radio avec plein de messages qui arrivent encore en direct évidemment. Il y a Pélo 6900 qui dit aussi Mika, tu peux dire à Sandro que je l'aime, j'aimerais bien lui payer un kebab. Elle peut pas être au régime. Elle mérite mieux, Sandra mérite mieux. Si. Elle est au régime. Allez. Mais le problème c'est qu'il y a l'auditeur, il lui a ramené deux tonnes de bonbons là. Donc, vous pouvez pas lui ramener des sushis ou des bananes. Merci beaucoup pour les bonbons d'ailleurs, c'est très mignon. Bah oui tiens, mais merci mon régime. Mais Greg, si les assiettes grecques j'ai le droit, il y a de la viande, c'est des protéines, des légumes. Bah non mais c'est de la viande. Oui c'est de la viande avec des légumes. En fait, ah, t'as droit à quoi? Là, c'est que protéines. Ah bah très bien, bah, c'est pas gagné quoi. Avec les bonbons, c'est pas gagné. Et Christopher Kilimika, un coup de pelle pour moi, s'il te plaît. Bah bien sûr. Et un petit ah, ils ont buté les deux, s'il te plaît. T'es le meilleur, continue. Bah merci beaucoup, c'est gentil. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Et Lilo qui dit mais qu'ils sont bêtes. Il y a Mickaël qui dit le bordel chez Fun Radio avec Mickaël ce soir. Et Stéphanini qui dit le mec qui veut que Toff lui fasse je suis ton père, il a fumé quoi? Ah bah je sais pas, mais il a été bonne. Je vais te crever les yeux au baltringue que tu es Mickaël, c'est énorme. C'est Léa qui avait envoyé le message. Et puis bah vous l'aviez demandé, on va se le remettre maintenant. La rediff donc du canular qu'on avait fait jeudi, qui était juste énormissime pour ceux qui l'ont pas entendu. Vous avez été nombreux à le remettre et franchement même moi je suis content parce qu'on l'a fait, on l'a déjà écouté encore une fois, on le remet encore une fois maintenant, mais à chaque fois on est mort de rire. Bonsoir, c'était Fred. Un canular à mon ami parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, voilà. Bon, c'est 20 ans, on a envie de... Ah c'est pour fêter ses 20 ans. Un petit coup, ouais. D'accord. Pour lui faire un petit coup de pipe, ouais. Bon bah très bien, un coup de flip ou un coup de pipe. Ouais. Les deux si tu veux. Ah d'accord, ok. Non mais très bien. Bon écoute, on va l'appeler, mais tu est-ce que t'as une idée, un truc en particulier? Je voudrais peut-être faire une fusillade, une soirée en fait, un ami à moi qui aurait, tiré sur quelqu'un et je l'appelle paniqué et je demande ses conseils et du coup bah je le mets dans le coup parce que je l'ai appelé et du coup il se retrouve aussi dans la merde et voilà et tout en enchaînement de choses ça peut être vraiment pas mal. D'accord. Bon écoute, on va essayer. Alors soirée, donc lui donc toi t'habites à Nantes et lui il habite où? À Paris. À Paris, d'accord, ok, voilà. Très bien. D'accord. Bon, on y va, Jeff, on l'appelle, comment il s'appelle lui? Jawed.

Hey, Toto ou pas, Jeff? Hey, gros. Attends, attends, attends, mec, attends. Oh putain, c'est qui, là? Vas-y, va ouvrir, vas-y, va ouvrir. C'est qui? Bonjour. Ouais, salut. Ça va, ouais, bah... C'est bonjour, qui, là? C'est qui? Ouais, c'est Robert. C'est qui? Qu'est-ce que tu... Je sais pas, c'est Robert. Ouais, c'est Robert. Vous êtes qui? Pourquoi chez mon pote, là? Rien, mais c'est qui lui? Vous êtes chez mon pote? Bah il est parti, c'est il est parti chercher un verre, il est parti chercher à boire là, en bas au magasin là. C'est quoi? Pourquoi ces chaussures là? Non mais il est parti avec des autres chaussures là. Eh hey, les gars. Il est parti avec des autres chaussures. Mais voilà, putain. Jawad, Jawad, tu es dans la merde, Jawad, tu es dans la merde, Jawad, tu es dans la merde, Jawad, tu es dans la merde, Jawad, tu es dans la merde, Jawad, tu es dans la merde, Jawad, tu es dans la merde, Jawad, tu es dans la merde, Jawad, tu es dans la merde, Jawad, tu es dans la merde, Jawad, tu es dans la merde, Jawad, tu es dans la merde, c'est le mec au téléphone. C'est pas moi, hein. Moi je suis pas coupable, il est avec la police là. Monsieur l'agent, on passe lui. Allô. Il y a un mec qui est rentré. C'est pas lui, c'est pas moi, c'est lui qui l'a dans la merde, mec, il va boucaf, je suis dans la merde. Oh, je suis désolé, c'était bizarre, gros, la vidéo était bizarre. Ah, il l'a buté, Il va appeler la police, ouais. Mais oui, mais c'est pour ça, tu refermes ta gueule, espèce de gros con, là, de bourré de merde. Pourquoi t'as ouvert la porte? T'es con, mais c'est toi qui as ouvert la porte, espèce pourquoi de bolos. Pourquoi t'as ouvert la porte? Ouais, gros, c'est bizarre que t'es complètement con ou quoi? Ouais, c'est pas moi, je te rappelle. Dis-le, monsieur l'agent, c'est pas moi au téléphone. C'est pas moi qui ai tiré. Putain, Bachon, c'est mon pote. C'est juste mon pote. C'est juste mon pote, mon gars. Ta gueule. Sinon je vais chez le voisin, je lui tire aussi dessus. Mais t'es con ou quoi? Mais t'as déjà un mort sur les bras, un mort sur la conscience, mais non, tu vas en tirer un deuxième, espèce de bolos. Mais on va aller appeler les flics. Et alors putain, on t'a assumé les flics quand tu as un autre, bah t'sais quoi, vas-y, t'as buté mon... Au moins on t'aurait dit, t'aurais une raison d'avoir tué l'autre. Attends, j'y vais. Mais malade, mais putain de malade. Mais attends, mais c'est un putain t'arrête, ouais, tu es avec un putain t'arrête, vas-y, je me casse mon gars. Je me casse. Gros, il a pris quoi, il s'est barré mon pote, il a perdu. Bah c'est bave. Eh gros, c'est flic, il a repris le flingue avec ses mains, c'est bave, gros, c'est pas mais un... Mais oui, il avait t'avais les mêmes. Gros, même si t'as des empreintes, tu t'expliques. De toute façon, t'es gros. Oh, même si elle a tes empreintes, t'expliques, tu dis quoi? Tu lui dis écoutez, tu dis à un moment putain, il a tiré, mon gars, je sais pas, je me suis caché, putain, je suis parti me cacher dans une autre pièce, putain. Oh, hey, mec, Jeff, casse-toi. T'es où, Jeff? Casse-toi, gros. Jeff! Casse-toi, gros. T'es où? Hey, casse-toi, ma gueule. Jeff! Hey, gros, putain, je suis caché, casse-toi. Hey, t'as intérêt à te montrer! Oh! T'as intérêt à te montrer là! C'est quelqu'un, ma gueule. Pourquoi tu t'es caché sous la table? Mais t'as pas le train, moi! Ah putain, mais parce que t'as un flingue dans les mains! Mais pointe pas ça pour moi! Pointe pas ça pour moi! J'ai rien dans les mains là! Arrête de mentir, ok, tu faisais du bruit! J'ai rien dans les mains, t'es fou! Arrête de mentir, t'as quoi dans les mains? Vas-y, t'as quoi? J'ai rien dans les mains là! Mais arrête de te foutre ma gueule, je vois une ombre! Lâche que t'as dans la main! Mais putain, je vais mourir! Bon, c'est toujours monsieur l'agent au téléphone. Dis-lui, j'ai ses avis au téléphone, là, j'ai tout enregistré. Dis-lui que moi j'y suis pour rien. Il a tout enregistré, mon gars. T'es dans la merde. Michel, t'es dans la merde, il a tout enregistré. Il a tout enregistré. Il a tout enregistré. Il a tout enregistré. Mais vas-y, casse-toi, je m'en fous, t'as les deux mains sur les mains. Mon gars, je vais te retrouver, je te bute. Bah vas-y, essaye pour voir. Ouais, bah j'en ai rien à foutre. Je vais essayer de sortir mon gars, je vais essayer de le mener, je vais essayer de le choper. Mais il a vraiment tué quelqu'un. Mais j'ai pas le choix là, mon gars, il va attendre que je sorte, il va me buter, il a dit qu'il était parti, mais c'est du mytho. Ouais, je vois que tes histoires sont bizarres là, gros. Attends, deux secondes. Je crois qu'il y a personne là pour l'instant. Ah tiens, j'ai pas entendu la porte claquer. Moi je dis c'est bizarre qu'on m'invente pas des villes hein. Mais putain je t'invente une vie mon gars, t'as tout entendu de ce qui s'était passé, ça marche mon gars. Ouais mais gros peut-être que là tu me tires peur. Oh putain. Non. Ouvre la porte. Non, j'ouvrirai pas la porte. Ouvre la porte. Non, j'ouvrirai pas la porte. Ouvre, non, j'ouvrirai pas la porte. Ta gueule, j'ouvrirai pas la porte. j'ouvrirai jamais la porte. Mais putain, mec, je fais quoi là? Je peux pas sortir par la fenêtre. T'es où là? Mais là, je suis dans la dos. Mais non, je suis au quatrième étage, mon gars, je peux rien faire, je suis coincé, il est juste derrière. Ta gueule, putain. Ouais, passe par la fenêtre, wesh. Mais mec, la fenêtre, quatrième étage, je vais pas sortir. Mais t'es un fou. Mais non, mais passe par la fenêtre, genre pas essayer d'aller dans les voisins. Je sais pas quoi faire, mon gars. Appelle les Schmitt. Mec, tu fais quoi? Eh gros, si tu fais quoi là? Eh gros, là, tu fais quoi? Appelle les rejetats, gros. Te fais pas chier. Ouvre la porte. Il m'a touché le bâtard. Jeff. Il a tiré à travers la toile. Jeff. Allô. Ouais, Jeff. Il fait son cinéma, il a rien là. Hey Jeff. Jeff. Hey Jawad. Oh merde. Hey, il est con. Pourquoi t'as fait le mort? Il est con lui, il va appeler les flics. Vous êtes des il va appeler les flics. Jeff, attends, rappelle. Allô. Hey, t'es trop fort, Jeff. Mais oui, qu'il est con, il fait le mort. Lui. Attends, Tof hurle. 07. Merde. Oh putain. Merde. Mais je t'en putain, sérieux. De toute façon, je m'en fous, c'est Tof qui a tiré. Ouais, c'est Tof. Bah, tout le monde est. Attends, vas-y, je commence. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Il a buté connard les deux. Connard. Mais non, t'es déjà mort, Tof, c'est espèce de mort. Ouais. Alors, hey, Jawad. Jawad, bon anniversaire. Jawad, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Eh ben voilà, c'était le canard qu'on avait eu l'occasion de faire jeudi. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on s'est marré. Mais c'est-à-dire qu'en le faisant, on a rigolé. En le réécoutant tout à l'heure, on a rigolé. Et encore en le remettant là maintenant, on s'est encore pissé dessus. Et à Prague, c'était on se racontait le sketch et on en rigolait. Non mais c'est un truc de dingue. Allô. Quel talent d'acteur, quel homme. Oh putain, un truc de dingue, de psycho. Il y a Fabienne qui dit vos histoires, elles sont bizarres, bah tu m'étonnes. Maxime qui limite le canular sur YouTube, s'il vous plaît. Trop excellent, bravo les acteurs. Bah écoute, je t'en remercie. En tout cas, l'auditeur était très bon aussi, il fallait le souligner. Parce que Fred, bravo à toi, et mec. Tof aussi. Ah oui, bien sûr. Et Stéphanie qui dit Polo a oublié son pipeau ce soir. Non, je l'ai. Non, pas du tout. Est-ce que tu en fais un petit coup de pipeau à Cécile, l'éditrice qui passe le voir? Bien sûr, je vais lui jouer ça de toute la nuit. Je vais jouer du pipeau. Je sors le pipeau de laitue, on y va. Sors le pipeau de laitue, attention. Attention, prêt? Allez, 3, 4. Il est prêt. Quel talent. Ouais, quel il talent, a du mal à quel se talent. Lancer parce qu'il était un peu ému, quoi. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, le souffle est resté coupé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme message aussi? Il y a Mickaël qui dit, si vous cherchez des mecs ravagés qui vous tiennent éveillés jusqu'à minuit, c'est sur Fun Radio. Avec Mickaël, trop bon, changez rien. Ouais, bah ça c'est le dimanche où on vous tient réveillé jusqu'à minuit. Hein, mais la semaine, c'est jusqu'à 2h. Et puis Stéphanie qui dit, ma soeur vous écoute pour la première fois, elle peut avoir un message. Ah oui, je l'ai déjà lu tout à l'heure. Et puis message aussi qui est arrivé de Camille qui dit, Mickaël, t'es le meilleur et t'es super beau. Monsieur, je te remercie. Mais aussi ma best Valentine et le crack. Merci les filles, gros bisous. Et Hugo qui dit un petit message de bienvenue pour moi les gars. Oui Hugo, avec plaisir. Allez, attends, je t'en mets au hasard, attends. Au hasard, là. Espèce d'enculé. Oh, il était pas mal. Bon, on va s'écouter aussi le nouveau son de Avicii maintenant sur Fun Radio avec Hey Brother. Et juste après, promis, on récupère Marco, on récupère Adrien, on aura le gagnant du Canon, les Grigas également. Le gagnant pour le Paris Games Week qui va venir avec nous le 29 octobre au Paris Games Week. Et puis, il y en a aussi 4 qui vont aller se marrer. Direction le Parc Astérix. Allez, tout ça, c'est après Avicii. Il se passe encore des choses avant minuit sur Fun Radio. Avicii, le nouveau maintenant. Hey Brother. Sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde avec Fun. Hey brother. C'est Fun Radio avec l'excellent son de Avicii, DJ Fun Radio bien sûr avec Hey Brother sur Fun. Allez hop, et pourquoi il n'est pas parti le jingle? Ah. Allez vous faire foutre, j'ai fait des têtes de con. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, en direct sur Fun Radio, et puis on va appeler maintenant le gagnant là pour la caméra numérique. Allez, c'est parti, celui ou celle qui va décrocher dans quelques secondes, et bien repartira avec la caméra numérique. On va aussi filer des places pour le parc Astérix et le parc Astérix, on va faire ça maintenant. Allez, c'est parti. Ah, on va filer des places pour... voilà. Allô. Allez. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Lynn. Lynn, bonjour Lynn, comment ça va Lynn? Ça va très bien, et toi Mickaël? Qui c'est que cet accent Lynn? Comment? Ça vient d'où cet accent? Arras de Pas-de-Calais. Non, si. Je croyais que c'était plutôt marseillais moi. Eh oui, ah. Je croyais que c'était plutôt marseillais. c'est attends, les filles. Attends, hey, tu peux dire ferme ta gueule gros bâtard. Ferme ta gueule gros bâtard. Ouais, ferme ta gueule gros bâtard. Ah ouais, effectivement, il y a eu une association là, effectivement. Bon, Lynn, t'as quel âge, dis-moi? 21 ans, très bien. Bon, alors Lynn, on va te filer des places pour le parc Astérix. Ouais, attends, on va voir si elle peut d'abord. Lynn, combien mesures-tu? Ah non, mais elle peut pas, il y a des choses. Il ouais, y a des limites. Ouais, bah oui. Alors 1m77, ça va. Je fais 67 kilos. Waouh. Je fais un... Attendez, parce que j'ai des amis qui sont en train de faire les cons à côté de moi. Ouais. C'est normal. Donc ton tour de poitrine. Attends, voilà. Je me prépare. Alors, là. Alors, ferme ta gueule, gros bâtard. D'accord. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. Mais ton tour de poitrine dans tout ça. Je suis à 90B, madame, oh le pantalon que j'ai acheté, c'est un 40. Wow. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Bonne, dédicace. Yo, bonne, non, c'est pas une chèvre. Oh là là, c'est Joey Star. Ferme ta gueule, gros bâtard. Bon, eh bah, du coup, Lynn. Oui. Bon, bah, on va se filer tes 4 places pour aller au parc Astérix. Ouais. Oh, peur yes sur le parc. Tu vas avoir peur, Lynn. Et en plus, cette offre qui sera dans des attractions, alors fais attention. Oui. Hein. Je serai caché derrière. Mais oui, merci. Bon ben gros bisous. Très bien, tu vas suivre le monsieur habillé en blanc, hein. Il est très gentil, tu vas voir. Bon Lynn, je t'en prie, gros bisous, tu restes au standard, on prend tes coordonnées, à bientôt. Ouais, merci, bisous, salut. Salut, ciao. Bon ben retour avec je lui raccroche au nid, donc la gagnante. Ah, bravo. A rompu le bouton. L'autre elle a dit, comme ça, radio, avec le monde enculé, ils m'ont raccroché au nez, ces connards. Bon, Adrienne, de retour, Adrienne. Salut tout le monde. Hey, salut Adrienne, 21 ans Adrienne, t'appelles de Saône-et-Loire, toi, c'est ça? C'est ça. Bon, très bien. Alors, Adrienne, tu nous appelles pourquoi? C'est pour l'histoire du décardage. Décardage. Ah, de l'écardage, d'accord, ok, ouais, très bien. Je crois que c'est un nouvel instrument de torture. Pour l'histoire d'écardage, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, dis donc, effectivement. Tu es toujours avec lui? Non. Ah, parfait. Combien mesures-tu? Oh, putain. Mais, très bien. Quelle est ta taille? Ma taille, 1m58. Combien pèses-tu? Oui, très bien. 57 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Ça, par contre, j'en sais rien du tout. Ah, oh, pop. À peu près. On va pas d'autres, à d'autres. J'en sais rien, moi. Bon, c'est gros, c'est petit, c'est énorme. C'est au moyen, on va dire. T'achètes pas toute la gorge. Si, mais je m'amuse pas à regarder les tailles en fait. D'accord. Après, c'est le premier qui arrive, tu vois. Parfois c'est du E, parfois c'est du A. Du D. Le principal c'est que ça rentre. Hein. Du double D. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. Et la taille du dernier pantalon. Gros bâtard. Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté? 38. Ouais, ça passe. Ah, mais ça, je peux pas mettre la musique. On a pas toutes les infos, malheureusement. On ne peut pas. Bon, Adrien, c'est quoi la différence d'âge, toi? L'autre qui réclame. Le plus vieux, c'est... Mais en fait, c'est pas vraiment pour moi. Pour moi, le plus vieux, on avait 8 ans de différence. Ouais, c'est pas grand fou. Bah, 8, ouais, 8 ans, non, ça va. Ouais, non, c'est pas énorme. Sauf si c'est 20 et 12, là, c'est énorme. Non, mais oui, à ce moment-là, c'est. Je disais, c'est pas vraiment pour moi, en fait. C'est en fait. Oui, on a compris. Ma marraine. Oui, c'est on a compris. Marraine, ta marraine, ouais. C'est ça. Ouais. Oui. Ma marraine, avec son mari, ils ont 26 ans d'écart. Oh, en fait. Ah oui, quand même. Bien. Oh la violence. 26 ans. Oh la violence. Ouais. Oh putain. Ah oui, c'est chaud là, 26 ans. Mais c'est qui le vieux? C'est qui le vieux? C'est elle ou lui? C'est lui. Bon, bah c'est mieux pour elle, hein. Ouais. Bah oui. Quel âge ils ont? Non, on s'en fout. Il est blindé? Moi, j'en sais rien, moi. Ah bah, je sais pas, je demande. Non, bah, parce que, tu sais, il y a un moment, si tu veux, avec une telle différence d'âge, on peut se poser des questions. Ils ont réussi à avoir un enfant ensemble, donc je pense que oui, quand même. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais c'est bien, hein, c'est bien. Et écoute, s'ils sont heureux, j'ai envie de dire, tant mieux, hein. Il a quel âge, lui? 78, là. Ah oui. Ah oui, quand même, c'est... Mais... Il s'est mis bien. Ah ouais. Ah bah lui il s'est mis bien avec une petite gelette, tout ça, il est pas mal lui, hein. Il doit être bien pépère. Ah bah, oh. Il doit être pas mal. Ça va lui, il est cool le polo là. Bon, donc du coup, bah écoute, tant mieux Adrien. Il y a aussi Marco aussi là qui est avec nous, là, Marco de Valence. Ouais, c'est là. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon bah je t'en prie. Marco, alors toi c'est quoi la différence d'âge? 20 ans avec ma meuf. Ah donc toi t'as quel âge et elle du coup combien? Elle a 25. 25 et toi 45. Toi aussi tu t'es mis bien mon cochon. Hein. Oui. Ah ouais. Hein, tu t'es mis bien ouais, là. Ça fait un peu peur. Bah peur non, pas spécialement. Bah surtout pour elle. Bah écoute, ça passe super bien, mais en même temps, chaque fois que je pense, effectivement, ça fait un peu peur, quoi. Chaque fois que tu penses à quoi? Bah écoute, une fois qu'elle aura 45, je vais être 65. Oui, et puis 65, 85, et puis bah forcément, ouais. Tu partiras théoriquement 20 ans avant elle. Ouais, parce que t'auras beau courir, tu rattraperas jamais. Hein. Ah oui, ça t'a beau t'arrêter, il y a toujours un moment où elle arrive, et hop, tu t'en vas nouveau, tu vois. C'est, elle prend un petit peu, et hop, tu continues. Mais oui, bah oui. Lequel, j'ai une surprise pour toi. Tu quoi? Une surprise pour vous. Aïe, j'ai peur. Vas-y, toujours. En fait, à Rio de Janeiro, il y a São Paulo, tout le monde écoute son radio. Boa tarde. Ah, boa tarde. Comment vas? T'as tout bien? Tout bien. Tout bien. Ah, ça fait plaisir. Ah, ben voilà, c'est très bien. Vous, c'est da onde. Arrête ton pas avec ton accent pour brésilien pourri. São Paulo. Les Brésiliens, ils ont pas inventé le portugais. J'habite en France, c'est ma famille qui sont là-bas. Ah, d'accord, ok, très bien. Ben, c'est bien, on embrasse tout le monde là-bas, alors c'est pratique. Ouais, 2014, on va voir ce qui va se passer. Hein. Ah, bah, écoute, on verra. Bah, le Brésil va perdre et puis le Portugal ou la Belgique va gagner le mondial. Et puis voilà. Je pense que tout est lié. C'est pas la Belgique que le Portugal. Hein. Je suis brésilien, quoi. Oh, ouais, c'est vrai, mais bon, bah écoute. Bon, attends, Marco, reste avec nous. On aura Emilie aussi dans quelques minutes. Et Dylan, là, vous bougez pas. On va revenir aussi avec le son de Basto. Le son belge de Basto avec Dance With Me sur Fun Radio. Restez là, on est là jusqu'à minuit avec la dernière ligne droite et le top tweetos. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Venez foutre le bordel le dimanche soir. Tu me dégoûtes. No limit. Fun Radio. Nickel, no limit. Fun Radio. Allez, dernière ligne droite de l'émission sur Fun Radio avant de retrouver Party Fun à partir de minuit. Ce sera avec Adrien comme tous les dimanches soirs. Il y a Florian qui dit vous pouvez aussi mettre un coup de lance-flamme à Toff. Bah écoute, c'est avec plaisir. Voilà, il est mieux comme ça, non? Si, ouais, merci, je me sens mieux. Ça faisait longtemps en plus qu'on lui a plus mis un coup de lance-flamme dans la tronche, donc là il va beaucoup mieux, je trouve. C'est vachement mieux. Il est beau là. Voilà, je trouve aussi. Maxime aussi, salut Mickaël, dédicace à vous tous, je vous adore, merci beaucoup. Et Kawet qui dit mon père a 12 ans de plus que ma belle-mère, comme quoi finalement. Et Let's Be Freeds qui dit la Saône-et-Loire en fort, je suis célibataire, bah très bien. Et je vous rappelle également d'ailleurs qu'on sera dimanche prochain en direct de Fun Radio à Nancy. Si vous voulez venir tous les Lorrains là, si vous êtes sur Metz, si vous êtes sur Nancy, venir nous rejoindre. Vous êtes évidemment les bienvenus, on sera là avec les avec des cadeaux bien sûr, Toff sera là avec son maître ruban, avec la balance pour faire les chiffres et les lettres. Donc n'hésitez pas. Le pipeau. Et le pipeau sera là bien entendu aussi en direct. Donc on compte sur vous pour venir nombreux. Le canon Ligria, la caméra a gagné dans un instant et les places pour le Paris Games Week. Le temps d'écouter le son belge de Basto maintenant, c'est Dance With Me sur Fun Radio. Bonne nuit. Basto à l'instant sur Fun Radio avec Dance With Me. Allez, bienvenue si vous venez de débarquer sur Fun Radio. Il y a Laura qui dit je voudrais passer un message à ma soeur Camaria et mon petit frère Noan. J'adore. Je les aime beaucoup, merci. Bah voilà, écoute, je te fais des gros bisous Laura. Lilou qui dit toi qui es un dieu, Mickaël, pourrais-tu me mettre Timber, le Pitbull et Kesha? Alors ce soir c'est chaud Lilou là, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, mais demain promis je te le mets. Avec plaisir. Rappelle-le moi mais je te le mets sans problème. Si j'oublie, n'hésite pas. Kawet qui dit peux-tu faire Tsunami au pipo s'il te plaît, Polo? Je suis quand même un fan de Basto. Mais je vais faire quand même, je peux faire Tsunami. Bon, alors attention, alors Tsunami. Attends, c'est ça. Je hein. Sors le pipo. Fais voir. Ah ouais, la rythmique est en deux de... Qu'est-ce que t'en penses, Toff? Moi, je pense que tu peux le faire. C'est du quoi là? C'est du dièse ou c'est du bémol? Non, c'est 4 par 3. C'est du fa là. C'est voilà, du fa, là c'est du fa si là. Tu peux me donner le la s'il te plaît? Ouais, Toff. Bien sûr. Vas-y. Quelle horreur. Quelle horreur. Bon, je alors attention, voici le rythme de Dubs. C'est pour Cécile, spécial dédicace. Donc c'est Cécile qui est passée nous voir. Ah bah oui. Qui est à côté de Polo depuis le début de l'émission. Elle a fait son choix. Ah oui. Bon elle attention rentrée. Donc, alors est-ce que tu peux refaire la même chose en pipo? Avec oui, le même rythme. Oui, c'est oui, genre le. Ah bah oui, ça c'est. Voilà. Mais ça, donc, en pipo. Alors attention. 3. Alors j'enlève. 3, 4. Oh quel talent, wow, c'est un ressemblant. Un peu une ressemblance extraordinaire. Ah, je pense qu'elle est sous le charme. Malgré, oh, est-ce que tu peux faire, Avicii? Ah c'est dur ça. Ouais, ah, c'est t'en penses? C'est mon conseiller musical, toi. Ouais. Bah oui, tu peux tout faire, Polo. Alors, t'es tellement Avicii, fort. Avicii avec Hey Brother. Ouais, je peux. Est-ce que faire. Tu peux le faire en pipo? Ouais, dédicace à Cécile. Ah ouais. Bon, alors attention. C'est le mec qui veut absolument pécho. Dédicace à Cécile. C'est mon morceau préféré. Bon, on arrête. Donc Avicii avec Hey Brother. Ouais. Tu peux, t'es sûr hein? Ouais. Si t'as un doute, tu me dis, j'arrête. Bon. Est-ce que ce personnage peut arrêter de me regarder comme ça? J'ai l'impression. C'est stagiaire, ouais, il fait peur. Attends, il est d'une laideur. Il en a rien à foutre, le stagiaire. Il s'en bat les yeux. Bon, on y va? C'est vrai? Allez, Polo, vas-y, sois fort. On y va. 3, 4. Avicii, hein. Alors attention. Non, mais je reste sans voix. Je reste sans voix. Quel talent. Oh là là là. Avec son coup de merde là. Bon, est-ce que la ressemblance est frappante, Adriane? Ouais, assez. Ah, t'as vu, c'est quand même. C'est le talent, ça fait c'est quand même relativement. Ouais, talentueux. Comme j'ai des fans aujourd'hui. Mais oui, bien sûr, il a un public, il est content. On la raconte un peu, quoi. Mais oui, voilà, c'est ça. Marco également qui est avec nous là. Marco, t'es là? Ouais, ouais, je suis là. Bon, très bien. Est-ce que vous aviez encore un truc à ajouter, Adriane et Marco? Honneur aux femmes, honneur à Adriane. Tu voulais dire quoi, Adriane? Bah, pour Toff, j'ai retrouvé mon tour de poitrine. Ah. Alors, rappel. 1m58, 57 kilos et. 95D. Ah, bah oui, 95D, ça change tout. Ah oui, alors musique alors. Ah bah oui. Attends une seconde, parce que tu m'as pris. Et 38 de tour de poitrine. 38. Dédicace. Bonne. Voilà. Ben voilà, t'as eu ta musique, Adriane. Ouais. Ouais. Et ben voilà. Bon, et Toff qui rêve d'Espagne depuis quelques instants. Ah oui. Ah, oh là là. Miguel. Oui, Marco. En fait, c'est qui a fait l'acteur brésilien de Roberto la semaine dernière pour le film de Cuba? Bah, c'est Roberto. Il est là. Roberto! Attends une seconde, on l'a été chercher. Il traîne toujours dans les locaux, il cherche des filles. Viens qui, Roberto en fait. Viens falar com o garoto là, nous téléphone. Viens, caray, viens. Bah oui, mais que je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux? Vas-y, dis-moi. Ah, ben voilà, Vous voulez que je parle de mon nouveau film? Que ça va être magnifique, que ça va être beau. Mais ça va parler de quoi, votre nouveau film, Roberto? Alors, en fait, c'est l'histoire d'une pute. Ouais. Qu'elle arrive comme ça. Elle connaît personne. Ouais. Et là, il y a 5 mecs, ils arrivent et ils la défoncent. Ah bon? Ils la défoncent, ils lui ramènent les quilles, la chatte, la bouche, elle en prend partout. Merci. Et à la fin, c'est historique, ça. Bien sûr. Ça s'appelle c'est le mur de Berlin, en fait. Oui, enfin. La représentation symbolique, c'est ça, Roberto? Exactement, je vois, voilà. Tu comprends l'art que j'ai fait, c'est beau. Et l'important, c'est la touche de Roberto à la fin. C'est les litres du spell pour lui couler dans sa gueule. Merci, Roberto, au revoir. Allez, bon retour chez vous. Ah ouais, déjà. Des amitiés à Rio, hein. Mais j'ai pas donné le titre. Ouais, mais vous allez bien faire un film sur la Coupe du Monde. Ma oui, ça va être magnifique. Ma oui, dans tous les stades du Brésil? Non, je tourne que dans un, sinon c'est trop long pour se déplacer. Vous pouvez nous expliquer un peu le film là de la Coupe du Monde? Ça ira. Il garde l'exclusivité, on le réinvitera à l'occasion. Non, je peux raconter un petit bout si vous voulez. Non, ça ira. C'est dommage parce que c'est un très beau film. Oui, certainement. Au revoir, Roberto. Bon, Marco, mais merci, moi, bravo. Hein. On va avoir des problèmes maintenant à cause de toi. Mais après, c'est un accent brésilien. Les Brésiliens ont l'accent merde, je suis désolé. En tant que portugais, je peux pas laisser dire ça. C'est normal. Le diable rouge aussi. Comment, Marco? Le diable rouge aussi. Qu'est-ce qu'il y a, les diables rouges? Moi, j'ai pas de problème. Moi, je ne suis pas pour le Brésil. Je suis pour le Portugal ou pour la Belgique. Mes deux patries. Voilà. Oh, ben écoute. Moi, je n'aime pas Neymar. On va les battre tous les deux. De quoi? On va les battre tous les deux. Arrête ton cinéma. Là, bien sûr. Là. Bon, allez, Marco. Allez, la bonne nuit. Bonne nuit. Allez, à bientôt, salut. Marco. Hein. Oui. Un beige. Que dalle, rien du tout. Oh merde. Rien. Bah tu sais quoi, je vais t'en envoyer avec un drapeau belge et un drapeau portugais dedans. Voilà, tu vas être bien là. Hein. Comme ça tu vas pouvoir le mettre sur ton pare-brise, tu vas être beau comme un cochon. Bon, Marco, tu vas gérer ça avec Sandro, je te repasse. Beau comme un cochon. Oui. Salut Adriane, salut Marco, gros bisous à vous deux. Émilie est avec nous également, Émilie. Oh. Oui. Bon, on va te reprendre demain, Émilie. Oh. Oh, ça fait une heure. Je sais, mais attends, regarde-toi, va te faire un bisou. Attends, ouvre la bouche d'abord. Non, moi j'ai voilà. Taf, moi. Mais bah je suis là, c'est bien ce que je... Ah, donc t'as vraiment mauvais goût à ce point-là, Emily. Très bien. Moi aussi, non. Je t'aime, Emily. Moi et Mickaël, on est tellement beaux. Mais oui, c'est ça. D'ailleurs, on va se crever les yeux pour descendre un peu de level. Exactement. Bon, Emily, on te reprend demain, d'accord? Promis. Mais promis, juré, craché. Oui, non, mais ouais. Bah oui, écoute, moi j'ai qu'une seule parole. T'inquiète pas. D'accord? Ok. Bon, ouais. À demain. À demain. De toute façon, c'est ton mec qui est précoce, hein. Ça fait plus à 5 minutes maintenant. Hein? Hein? Hein? Non, mais c'est trop tard, de toute façon, il a jamais. Oui, voilà, c'est ça, de toute façon, c'est trop tard. On te reprend demain, Émilie, je te repasse chez Sandro, d'accord ? C'est vraiment dégueulasse. Mais non ! Oui, oui. Gros bisous, Émilie. Bon, et pour terminer, on va se faire évidemment les teubés de la télé, bien entendu, comme chaque dimanche soir, comme chaque soir, au final, à minuit. Hein. Les teubés de la télé avec dans Séduis-moi si tu peux, on a une candidate qui connaît ses points forts, et ça, c'est le principal. Qu'est-ce que tu aurais de plus que ta concurrente, enfin que Céline ? À m'apporter. Alors, votre argument à vous, votre force ? Mais ça ? Ah oui, c'est ça, évidemment, mais elle avait raison de le préciser, hein, elle avait raison de le préciser. Et dans Motus, il y a une candidate qui nous montre que c'est important d'articuler pour que, bah, pour qu'on comprenne. Pommier. P-O-2-M-I-E-R. Pommier. J'avais dit pommier. Ah oui, non, c'était pommier, hein. Ah oui, ouais, c'était pommier, pas pommier, hein, ça c'était pas pareil. Et puis dans les ch'tis, il y a Christopher qui reste fidèle à lui-même, hein, le champignon, champignon. Le champion de la langue française, bien entendu. Pourquoi j'ai champignon, hein ? Il n'y a pas un seul embrouille, pas un seul tension, tout le monde, il est cool, zen. Enfin, au taquet, quoi, hein. Hein ? Au taquet, j'ai envie de dire parfait. Ah oui, là, c'est aucun problème, tout le monde il est cool, tout le monde il est zen, c'est magnifique. Bon, on va filer aussi les cadeaux maintenant. Allez, c'est parti pour la caméra HD, la Canon Legria Mini qui ne sort que là maintenant, minuit pile. C'est parti là, on y va. Celui ou celle qui s'inscrit par SMS. Je vais y arriver par Facebook. Je vais y arriver. facebook.com/michaelofficiel. Si il ou elle décroche, c'est gagné. Alors attention. Allô ? Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne. Oh. Je ne peux pas appeler pour un moment, mais vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Ah bah avec plaisir. Bonjour, c'est Mickaël, tu es en direct sur Fun Radio. On t'appelait pour t'offrir ta nouvelle caméra, la caméra qui vaut 300€, la Canon Legria Mini. Et malheureusement, tu n'as pas décroché. Ouais. Tu as certainement vu un numéro masqué, t'as dit pas question que je décroche à cette heure-ci. Ah oui, c'est ce qu'on appelle dans le fion. Bon, et bah écoute, je suis désolé, hein, tu retentes ta chance quand tu veux. Hein. Bon, on a appelé une fois. Attends, tu sais quoi ? Je vais te laisser sur le répondeur, comme ça tu verras qui gagne à ta place. Voilà, du coup on appelle le truc bien sadique. Ah bah elle avait qu'à décrocher. Oh, voilà. Quelle violence, j'adore ça. Allô ? Allô ? Bonjour. Oh là là ! Comment t'appelles-tu ? Coralie. Coralie, tu as quel âge ? J'ai 16 ans. Très bien, Coralie. Ah, ouais. Alors, Coralie, tu t'es inscrite sur le Facebook de l'émission ? Oui. Tu devrais pour gagner la caméra numérique ? Jeune enfant. Oui. La Canon Legria ? Oui. Eh ben, tu l'as gagné. Bravo à toi. Bravo. Félicitations. Merci. Avec plaisir. Ouais. Et tu peux me remercier l'auditrice qui est encore là. Ta voix sera sur son répondeur demain quand elle écoutera le message. Est-ce que tu peux lui dire ? Eh ben, merci à toi. Merci à toi de pas avoir décroché. Bon voilà, c'est grâce à elle, tu as gagné, hein, toutes mes félicitations. Eh ben bravo, tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées, d'accord ? Oui, merci beaucoup. Bisous, à bientôt. Salut, ciao. Bon, et bah du coup maintenant on va appeler le gagnant ou la gagnante pour le Paris Games Week. Ah bah que des cadeaux pour terminer avant l'arrivée de Party Fun dans un instant, c'est parti. Celui aussi. Allô ? Oui. Oui, bonjour, salut. Comment tu t'appelles ? Julien. Salut Julien, ça te dit de venir avec nous le 29 octobre, on sera dès 21h en direct du Paris Games Week à Paris, forcément. Ah ouais, je veux bien. Ah bah ouais, plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que t'as déjà voté sur le site de Fun là pour voter pour ton jeu vidéo de l'année 2013 ? Ouais, j'ai voté, ouais. T'as voté pour quoi ? Assassin's Creed, je crois. Assassin's Creed, d'accord, ok, très bien. Eh ben voilà, bah allez voter, vous allez pouvoir même gagner une console, hein, si jamais vous allez voter, console au choix, sur funradio.fr. Et puis bah tu vas pouvoir tester, mec, tu vas pouvoir tester avec moi, si je te la laisse quelques minutes, la nouvelle PlayStation 4 en exclu. Bah il dit ouais, on verra. La nouvelle PlayStation 4 et la Xbox One. Ah ok, bah c'est cool. Eh bah plutôt, ouais. Bon bah tu restes au standard, tu vas rester là, on va prendre toutes tes coordonnées pour te filer tes places, ok? Ok, merci. Je t'en prie, passe une bonne soirée, bonne nuit même à l'écoute de Fun. Salut, salut. Ah, Sandro l'a déjà pris au standard. Hein, ah ouais, ça va se finir. Eh, minuit 3, faut que je pars. 15 secondes, il faut que j'arrête. Ça fait que je suis complètement perturbé, donc merde. Il y a un moment, faut que ça s'arrête, quoi. On est marre. J'en ai ras le cul. Bon, bah très bien. Bah, nous, on va se retrouver demain, nous, en pleine forme. Hein. Top Twittos, bien sûr. Oh là là, j'ai oublié le Top Twittos. Alors, numéro, donc tous les gens qui étaient sur le Twitter ce soir avec le hashtag et Mickaël. Alors, quel est l'auditeur qui a été le plus influent sur le Twitter de l'émission ? Le numéro 5. Cheva GTR. Cheva GTR, numéro 4. Fafa 44260. Très bien. Ferme ta gueule, gros bâtard. Numéro 3. Ted Dance. Va te faire enculer maintenant. Numéro 2. Cali Yaron, qui et est une nouvelle. Au connard. Ouais, bah voilà, très bien, nouvelle, bienvenue à toi. Et alors le premier, enfin le numéro 1. Avec le double. du deuxième, let's be free. T'es une grosse salope. Ah oui. T'es une grosse salope. C'est Toff qui te le dit, comme ça elle sera contente, y a pas de problème. Ça lui fera plaisir. Voilà. Et avant de partir et avant de laisser la place, eh bien le générique. Alors attention, mesdames et messieurs. Je suis prêt. Voilà. Est-ce que Cécile va chanter avec toi? Tu veux chanter, Polo? Cécile? Si, si, elle va chanter. Attends, allume ton micro. Et puis les auditeurs aussi vont chanter, ceux qui sont passés nous voir ce soir là. Alors attention, il y avait Florian et il y avait Damien. Damien, exactement. Alors attention, c'est parti. Vous connaissez le générique de fin? Pas du tout. Pas du tout. Bravo. Alors attention. 3, 2, 1, c'est parti. Générique de fin sur Sauce Park comme d'habitude. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Des biteufs te sucer, toi l'enculé. L'enculé, ton long, t'encule comme toi. Toi l'enculé. T'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'as ton nom toute la journée. Espèce d'enculé. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. Espèce d'enculé. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. T'as l'homo, t'as calculé sous ton front, qu'est-ce qui se passe ici? Quel cochon! Que veux-tu? Ils sont canadiens. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Du bout des vitres, te sucer, toi l'enculé. Oui, t'es mon masse à te faire enculer. Toi ton oncle, c'est l'enculé. Oui, tous les deux. Enculés, c'est vrai. Attention Lilou. Suce ma bite. Eh ben oh, voilà Lilou. Quel talent quand même. C'est fou cette Lilou. Eh ben oui, ben merci à vous toutes et tous d'avoir été là ce soir avec nous jusqu'à minuit 6 ce soir. On revient demain en pleine forme à partir de 23h sur Fun Radio toute la semaine. Avec demain le chéri, je peux te faire cocu. Des places encore pour la peur sur le parc au parc Astérix. On aura encore aussi bien sûr des consoles à vous offrir et des places pour venir avec nous au Paris Games Week. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Profitez bien des vacances pour ceux qui sont en vacances, profitez bien de l'école pour ceux qui sont à l'école et profitez bien du taf pour ceux qui sont au taf. Et puis moi je vais aller dormir. Bah c'est nuit. Une bonne idée. Bah, je pense que ça pourrait être pas mal. Oui, je trouve aussi. Allez, bonne nuit tout le monde et puis toutes les photos de notre petit séjour à Prague là sur le Facebook de l'émission, allez-y, partagez avec vos potes et puis bah demain on sera là aussi pour ceux qui n'ont pas cours évidemment, qui sont déjà en congé. Et ben bah, on va pouvoir être ensemble jusqu'à 2h du mat. À demain tout le monde. Salut, salut. Nos limites. 20h minuit. Fun. C'est Mickaël, Nos limites. Mickaël. On Fun Radio.